US comme tous les dimanches soirs à partir de 20h et jusqu'à 21h, les 10 cartons rap R&B aux États-Unis et ça bouge pas pour Justin Timberlake, toujours premier, bien accroché à la première place. Justin Timberlake avec Can't Stop the Feeling. Et toi aussi Steph, tu restes là pour compter tout ce qui se passe aux États-Unis, comptabiliser les scores de vente et tu reviens dimanche prochain à partir de 20h pour un tout nouveau EQS. Ouais, exactement. Numéro 2, tiens, je le rappelle, c'est Drake avant de vous laisser la place à la spéciale de la radio libre de Diffoul. Drake qui conserve sa deuxième place avec One Dance. Ah bah t'inquiète, on va danser aussi ce soir. Ah, je vais rester alors. Très bien. Bon, à plus Steph, merci pour tout. Salut. La spéciale de Diffoul. 21h minuit sur Skyrock. C'est parti, dimanche soir, il est presque 21h. La spéciale de Diffoul de retour sur Skyrock. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Les révisions pour pas mal d'entre vous. Un big up également à tous les poteaux qui ont les pieds dans l'eau. Voilà, les inondations un petit peu partout. Et puis l'euro également qui débute. On est à J-5. Et je vous rappelle d'ailleurs qu'il y a des places à gagner toute la journée sur Skyrock dans la roulette. Car bien évidemment, nous sommes premiers sur le foot, la plus grande radio libre de France. Les meilleurs moments, c'est tous les dimanches soirs sur Skyrock à partir de 21h avec ce soir une grande histoire d'amour qui est née sur Skyrock. L'histoire d'amour entre Fares, 24 ans, chauffeur de taxi, un Uber, qui est sorti avec Monique, 65 ans. On a presque vécu l'histoire en direct du début à la fin. Fares que vous allez retrouver avec Diffoul et toute l'équipe dans moins d'une demi-heure. Vous allez retrouver également le double appel. Elles n'ont rien demandé à personne. Deux familles qu'on va mettre en contact l'une avec l'autre. Mais on vous a pas appelé alors, qu'est-ce qu'il y a? Ah, pourquoi vous m'appelez? Mais on vous dit qu'on vous a pas appelé, vous êtes pas venu ou quoi? Ta gueule! Ta gueule aussi, saloperie! Et c'est normal, c'est nous qui les avons appelés. Le double appel, on se le fait dans moins de 20 minutes. Le super clash de la drague également avec Cédric, ce soir, qui va tenter de serrer Dominique. Bah vas-y, ramène ta gueule, vas-y. Pas de soucis, Dominique. Je vais faire l'amour à ta femme doucement et après, si tu veux, tu me laisses traîner. Toi, t'as un beau parleur, t'aurais dû faire de la poésie, alors, connard. Vas-y, ramène ta gueule. Cédric, le politicien qui va être opposé à Romano, lui qui va tenter de serrer Daniel. Eh, enculé! Ah! Non, moi c'est Jean-Louis, moi! C'est qui toi? C'est qui, fils de pute? Moi je suis Jean-Louis! De toute façon, j'arrive dans 5 minutes, c'est réglé! On va se faire ça dans moins d'une heure, hein. C'est réglé également le dimanche soir sur Skyrock. On mélange les meilleurs clashs de Cédric contre les meilleurs clashs de Romano, de l'inédit. À pas louper au programme de l'émission également pour cette première partie, on va parler cocufiage et embrouille de voisinage. Deuxième partie d'émission, on filera sur le répondeur de l'émission de Pamela avec Jean-Claude Nunus. Un tout nouveau pervers à découvrir. On aura la visite du Marseillais Alonso, des psychiatres. 4 de la rime dans l'émission, il y aura aussi des rats, des souris, on parlera orgasme féminin, le récap du top bug de Romano, c'est prévu, on sera le réveil de star d'Olivier Tom, j'ai des places de ciné également à vous offrir ce soir, hein. Vous allez tout de suite sur les réseaux sociaux, sur Yax, sur Twitter, vous tweetez avec le hashtag la spéciale de Diffoul, vous réagissez à l'émission et je vous file vos places pour aller voir Marly Gaumont, le film qui retrace l'histoire de Camini, c'est à Maté dans le ciné de votre choix, on y va, c'est calé, la spéciale de Diffoul, c'est parti, c'est parti tout de suite, on parle réveil avec Leïla que vous retrouvez avec Diffoul, Romano, la Marie, Momo, Samy, Karim et Cédric le Belge. Yo. Salut les filles. Salut les filles. Ah moi j'arrête. Salut. Parce que j'ai plus le droit de le faire. Bon Leïla, toi tu as des simples, tu es une vraie fille, tu as 21 ans et tu es donc dans le 74 et tu te trouves dans une merde pas possible toi. Ouais. Donc, si on peut vous sortir de la merde, vous n'hésitez pas à nous passer un petit coup de fil ou à nous laisser un message. Bah, ouais, si on peut vous aider. Des idées ou quoi, quelque chose vraiment pour m'aider parce que là, vraiment, c'est la merdasse. C'est pas bon d'être dans la merde. Alors, allez, en fait, tout simplement, j'arrête pas d'être en retard le matin, c'est horrible. J'ai du mal à me réveiller, donc du coup, je suis super en retard le matin, genre de une demi-heure ou de trois quarts d'heure. Genre, tu commences à quelle heure? Genre, je commence à 9h en plus. En plus, ouais, 9h, ouais. Ça va. Mais c'est quoi, comme t'es à l'école ou t'es... Non, bah en fait, je suis entre guillemets animatrice sociale et standardiste. D'accord, donc tu travailles déjà à 21 ans. De base, en fait. Voilà. C'est encore pire si t'es à l'école, parce que bon, à l'école, Je suis pas encore. J'ai terminé mes études. Bon, c'est bien où tu taffes. N'appelez pas entre 9h et 10h, elle n'est pas là. Il y a personne. Elle n'est pas là. Vous avez des enfants, elle ne s'en occupera pas non plus, animatrice. Rien. Voilà, exactement. C'est qu'il avait tendance à être tout le temps en retard quand il devait se le lever tôt. Non, moi, c'était un calvaire pour me lever, moi. C'est-à-dire que ma mère, il fallait qu'elle vienne 10 fois pour que elle je m'enlevais la couette, moi. J'étais ouais, pareil. Ouais. Après, elle m'amenait mon petit déjoli. Mais moi, j'avais plus de mal à me lever quand j'allais au bahut que pour le morning, par exemple. Ah bah oui. Ah ouais, ça c'est certain. Même si à certains matins, je me ferais bien une petite demi-heure de plus, quand même. Hein, je vous le cache pas, d'ailleurs. Mais ouais, j'étais plus en retard au bahut que. Ouais, bah moi la même. Hein. Moi, j'y allais pas. Non, mais je dormais sur place. Bah, je me réveillais vers 18h. Le bahut était fermé, les cons. Et tu vis toute seule, toi, Leïla? Parce que je vois le message de Victoria, 14 ans, qui dit: moi, c'est mon père qui me décolle du lit. Non. Moi, ma mère hurle tous les matins. C'est la maman. Ma mère hurle tous les matins, elle vient me réveiller 4 fois. C'est le message de Louis sur SMS. C'est la même. Mais genre, quand le réveil il sonne, tu l'entends ou même pas, tu l'entends? Il s'en a au moins 15 fois, j'ai du mal, mes yeux ils sont collés, je peux pas. J'ai vraiment trop du mal. Demande au père de Victoria de venir se décoller, tu vas voir. Ouais. Déjà, il décolle Victoria de son lit, donc je pense qu'au niveau. Ton cas, il va te décoller l'œil, les deux d'ailleurs, si t'en as deux, tu as deux yeux. Ouais, tu nous rassures. C'est mieux d'avoir deux yeux. Mais deux fois plus difficile à ouvrir le matin. Bien sûr. Qui c'est qui est pas du matin dans l'équipe? Moi. Bah si t'es du matin, tu fais le morning tous les jours. Bah non, je me connais, je suis du... Oui, je suis du matin parce que je suis payé, quoi, tu vois. Ok, c'est d'accord. Bah elle est là, non, elle est payée aussi. Manière générale, de manière générale, tu sais, j'ai du mal à me lever le matin, quoi. Pendant les vacances, j'ai du mal à me lever. Ouais, bon, ça, les vacances, ouais, ça franchement, il n'y aurait pas le réveil, vous ne me verriez jamais, quoi. Mais on te voit déjà difficilement, c'est tout petit. Mais après, bon, c'est comme ça. Hein, il y a Lionel, lui, au bahut, il mettait 5 réveils le matin pour être réveillé. Il y a Tiffany, elle a 26 ans, moi je ne suis pas du tout du matin. Lorsque je me réveille, il me faut au minimum 2 réveils. Dès mon réveil, j'ai déjà envie d'aller me recoucher. Moi, c'est ma mère qui me réveille. C'est Jess de Mars. Et heureusement qu'elles sont là, les mamans et les papas aussi, hein, d'ailleurs. Hein. Qu'elles mettent son réveil plus tôt. Bah oui. Pourquoi tu mets pas ton réveil une demi-heure ou trois quarts d'heure plus tôt pour arriver à l'heure? Ah, c'est horrible. Ah ouais. Pourquoi c'est horrible? Mais en fait, quand je me lève plus tôt, je me dis, ah non, j'ai trop le temps, puis au final, je suis quand même en retard. Ah ouais, putain. Puis t'as l'impression de niquer des minutes précieuses de sommeil, ouais. Tu te dis, ça sert à quoi? Ouais, je sais pas. Bon, il y en a plein qui le font, qui se lèvent avant. Ouais. D'ailleurs, il y a un mec là qui a sorti un bouquin, là, Morningophile. Les gens qui se lèvent super tôt, ben vivent mieux. Ouais, c'est vrai. Donc on va vivre super bien, nous. Et le mec là, ce mec-là, il se lève le matin à 3, il se lève à 3h30 tous les matins. Ouais. Ouais. Putain, mais il se couche à quelle heure le soir? Ah bah assez tard. Non, mais je crois, il se couche pas genre à 19h. Ah ouais, d'accord. Ouais, il se couche. Mais son truc, c'est de se lever tôt. Et ce qu'il expliquait, c'est tous les grands de ce monde, ils se lèvent très tôt. Et voilà, pour être un grand comme Romano, levez-vous tôt. Après, chacun. Ça a pas marché. Moi, ça n'a pas fonctionné. Il a pas poussé là, non. Les grands de ce monde. Tiens, appelez-moi Mustapha Rai qui nous laisse un message. Il est marrant ton pseudo, Mustapha Rai. Bonjour Mustapha Rai. Appelez-moi, je l'aide cash pour son réveil. Mais tu veux faire quoi? Tu veux aller la réveiller chez elle? Ouais, bien sûr. Il y a déjà des auditeurs de Skyrock super qui sont prêts à t'aider. Ouais, t'as vu? Il y a Flo, il a 17 ans. Qu'elle achète un réveil qui la bifle, au moins elle sera réveillée. Mais on avait parlé de réveil chelou le matin. Bah, il y a des réveils à baffes. Hein. Un réveil qui te fout des baffes le matin. En fait, c'est un truc qui t'accroche au mur au-dessus du lit et en fait, quand tu te lèves pas, ça te claque la gueule. Bah, on en avait testé un là le matin. C'est le réveil en fait qui roule. En fait, le truc, tu le poses. Il se déplace. Et tant que tu l'arrêtes pas, le truc, il se déplace. Donc, t'es obligé de te lever pour l'arrêter. Ouais, sinon, tu deviens folle. C'est pas mal, ça, Léla. Sinon, si t'es un peu radine, il y a la version sadique, c'est tu glisses un billet. Et en fait, le réveil, il sonne. Et après, au fur et à mesure, et si tu te réveilles pas, le billet, il est broyé. Ouais. Mais c'est naze, ce truc. Bah non, ça t'oblige à te lever. C'est hyper naze, ouais. Ouais, non, mais c'est un réveil qui existe. C'est comme ça que Romano se réveille tous les matins et à l'heure, tous les matins pour le morning. Moi, je mets mon réveil, mais Tu te réveillerais plus vite, tu mettrais, je sais pas, un billet de 50€ tous les matins dans ton radio réveil. Et puis au moment où la radio se met en route, tu entends ton truc qui fait. Commence à manger ton billet. Non, mais par contre, ouais, si tous les matins je me fais niquer un billet, j'arriverai à 6h dans un état de nerfs pas possible. Ouais, bah c'est ça. Je pense que c'est insupportable. J'ai un téléphone qui hurle, voilà. Et au pire, il y a Cariole qui hurle derrière si vraiment je me lève pas. Alors attendez, j'ai un problème avec mon iPhone, je voulais vous demander. Parce que j'ai un réveil, quand il sonne, ça fait. Tiens, appelle-moi pour que je fasse écouter la sonnerie. Ça fait la sonnerie de mon téléphone. Mmh. La sonnerie classique de l'iPhone. Bah, il faut que tu le changes. Vous allez voir. Non, mais ça, j'aime bien. Parce que je trouve ça assez aguerré comme sonnerie. Ouais, mais. Vas-y. Donc, ça, c'est ce que j'entends tous les matins aux alentours de 5h, 5h15. Ça me donne envie de le péter, ton truc. C'est vrai. Je sais pas, ça m'angoisse ce bruit. C'est ton bruit de ton réveil aussi? Ouais, parce que avant j'avais le. Tu sais, le truc horrible. Ouais, ça arrivait direct. Alors, j'ai cette sonnerie pour demain matin à. J'ai mis à 5h15 demain matin. Et là, vous allez voir, je vais programmer une sonnerie pour aller dans 15 secondes. Et vous allez voir que ça va pas être la même et ça m'énerve. Ça, tu peux le changer. Ça se règle. Ça se règle. Voilà. J'en ai plein. Vous allez voir, dans 5 secondes, le machin, il va sonner. C'est Diffoul le geek. J'ai un problème, je te demande. Oui, il y a juste un menu à changer. Écoutez, et là, ça me fait ça. Et ça, j'aime pas. Mais ça change. Tu le changes. Tu peux même lui donner. C'est mon réveil, ça me stresse. Ça, j'aime pas. Ouais, moi aussi. Donc, quand je me réveille à 5h15 le matin, j'ai l'autre sonnerie que j'aime bien. Et quand je me réveille à n'importe quelle autre heure, que je mets une alarme, ça sonne comme ça. Bah, il faut le changer. Ah, tu fais. Va dans le menu alarme. Menu, c'est où ça? Bah, tu vas dans le truc où il y a l'alarme. Horloge? Oui, c'est ça, ouais. Horloge. Alarme en bas. Et je clique sur alarme en bas. Voilà, après tu fais modifier. modifier. Genre demain, son réveil va pas sonner. Clique sur l'alarme que tu veux modifier. Je clique sur l'alarme que je veux modifier. Voilà. Et après, il y a écrit sonnerie en dessous. Attends, je clique sur l'alarme que je veux modifier. Sonnerie radar. Ah, je veux pas radar. Et tu mets la sonnerie que tu veux, là, t'as toutes les sonneries de l'iPhone qui sont là. Ah, mais oui, j'ai viens de voir constellation cosmique, étoile filante. C'est un débile. Hibou. Ça, c'est hibou. C'est horrible. Ah ouais, c'est super. Mais ça sent vachement à hibou, en plus. Ah ouais. Ouais. Ça, hibou drogué, en vous. Le mec qui a fait ça, il avait, je sais pas ce qu'il avait pris, mais. Cosmique. Ah non, c'est horrible, ça. Ah ouais, t'as envie de péter ton truc. Étoile filante. Ouais. De toute façon, en soi, moi, je trouve que tous les réveils, ils ont un son de merde. Non, bord, pire, où ça, non, mais à partir du moment où ça réveille, c'est horrible. Bord de mer. Ça veut dire que tu dois te lever, quoi. Non, mais non, mais après, c'est la musique de film de cul. Hein, c'est un truc qu'ils ont fait sur l'iPhone qui est bien maintenant, c'est que tu peux choisir les morceaux que t'as dans ton iPod. Je vois la bite. Ouais, c'est ça. Si t'as des morceaux dans ton iPod, tu peux choisir les morceaux dans ton iPod pour te réveiller. Non, mais au final, t'as qu'à te réveiller avec l'appli Skyrock, ça marche aussi. Hein. Oui, c'est vrai. Ouais. Ouais, ouais, bah tiens, ouais, voilà une bonne idée pour te réveiller. J'ai pas d'iPhone, donc voilà, c'est l'occasion. J'ai un téléphone tout pourri. Donc, ah oui, mais. la gratte. Ah, ouais, mais on t'offrira pas de téléphone. Sans c'est... Vous faire. Ouais. Non, bref. Mais c'est mort, Leïla, je te le dis direct, tu n'auras pas de téléphone. Et il y a quand même un paquet de réveils pourris, hein, quand même, sur le truc. Ouais, là. C'est clair. Mmh. Le truc, c'est que je cherchais vraiment des solutions parce que je me suis grave enfermée dans mon mensonge. Et en fait, j'ai dit à mon employeur, parce qu'en fait, il m'a menacé de me virer à plusieurs reprises. Ah bah, ça arrive en retard tous les jours, oui. Bah ouais. Et en fait, je suis arrivée au taf, en fait, j'ai pris une lingette démaquillante et j'ai commencé comme si j'allais me démaquiller. En fait, j'avais les yeux de panda, comme si j'avais pleuré, en fait. Ouais, écoutez, panda tout à l'heure. Et du coup, j'ai fait style qu'on m'avait agressé, tout ça. Et du coup, mon employeur, il m'a laissé aller porter plainte, tout ça. Et j'ai dû porter plainte. Alors il faut cette agression, t'es pas c'est bien, ouais. C'est du joli. C'est du propre. Ah ouais, c'est pas bon. Et du coup, c'est trop la merde parce que j'ai dû décrire quelqu'un qui m'a pas agressé. Oui, alors il est petit, il a des lunettes. Et je sais pas, il a poussé un cri de guerre, mais alors tout à fait bizarre quand il est arrivé. Il a dit. Je ne sais pas qui est-ce. Mais tu sais que tu t'exposes à beaucoup d'emmerdes. Mais ouais. Grave, et le pire dans tout ça, parce c'est que, part... que c'était un rebeu, un petit peu black, tout ça, donc j'ai fait un peu la meuf, voilà. C'est bien, voilà, oui. Puis, non, pas dans les clichés du tout. Ouais, c'est un rebeu, mais il était black. Ouais, c'est ça. Venir du Congo, je crois. Ouais, un rebeu black. Du Congo. Limite. Non, de chinois. Limite chinois. C'est une fausse déclaration, tu sais que tu peux avoir des poursuites judiciaires. Bah, mais grave. Bah, ouais. Puis, ils ont pas que ça à foutre. Ah, mais ils ouvrent une enquête derrière. Bah, surtout, s'ils se rendent compte que t'as raconté de la merde, t'inquiète pas que t'auras des nouvelles, mais pas des bonnes. Mais pourquoi tu t'es mis à inventer ça? Et en plus, ton patron, il peut te jeter aussi. Bah, ouais. Comment tu t'es dit, je vais inventer une. Je vais inventer un truc pareil. Ils m'ont dit à la prochaine prochain retard, ça y est, c'est bon. C'est et là, pas, tu t'es dit, t'as paniqué. Plus la peine de revenir, en fait. Ah ouais. Ouais, t'as paniqué, donc t'as inventé ça, quoi. Ouais, ouais, sur le coup, ouais, c'est sûr. Ah bah, réveille-toi plus tôt, ma grande. Voilà, ouais, c'est ouais, t'évitera, mieux, ouais, ça t'évitera des emmerdes. Plus tôt, c'est mieux. Bon, en tout cas, il y a des conseils qui arrivent pour ceux qui ont du mal à se réveiller. On aura Mousse au téléphone en direct d'Evry avec nous. Tiffany également, qui a des conseils pour toi, Leïla. Donc, on va y revenir dans un instant. Tenez-vous prêts. Bonjour, Valmy. Salut. Toi, tu as mis une caméra espionne chez toi. Pour espionner qui? Ta meuf? Ta famille? Ma meuf, ouais. Ta meuf. Pourquoi t'avais des doutes sur ta meuf? Bah en fait, ça fait plus de 3 ans que je suis avec elle. Ouais. Et tu sais, au début, c'est toujours tout rose, tout mignon, tout parfait. C'est vrai. Et là, il y a quelques mois, je la trouve un peu bizarre. Je commence à soupçonner des trucs. Ah, elle a changé. J'ai parlé vite fait, je lui dis ouais, ça va, t'es sûr, t'as rien et tout. Qu'est-ce que tu trouvais bizarre? Elle a changé. En fait, il y avait moins de câlins, moins de bisous. Ah ouais, c'est vrai que c'est avec ses copines et tout. Mais vous faisiez moins l'amour, par exemple. Un truc qui va pas. Bah oui, c'est oui. Voilà, j'ai discuté avec elle et puis elle me dit comme quoi elle a envie de faire une pause. Et en général, quand il s'agit de pause, c'est qu'il y a un autre connard à côté. C'est mauvais signe, ouais. Ça pue. Comme moi. Ah ouais, oui, Cédric. Voilà. Donc j'ai discuté avec elle, elle m'a dit on fait une pause. J'ai dit ok, il n'y a pas de souci. Je suis parti chez mes darons. Je l'ai laissé. Et moi, vu que j'étais pas trop confiant, j'ai laissé l'ordinateur allumé en mode veille. Vous savez, les Mac, quand vous laissez allumé, l'écran il est noir, mais il y a une petite lumière verte qui dit que ça filme. Ouais. Du coup, ça a filmé tout le week-end. C'était un week-end, le jour que j'ai laissé l'ordi. Je suis repassé dimanche soir, lundi matin. C'était mieux que YouPorn. La vidéo. Et il y avait le fils de pute que je pensais. Il s'abuvait du champagne sur mon canapé. Oh. C'est le mec qui galochait ma meuf dans ma locale. C'est ça. Ah, là, le salaud, il a bu du champagne alors que toi t'en buvais même pas. T'es vraiment un enculé. Et là, c'est pas que ça, Marie. Je sais pas comment lui dire ça. Je sais pas si je veux le foutre la honte devant tous ses copines ou pas. Ou je sais pas ce que je fais. Mais c'est qui ce mec? Je fais quoi? Hein? C'est qui ce mec? Tu l'as reconnu? Ah, je l'ai reconnu. C'est un mec de mon travail. Oh, ah, en plus. Elle est en train de se taper un mec de ton travail. T'as pas eu envie de vomir en voyant ça? Ah, il m'a putain. Ah, franchement, c'est. Moi, j'aurais eu envie de péter ça. L'ordinateur. Ouais, déjà. De lui péter la gueule. Ouais, juste péter tout ce qu'il y a devant. En fait. L'ordinateur, faut le garder, c'est l'épreuve. Ah, j'aurais pété aussi. Ah, ouais, mais. Moi, j'en ai parlé vite fait à un collègue. Il m'a dit, ça sert à rien de l'afficher. La meuf, après le mec, tu peux rien y faire parce que le mec, voilà, la meuf, elle a ouvert ses jambes et il a niqué. Ouais, voilà, lui, c'est le jeu, lui. Ouais, le mec en a profité. T'as la meuf que je dois en vouloir, tu vois. Après, ça dépend, collègue de travail. Imagine, Romano, tu rentres tout à l'heure et il y a Cédric qui est en train de gigoter dans carriole. Ouais, mais là. Et non, le chien qui aboie à côté parce qu'il trouve ça horrible. Non, mais ça va être compliqué parce que Cédric, il est là. Le chien hurle à la mort. Ouais. Maintenant, je sais pas comment lui annoncer, en fait. Bah, moi, je lui aurais déjà annoncé. Pour elle, elle a rien à cacher. Ouais, t'as raison, salope. Non, c'est ce que tu. Il y a plusieurs idées que vous avez là sur les messages. On va mater tout ça là. J'ai une bête idée. Vous avez des idées bien malsaines comme j'aime. Ouais. Ah moi j'aurais débarqué direct. Il y aurait pas eu d'idées malsaines. Ah, moi j'ai une meilleure idée. C'est un carnage. Moi. Alors on fait un tour de table. Romano, tu fais un carnage. Ah mais moi à partir du moment où je vois la vidéo. Moi, c'est bon, c'est réglé. Je débarque, je la fous dehors, parce que c'est mon appart, évidemment. Ah, mais il l'a vu après la vidéo, parce que de toute façon, c'est. Il l'a pas vu en direct. Oui, non, mais d'accord, mais à partir du moment où je vois la vidéo, moi, il n'y a pas de mise en scène ni rien. C'est je débarque direct et ça s'embrouille direct. Comme tu es dur et tu tires un trait sur 3 ans d'amour. Non, mais quelle salope. Oh, quelle vulgarité, mais quelle vulgarité, je suis choqué. Mais attends, je sors du studio. Je sors. Non, mais non, mais sors pas. Non, mais la meuf, normale, elle boit du champagne et se fait gâcher. Eh oui, elle boit du champagne. Là, t'es traglé sur le canapé où t'en regardes la fou, télé. Elle boit le champagne. Tu serais là, ouais. Attends, je vais trouver une petite mise en scène. Alors, Karim, t'as une super idée. Ouais, tu lui dis, chérie, ce soir, on se fait un petit film. Donc, hop, sur le canapé, posé, et là, tu lui balances la vidéo et tu vois la tête. Ouais. Ah ouais, voilà, la violence du truc. Ouais, moi, j'ai pensé à ça aussi, c'est pas mal. Moi, j'en ferais même pas à faire ça. C'était une de mes idées aussi. Ouais. C'est-à-dire que tu mets la vidéo à tourner, elle arrive à la maison, il y a la vidéo sur le grand écran. Putain, mais elle est géniale. Ouais, mais alors, attends. Le truc, c'est qu'elle va te dire que vous faisiez une pause à ce moment-là, donc. Elle va dire, ouais. Elle se fait ken chez toi quand même. Non, mais elle se fait ken à la maison. Ah oui, non, mais canapé, ça, je suis d'accord. Moi, ça m'aurait rendu dingue. Mais... Tiens, moi, je le dirais, je lui foutrais la honte devant tous ses potes. Nous dit Saïf sur aussi. SMS. Il y a Zénab qui a une très bonne idée. Ça, c'est risqué devant les potes parce que dis-toi une chose, c'est peut-être t'es le seul à pas être au courant. Tu vas passer pour le service. Tu sais, si tu veux l'afficher devant ses copines, les meufs vont être là. On le savait déjà. Et c'est vrai que passer pour le cocu de service, c'est pas. Ouais, tiens, moi, c'est top. Ça y est, font même un petit bémol je pense, à ton ouais, idée. Mais je pense que ses potes, ils n'auront pas vu la vidéo, par contre. T'es par erreur, tu l'envoies à sa mère, par exemple. Oh, excusez-moi, je me suis trompé, je vous envoie un mail avec un fichier joint. Ah, quelle horreur. Ah, non, mais ouais. Mais sans pitié. Ah ouais, mais franchement, oh, bah, je sais pas, mes parents, ils m'ont dit, laisse tomber. On a parlé à tes parents, ils t'ont dit, ouais. Ouais, j'en ai parlé à mes parents. Bah écoute, moi je laisse attendre la meuf, elle en vaut pas grand chose. Regarde, il faut la traiter avant quand même. Oui, tu la traites. C'est quand même le minimum syndical. Déjà, envoie-nous la vidéo si tu veux qu'on ait une idée du truc. Oui, c'est vrai, ouais. On te dira quoi faire. Tiens, une idée encore plus malsaine de Zénab, 16 ans, qui nous dit, fais un dîner avec les deux et toute ta famille et tu montres la vidéo. Oh, voilà. Ah, pas mal, ouais, aussi. Ah, bah ta famille est déjà au courant, donc tu vois. Il faut qu'il lui montre la vidéo, nous dit Pam, 19 ans, là. J'ai un pote à moi, dit fou. Qu'est-ce qui s'est passé? Il devait se marier, en fait, avec une meuf. Ouais. Et 6 mois avant le mariage, il a cramé qu'elle le trompait. Oh. Donc, ce qu'il a fait, c'est que, tu sais, le mec, il a de l'oseille. Il a pris un détective privé, qui a pris des photos d'elle avec un autre mec, et le jour du mariage, il a fait un discours dans la salle de mariage. C'est la honte. Et là, il a mis toutes les photos, il la balance. Ouais, mais bon, t'es quand même dégoûté parce que t'as loué la salle, t'as mis la bouffe, tes potes sont là, mal à l'aise. Mais tu sais, la meuf, elle lui a fait tellement de mal qu'il fallait qu'il lui fasse du mal, donc il est resté comme ça pendant. Ouais, mais bon, tu passes quand même pour le cocu du mariage. Ouais, bah ouais. Elle passe pour la pute quand même. T'es au mariage, t'assistes à ça, mais t'es mort de rire. Ah, moi, j'aurais d'arrache. Ah, tu filmes, tu le mets sur YouTube. Regardez le plus beau mariage du monde. J'y étais, le plus beau mariage. Le plus court aussi. Ouais, c'est vrai, le plus court aussi. Oh, le truc. Bon, qu'est-ce que vous feriez? Donc, Romano, tu fais une crise de nerfs et immédiat carnage. Ouais, c'est clair. Mais moi, je pense que je serais assez comme toi, alors qu'il vaut mieux être calme. Posé et faire quelque chose. Non, mais bon, ça sert à quoi de lui montrer la vidéo? Tu vois, la meuf, elle sait qu'elle s'est fait niquer. Hein. Mais moi, je serais plus comme toi, Romano. J'aurais besoin d'hurler et de l'insulter. Pourquoi t'as bu le champagne? Ouais, et sans moi. Et la bouteille. Non, le pire, c'est que j'ai demandé avant de dire s'il y avait quelque chose à cacher, quoi. La meuf, elle a pas su. Non, mais de toute façon, la meuf, elle allait dire oui, je me suis fait niquer par ton collègue à la maison. Non, mais je veux dire, voilà, je passe à autre chose, quoi. Ah, sinon, il y a Flo, il a raison, je la baise une dernière fois, après je monte la vidéo. J'aurais même plus envie de la baiser. Ah, non. Moi, j'arriverais même pas à bander. De toute façon, j'ai pas vu la vidéo comme quoi il l'a niqué, j'ai juste vu qu'ils se sont embrassés, tu vois. Si j'aurais mis l'ordinateur dans la chambre, là, j'aurais tout vu, là. T'es pas allé plus loin, même, ça suffit. Non, l'ordinateur était dans le salon, j'ai juste vu les bisous, quoi, j'ai pas vu. Non, mais bon, si à un moment donné, tu les vois se lever main dans la main, se diriger vers la chambre, ils ont pas été jouer aux cartes, ils étaient bloqués. Ah, le mec s'est levé tôt le matin, torse poilu. Ouais, donc il l'a niqué, ouais. Erreur, il fallait mettre une caméra dans la chambre. chambre. Tes draps et tout. Le mec, ouais, il l'a niqué, mais toute la nuit, quoi. Toute la night. Et vous êtes plein à nous dire affiche-la sur YouPorn. Team de Sochaux, affiche-la sur YouPorn. Il y a la salope qui dit affiche-la sur YouPorn. Mais non. Tu le mets la vidéo sur YouPorn. Il y a plein qui nous disent ça. C'est vrai que sur YouPorn, elle pourrait faire un carton. Moi, je l'insulterais parce que c'est quand même un manque de respect au bout de 3 ans. Regardez Tania qui nous laisse un message du 92. Ah oui, non, mais ça, bah, ouais, ça on est ça, tous d'accord. Hein. Ça part du moment où t'es cocu, le respect, il n'y en a plus trop. Plus trop, non. Il n'y a plus de respect. Non, là, il n'y en a plus. Là. Non, mais je pense que le truc sur lequel on peut tous être d'accord passe à une autre histoire parce que t'es cocu, c'est pas bon d'être cocu. Ah, c'est pas bon du tout. Non, en plus, ça a été gentil, tu lui as laissé l'appart et tout, c'est toi qui t'es tiré chez les parents. Ouais, puis elle s'est fait tirer chez lui, tiens, tu vois. Ouais. Franchement, ouais, ça fait pas. Je l'afficherai devant ses parents, moi, avec la vidéo de Carmelo là sur SMS. Mon pauvre, nous dit Léa, tu vois, elle compatit là. Moi, je lui ferai la misère, message de Jojo. L'idée non, de... mais ça sert à rien de lui faire la misère. Ça l'idée de Karim était très bien. Ça fait du bien de gueuler un peu. Ouais. Ouais, gueuler peut-être, mais je vais pas la frapper. Je vais non, dis pas de la frapper. Non, certainement pas. Mais tu l'insultes de tous les noms, ça soulage. Voilà. Skyrock, c'est verbalement. T'inquiète pas. Skyrock, c'est pisse. Mais on a le droit d'insulter quand même. Ah, bah bien sûr. Oui. Mais elle est allée trop loin, la meuf. Même en pause, être cocu, il n'y a pas de remords à avoir. Ouais, faut la laisser tomber. Je me suis fait tromper le jour du décès de mon frère, nous dit Boystick, la salope. En plus, une journée comme ça, mon pauvre. Bah écoute. Bon courage à toi, Boystick, 20 ans, qui nous laisse un message. Il a l'air tout mignon pourtant, le pauvre. On nous dit Lulu. Les meufs t'aiment bien, hein, Valmy. Hein. Ouais. Montre-la au patron, puisque vous bossez dans la même boîte. Ouais. Pas mal. Si la vidéo était sur YouPorn, j'irais me branler sur la vidéo, nous dit Mathéo. Tu vois ? Bonne idée, le YouPorn. Ouais, mais malheureusement, t'as été un très mauvais caméraman, t'as pas placé les caméras au bon endroit. Et ouais. Ouais, t'as déconné, gros. Et James Lee Sport qui dit t'es tellement cocu, tu devrais jouer au loto, tu risques de gagner en plus maintenant. Bah, j'ai joué vendredi 13, j'ai rien gagné. Ouais, t'étais pas encore cocu. Ça s'est passé quand ce week-end, non? Bah, si, certainement, puisqu'elle avait changé déjà depuis plusieurs mois. Non, mais essaye de remettre l'ordinateur peut-être dans la chambre, hein, pour un peu le mec qui vient la niquer tous les soirs. Ouais, mais là, déjà, ça m'a énervé. J'ai regardé la vidéo. Oui, ça va, il m'a pas tapé toutes les étapes du truc. Non, mais en plus, c'était amoureux, parce qu'on en parle comme ça, mais c'est une histoire de 3 ans. Ah, bah, 3 ans, oui, c'est pas. Mais tu pensais que c'était la meuf de ta vie avec laquelle t'allais faire des enfants, tout ça? Bah, je sais pas, elle était plus vieille que moi, donc après, je me suis dit, voilà. Bon, bah, bon courage, Valmy, tiens-nous au courant pour la suite. Ouais, merci. C'est la spéciale du dimanche soir avec le meilleur de Difool sur Skyrock. Et l'arrivée du double appel, l'arrivée également de Fares. Fares, il a 24 ans, il a rencontré quasiment en live hein, sur Skyrock, il est chauffeur Uber, il a rencontré Monique, 65 ans, qui lui a fait du rentre-dedans, la story de l'histoire d'amour impossible entre Fares et Monique. On va vivre ça tous ensemble dans quelques minutes. J'ai des places de ciné également à vous offrir. Bienvenue à Marly Gaumont, c'est le film qui retrace la vie de Camini. On va filer des places à Jules du 02, à Lilou 19, à Laura la Stroumfette, à Defray ou encore à Jordi du 51. Vous aussi, vous voulez, faites péter le hashtag la spéciale de Difool. Vous y allez, vous y accès, vous tweetez. Et on se met du son tout de suite, juste avant le double appel, la nouvelle de Nekfeu avec Escrou. Et j'aurais pas dû dans la spéciale de Difool. Crédit Agricole, partenaire national de l'UEFA Euro 2016, t'offre 200 places pour l'Euro 2016. Skyrock! L'Euro 2016! Ah oui, allez les bleus! Écoute Skyrock à tout moment et gagne tes places pour les matchs de l'Euro 2016. Merci. À Lille et Lens, Saint-Etienne et Lyon, Nice et Marseille, bien joué. Marseille, c'est bon, ça. Bordeaux et Toulouse. Et au Parc des Princes et au Stade de France. Crédit Agricole, partenaire national de l'Euro 2016. Ouais, vous êtes les meilleurs. Le nouvel album de DJ Case est déjà disponible avec Gradure, Franco, Mister You, Screech et aussi Caris, Keina Samet, Souf, MRC et la participation des Dégains. DJ Case à écouter dès maintenant sur Apple Music. Skyrock t'envoie au ciné sur les traces de Camini. Des noirs devant le baraque d'en face. Voir Bienvenue à Marly Gaumont. Y'en a un petit village qui s'appelle le Marly Gaumont. De Kinshasa au petit village français. L'histoire de la famille de Camini et de son arrivée en France. Bienvenue à Marly Gaumont. Mercredi dans les salles avec Skyrock. Ici, c'est la France profonde. Bienvenue à Marly Gaumont. Adieu. C'est 200 places à gagner toute la journée sur Skyrock. Alors bonne chance. Et bienvenue. Hé, hey, les nouvelles baskets en rouge, t'en penses quoi? J'avoue, elles sont stylées. Je te jure, j'arrive pas à me décider. Poste ta photo sur Yax, tu vas savoir direct si t'as le swag. Ah ouais, bonne idée. Je fais ça direct. Ça y est, c'est posté. Regarde, il y a déjà plein de commentaires. Je t'ai dit, en rouge, elle déchire. Merci, le peuple Yax. Yax. Yax, l'appli qui répond à toutes tes questions. Skyrock.

Voilà, je n'ai pas réussi à écrire. Xiaogu. Ah. Bon, bah alors on appelle Laura et l'autre. Bah, de toute façon, les deux ne répondent pas pour l'instant. Donc, Allô? Allô? Allô? Oui? Allô? Allô? Allô? Allô? Oui, allô? Je suis Marquinhos, on est là, dans le vestiaire. J'ai pas entendu, vous avez dit quoi? Il faut qu'il t'encule, là. Il faut quoi? Allez, malade de plus. Oh, c'est pas possible. J'ai pas compris ce que vous êtes en train de dire, là. Et encule-le. Vous n'avez pas honte d'appeler les gens comme ça? Hein? Ben, c'est pas moi qui appelle, c'est vous qui m'appelez. Non, non, je t'appelle pas. Putain. Va te faire foutre. Oh. Bonjour, c'est Zlatan. Ah bah n'importe quoi. Oui, oui, exactement. Bah, vous êtes trempé, hein. Ah, bah, décidément, va te faire soigner, mon petit. Il y a des hôpitaux pour ça. Salut les filles. Vous êtes un grand con, connard. Va te faire enculer. C'est Cédric. Non, vous êtes trempé, hein. T'es avec ton copain, là. Et arrête de déranger les gens, hein. T'es avec ton copain, là. Non, je le passe pas. Pourquoi vous voulez mon mari? Il faut qu'il t'encule, là. Ah oui, c'est ça, exactement. Oui, exactement. Allez. On me compare souvent à un saumon. T'as dit quoi? Je suis beau gosse comme un saumon. Mais t'es malade, hein. Va te faire consulter, hein. Barack Obama. Oui, je sais, vous savez, je parle pas bien le français, hein. Parlez une autre langue et tu vas voir, hein. Heureusement, vous étiez pas en face de moi, hein. Et arrêtez de me déranger. Bonsoir, ça va, bébé? Quoi? C'est Cédric. C'est qui Cédric? Tintintin. C'est qui Cédric? Je te connais pas. Patrick. Cédric, il va trouver un autre nom, ouais. Ou un autre nom, j'en sais rien. J'ai vidé mes couilles, là. Je me fais baiser. Oh, non, bah ça. Mais t'es malade, mais vraiment, t'es malade. T'es quelqu'un malade. Ah, je vais jouir. Putain. Oh, putain. C'est fini. Ouais, t'es un malade. Oh. Magnifique Cédric. Merci. Vraiment, t'es réussi parce qu'on a eu les deux familles au tout début. Il y avait Laura. Alors, c'est Xingyuyu. Ça doit être. Elle a un petit accent asiatique. Ouais, c'est pour ça qu'on n'arrivait pas à lire les lettres parce que X I A G Y Guyuyu derrière. Xingyuyu. C'était Madame Xingyuyu. Donc au début, on a eu Laura. Tu nous as dit qu'on a appelé aussi. Ouais, il y avait Laura. Et je voulais remercier donc Cédric pour cette magnifique participation. Ah ouais, bien, beau travail pour une fois. Oui. Bravo. Elle a été complètement amochée quand tu riais. Et Patrick également, qu'on voulait vraiment remercier pour sa participation parce que Patrick a une fois de plus été, on peut le dire, exceptionnel. Félicitations Patrick. Je suis en train de bander là. Mais c'est normal, c'est compréhensible. Hein. Tellement beau. Je suis beau gosse comme un saumon, ça j'ai adoré aussi. Super. Quand tu es beau gosse comme un saumon, Cédric, j'adore. On en fait un autre? Allez, c'est reparti. Chez Jean-Pierre et Anthony. Voilà, prépare Patrick, prépare Cédric, prépare tout le monde, Romano. Ah, pour ceux qui nous demandent comment ça se passe. Ah, allez voir, c'est technique. Allô? Oui, allô? Allô? Oui. Allô? Oui? Oui? Je vous écoute. Allô? C'est Cédric. Comment? C'est Cédric. Frédéric? C'est Cédric. Cédric? Mais vous voulez qui, là? Bonsoir, ça va, bébé? Qui c'est que vous demandez? Allô? Allô? Patrick. Patrick. Moi, je suis pas Patrick. Oui. Comment? Absolument, oui. Oui, mais vous cherchez qui? Patrick? Patrick. Vous êtes trompé de numéro, hein. Bon, c'est toi. Cédric. Et l'autre, il parle pas. Allô? Cédric? Oh. C'est Cédric. Mais je vous connais pas, moi. Bien sûr, ouais. Patrick. Vous cherchez qui? C'est Cédric. Non, vous vous êtes trompé. Patrick. Non plus. Absolument, oui. Allô? Et l'autre, elle n'a pas parlé du début jusqu'à la fin. C'est quand même dingue. Allô? Ah, vous êtes là encore? Bonjour la famille. Ça va, tu vas bien? Bah, je sais pas, le téléphone sonne depuis tout à l'heure. C'était un truc hallucinant. Ça sonne, ça sonne, ça sonne. Il y a un Patrick, un Cédric qui nous appelle, je sais pas. Mais moi, je vous appelle pas, hein. Ah, bah, si, monsieur. Ah, bah, si, le téléphone sonne. Regardez tout à l'heure. Allez. Non, non. Raccroche, parce que. Non, raccroche pas. Toute la famille est là autour du téléphone. Mais la famille de qui? Bah, la mienne. Ah, bah, nous, monsieur. Oui. Laquelle? Vous nous importunez, monsieur. Ah, vous voyez ma femme, vous l'importunez. Bon, écoutez, bonsoir. Mais vous êtes... Vous appelez, monsieur. T'as le mec, il a un doute, là. Ou, attends, j'ai appelé ou pas? Ouais, c'est ça, ouais. Voilà, Cédric, Patrick, c'est Cédric. Hein, c'est Patrick, c'est Cédric, c'est Patrick. Le mec ne comprenait rien, au bout d'un moment. Mais rien du tout. Non, ouais. Du tout. Ça tombe bien, c'est exactement c'était le but. J'ai fait demander. C'était qui qu'on avait au téléphone? Lui, c'était Jean-Pierre. Jean-Pierre. Et l'autre, c'est Anthony. Bah, Anthony, on l'a jamais entendu, lui. Non, non plus, non. Bon, encore merci à toi, Cédric. Bon, le but, ce serait quand même d'en mettre deux en contact et qu'ils discutent ensemble. Pour l'instant, mise en contact de famille, pas mal, mais manque de dialogue. Allez, troisième essai. Allez, on y retourne. C'est parti. Enfonce. Oui. Chez Philippe et Fabien. On a un bon feeling ce soir, je trouve. Ouais, c'est bien. Philippe et Fabien. J'espère que ça va bien. Deux fois que tu fais la vanne. Vas-y. Vas-y. Il a des relations avec un répondeur téléphonique. Ah. Allô. Ah bah tiens. Allô. Oui. Allô. Oui. Allô. C'est Cédric. Pardon. C'est Cédric. Et vous êtes qui? C'est Cédric. Cédric qui? Ah, Cédric qui? Ducon. Ah. Cédric Ducon. Ouais, écoutez, c'est pas drôle, hein. Bah non, bah je sais pas, c'est pas drôle de s'appeler comme ça, oui, c'est sûr. Allô, vous voulez parler à qui? Allô. Oui. Oui. Allô. Oui, vous voulez parler à qui, monsieur? Bah moi, je sais pas, c'est mon téléphone sonne, je décroche. Ah bah. Et alors, je suis désolée, hein, moi je suis devant la télévision, tranquille. Moi aussi, tranquille. Pardon? Moi aussi, je suis tranquille devant la télé. Et vous êtes qui, vous? Vous êtes qui, vous? Ben, je suis Madame Philippe. Je vois pas... Et comment vous avez eu ce numéro? Ben, c'est pas moi qui ai appelé, c'est vous qui m'avez appelé. Mais non! Alors, ben, comment ça se fait que mon téléphone sonne? Ben, oui, parce que ça fait deux fois qu'on m'appelle et... Moi aussi, ça fait deux fois qu'on m'appelle. Ouais, ça fait avec deux fois. Avec le numéro masqué. Eh ben oui, moi aussi j'ai un numéro masqué. Vous êtes dans quelle région? Moi, je suis en Touraine. Oh, bah d'accord. Et moi, je suis à l'Alpe d'Huez, alors... Ah, c'est presque à côté. Oui, mais il y en a qui s'amusent à faire les cons, là. Hein. Oui. Bon, bah écoutez, je suis désolée, mais c'est pas moi qui vous ai appelé. Bah, c'est pas moi qui vous ai appelé non plus, mais okay. Excuse pour... Eh ben écoutez, passez une bonne soirée quand même. Merci, bah... Au revoir, monsieur. Au revoir. Bonsoir, ça va, bébé? Bonsoir, ça va, bébé? Bonsoir, ça va, bébé? Ouais, ouais. Allô? Allô? Ouais, dommage. Ouais, dommage, dommage. Mais voilà, bah on y est arrivé. Ah bah ça y est, ils sont parlé. Ah ouais. On va peut-être en appeler d'autres. Ah. Allô? Allô? C'est la Monique? Allô? Si, qu'est-ce qu'il y a? Bah, j'ai rien demandé, moi. Bah non, bah nous n'aurons plus. Bah alors? Bah qui c'est qui appelle, là? C'est toi qui avais un appel. Mais vous êtes qui, d'abord? Je suis un monsieur. Ah bah. Vous êtes un monsieur, bah bien sûr, j'entends la voix. Mais on vous a pas appelé, alors qu'est-ce qu'il y a? Ah, pourquoi vous m'appelez? Mais on vous dit qu'on vous a pas appelé, vous êtes bourré ou quoi? Ta gueule. Bah, ta gueule aussi, saloperie. Allô? Oui. Là, je suis en train de me branler bien comme il faut, là. Mais écoutez, merde, on n'appelle pas chez vous, bande d'espèce de branleur. Bah, je vais te branler. Bah ouais. Eh ben voilà, on y est arrivé. C'était court, mais c'était bon. Ah, c'était court, mais intense. Eh, la Catherine, elle était au taquet. Espèce de chien. La spéciale de Tifou. 21h minuit sur Skyrock. Bonjour Farès. Bonsoir. Salut. On parlait de ceux qui bossaient. Toi, tu fais partie de ceux qui ont bossé ce week-end et qui bossent encore. Tu bosses là? Ah oui, tel un chien. Tu manges lundi. Samedi, dimanche, lundi. Ouais, donc toi, alors qu'il y en a qui ont rien glandé tout au long du week-end, ou il y en a qui ont passé 48 heures à jouer, je vous lisais les messages tout à l'heure. Ou à glander, ouais. Ouais. Il y en a eu beaucoup, ça. Il y a beaucoup de glandeurs. Toi, t'as bossé tout au long du week-end. T'es taxi, toi, Farès? Chauffeur privé, ouais. Ah, t'es Uber. VTC, quoi. Uber. T'es Uber. Bah, bien, ça fait combien de temps que t'es Uber, toi, Farès? Ça va faire un tout petit peu plus d'un an. Et tu gagnes bien ta vie, ça va? Ça va. Bah, on vit pas la richesse, mais bon, on s'en sort. Hein. Oui, l'essentiel, c'est que, comme tu le dis, on fait avec. Qu'on s'en sorte, et si tu le dis, si ça va. Ça va. Alors, qu'est-ce qui t'est arrivé dans le taxi? Vous allez voir, il y a des métiers, si vous ne savez pas encore quel métier faire plus tard, il y a des métiers, il faut les choisir. Chauffeur, non, c'est génial. Ça m'arrive un truc de fou, et comme j'expliquais, ça m'arrivait. Là, c'est tout frais, là, j'en tremble encore. Oui, en fait, c'est un témoignage à chaud que tu nous fais. Ah ouais, chaud bouillant. À chaud bouillant, c'est un signe. Je suis rentré dans la voiture, j'ai entendu le numéro de téléphone, je me dis, il faut que j'appelle. Oui, t'as bien fait. je donne les détails, hein. Je récupère à Paris, on va pas donner l'adresse exacte, du côté du 11e. Mmh. Une dame d'un âge assez avancé, tu vois, devait avoir. Comme j'ai dit, plus vieille que mon maman. Donc, elle a quel âge, ta maman? Elle a 60 ans, maman. 60 ans, donc oui, une dame à la retraite. On va dire une granny. Ouais, une très très granny, Romano, même. Une très très granny. Very old. 60-70, on va dire. Ah ouais, quand même. À peu près, ouais, Ouais, very old, mais c'est peut-être mon côté sadique, mais encore en forme. D'accord, non, mais bon, on peut être very old et encore en forme, hein. Mais pourquoi t'as envie de la quitter ou quoi? Attends. Non, mais histoire de ouf. Non, je te termine l'histoire. Donc, je prends la dame, très charmante. On traverse tout Paris. Je vais jusqu'à l'autre côté, du côté de Boulogne, sur rien, tout ça. Mm-hmm. Un bon 20 minutes de trajet, on discute, on papote. Elle te parlait de quoi, la mamie? Honnêtement, de tout et de rien. Bah, vous savez que j'ai changé mes dents. J'ai des nouvelles dents aujourd'hui. Magnifique. Magnifique, regardez. Et je peux les enlever aussi si vous voulez que vous suce. Get donc. Non, pas encore. Non, on n'est pas encore à la sucette, mais attendez à la suite. Je suis passé à deux doigts. Donc on parlait de tout ça, de son ancien travail qu'elle faisait. Elle était. Elle me disait qu'elle travaillait dans un théâtre et elle s'occupait d'habiller les acteurs. D'accord. Donc, à mon avis, elle a dû faire une petite expérience, la meuf. Les déshabiller peut-être aussi un peu. Une fois qu'elle est déposée, la course se passe bien, elle me paye, je m'en vais, je reçois un coup de téléphone, elle me dit qu'elle croit avoir oublié quelque chose dans la voiture. Je lui dis que donc je fais le tour de la voiture, je dis que non, il n'y a absolument rien. Elle insiste. Bon, vieille dame. Ici, j'ai oublié mes dents. Mon dentier. Je la vois comme une mamie, donc moi, tout gentil, j'y retourne. C'est bien. Arrivé devant, je la rappelle, oui, madame, donc moi, il n'y a absolument rien, je suis devant chez vous. Elle me dit non, mais c'est vous, jeune homme, qui avez oublié quelque chose. Ah. Moi, brusqué, tout de suite, mais qu'est-ce que je fais? Tu prends la lame. Elle m'ouvre sa porte, petit pavillon de banlieue, elle m'ouvre sa porte, elle me fait un signe de la main, tu vois, je l'entrevois derrière la porte. J'en ressors, monsieur. J'arrive à la porte. Oui. Je sais pas comment elle s'est changée, je te dis, elle devait avoir 75 piges. En 10 minutes, la meuf, elle s'est retrouvée en nuisette. Sexy, mamie. Nuisette dentelle noire. Je rappelle que tu as 24 ans, hein, Fares. Hein. J'ai 24 ans, exactement, ouais. Et 24 ans, donc un bon 50 ans d'écart, je pense. Oui, pas loin, et on est à 3 fois ton âge, ce qui est quand même pas mal. Oui. Félicitations. Ah ouais, bien joué. Et pourtant, ouais. J'insistais, je lui disais, mais j'ai 24 ans, elle me disait, oui, c'est presque 30 ans. Donc, voilà. Non, mais elle voulait que tu la kennes, en gros, si j'ai bien compris. C'est ce qu'elle voulait. Mais tu la kennes ou pas? Non, bah honnêtement, j'ai pas eu les couilles. Petit joueur. Il y a eu des attouchements du pipi. Elle me disait que moi-même j'étais bien en forme. Mais non, absolument rien. Ah ouais, donc elle t'a quand même touché la bite et elle t'a fait bander, mamie. Ah oui. Bah, déjà, elle m'a touché la bite par-dessus le pantalon, en dessous du pantalon. Tu t'es essayé quand même. Ah, elle avait faim, elle, hein. Elle avait faim, mamie. Mais fallait la sortir, ta bite, gros. Ah, mais l'autre. Fallait la sortir, ta bite. Bah ouais. Oui, c'est ce que j'aurais dû faire. J'aurais dû sortir ma queue et dire, levier de vitesse. Voilà le tarif, mamie. Ouais, bah enfin, faut sortir quand même avec quelqu'un qui a 3 fois son âge et qui est plus vieille que ta maman. Hein. Romano, tu sortiras avec une fille qui a 3 fois ton âge. Ah non, les personnes. Figure-toi qu'une pipe sans les dents, man. C'est... sans les dents, mais avec une moustache. Et tu vois, malgré que ça soit une vieille, la situation, elle est archi excitante. Ça t'a excité. Ça m'arrive à moi. T'aurais préféré une petite jeune. Ouais, quoi. Sauf que la c'est vieux, quoi. C'est ça. Bon, la petite jeune, je l'aurais pas. Non, elle aurait pas eu le temps de passer deux mots. Tu lui as mis un doigt, nous demande, là. Non, je n'ai rien rentré. Il y a Sonia qui nous demandait si tu lui avais mis un doigt, la mamie. Non, mais t'as enlevé la croûte. Ah, il y en a qui bandent en écoutant l'histoire. Donc vous êtes excité par les granits. Je dénonce d'ailleurs Jules du 02. Jules, ouais, mais Jules, il fait flipper quand même. Ouais, Jules, il fait flipper. Salut à toi, Jules du 02. Yeah. Marie, un homme de trois fois ton âge, tu l'as déjà fait. C'est déjà fait. Trois fois, c'est beaucoup. Ça va pas, c'est l'âge de mon père, j'ai envie de la vie. Bah, déjà avec mon père. T'es con. Laisse mon père où il est. Plus âgé, moi, j'ai déjà fait, tu vois, j'avais 17 ans, j'avais niqué la meuf de 39 ans. Ah, la cassos. Ah, le cas social. Le cassos qui s'est. Eh, le truc, je t'ai déjà croisé. Où? Il t'a sucé? Ouais, il a failli. Ah, Fares, il a du succès. Ah, poteau. Sur boulevard Saint-Martin, pas loin de Sébastopol. Ah, peut-être, ouais, bah ouais, c'est ici, c'est à côté. Ah, ouais. Ta grande dégaine là, t'es super grand, hein. Ouais, je suis pas c'est peut-être pas lui. Ah non, mais c'est pas lui. T'as comment je suis baraque. C'était pas lui. Il est surtout large, Cédric. Grand, grand et un peu gros. T'as vu comment je suis baraque, poteau. Non, non, c'est gros et un peu gros. C'est un espadon. Hein? Comme un espadon, c'est vrai. Ah, oh, non, comme un saumon. Tu vois le poisson à gelonner. C'est un poisson. Eh ben écoute, Fares, mais t'as gardé le numéro. Si elle te rappelle, par exemple, dans la soirée, qu'elle te dit oui, bonjour, monsieur Fares. Ouh là là, j'ai le feu au cul là. Je sais pas ce qui se passe. Je sais que vous avez une grosse lance. Écoute, je lui ai dit que je pouvais pas la cartoucher tout de suite parce qu'il me restait 2 heures de travail. Je suis certain. Qu'elle va te rappeler. Mais certain. Moi aussi. 43 heures, elle va me rappeler. J'en suis attends, certain. Pour arriver en usette et tout. Fais, quand tu la ken, appelle-nous et fais-nous écouter, gros. Tu la ken en live. Non, ouais, quand ça. Prends tous en live aussi. Ouais, voilà. Ouais. Donc Karim, ça t'excite, si j'ai bien compris. Ah, moi, une daronne, moi, je la déclenche. Ah ouais, je vois ça. Elle a la vérité. C'est pas une daronne. Non, mais si. Karim, la vérité, si t'es chaud, à 23 heures, je passe te récupérer, on y va ensemble. À 23 heures, vas-y, t'es chaud. À 23 heures, t'as une heure d'émission à faire, Karim, désolé. Au téléphone et je fais le reportage en direct. Reportage, c'est ça, ouais. Je vais baiser des meufs maintenant, ça te fait des reportages sur Skyrock. Ils sont trop forts. Ah ouais, laisse tomber, c'est Jackie et Michel Skyrock. C'est ça, ouais. C'est Fares et Karim sur Skyrock. Merci, Fares et Karim. Karim, il serait prêt à la ken. Et Kikou qui nous dit demandez à Fares s'il a participé au casting Uber avec Jerem Star. C'est quoi le casting Uber avec Jerem Star? C'est l'autre, il se tape des chauffeurs de Uber. Ah ouais? Dans son bain. Tu veux te retrouver dans le bain de Jerem Star, Fares? Ah non, du tout. Oui, il fait pipi dedans. Ouais, il fait pipi dans son bain. Et après, il y a des gens, ils sont tellement super qui vont se baigner dans son bain. Tellement ils sont cool. Non, tu fais pas ça. Tiens-nous au courant, Fares. Hein. Je suis persuadé, moi aussi, qu'elle va te rappeler dans la soirée, la mamie. Moi aussi, je suis quasi sûr. Mais obligé. Hein, toi aussi, Romano. À moins qu'elle a recommandé un autre Uber derrière. Mais ouais, seul si elle a trouvé un autre mec à se mettre dans la chatte, c'est pour dire. Je suis sûr que c'est le genre de vieille qui, la moindre envie, la meuf, elle se doit pas, elle a pas de god, elle a rien chez elle. Un petit coup d'Uber ou alors un livreur de pizza. Ouais, je pensais à ça. Elle fait le coup à tout le monde. Alors, on va demander des témoignages parce que c'est vrai que c'est intéressant pour montrer que t'es pas tout seul. Fares, déjà, on va vous demander est-ce que vous avez déjà été excité par quelqu'un qui avait deux fois, trois fois votre âge. Et si t'as bandé, c'est que t'étais excité quand même. Excité. Nous demande Bachir. Ah oui, mais j'étais à deux doigts de la délinguer, la meuf. Enfin, je te dis. Mais t'aurais dû. Je pose des questions. Ouais, c'est. Il y a Eminem Beach qui nous dit baise là, bordel, vas-y. Fais-le sur Periscope avec le Periscope de Skyrock. Mais très bonne idée, Sam. Ah bah bien sûr. Sam Sider qui nous envoie un message. C'est bien ça. Moi aussi j'ai déjà été dragué par une mamie. Message de la Quenta qui a 25 ans aujourd'hui. Salut à toi. Elsa, je suis aide-soignant, c'est oui, on se prend des mains au cul. Ah ouais, tu vois. Elsa, tu vois, elle se prend des mains au cul, là, Elsa. Bon, eh bien écoute, Fares, tiens-nous au courant, on va te laisser bosser. Mais merci en tout cas de nous avoir passé un petit coup de fil. Et puis si tu arrives à la prochaine cliente. La spéciale de Tifoul. Spéciale de Tifoul. 21h minuit sur Skyrock. La suite des aventures de Monique et Fares dans moins d'une demi-heure. Et là, c'est Mike Posner dans la spéciale de Tifoul. And when I finally got sober, felt 10 years older, but fuck it, it was something to do. I'm living out in LA. I drive a sports car just to prove I'm a real big baller, cause I made $1 million and I spend it on girls and shoes. But you don't wanna be high like me, never really know why like me. You don't ever wanna step off that roller coaster and be all alone. And you don't wanna ride the bus like this, never know who to trust like this. You don't wanna be stuck up on that stage singing, stuck up on that stage singing. Oh, I know a sad soul, darling. Oh, I know a sad soul. I'm not afraid to die. his shot. I get along with old timers cause my name's a reminder of a pop song people forgot. And I can't keep a girl, no, cause as soon as the sun comes up I cut them all loose and work's my excuse. But the truth is I can't open up. If you don't wanna be high like me, never really knowing why like me, you don't ever wanna step off that roller coaster and be all alone. And you don't wanna ride the bus like this, never know who to trust like this. You don't wanna be stuck up on that stage singing, stuck up on that stage singing. Oh, I know our sad souls, sad souls. Darling, all I know our sad souls, sad souls. Postner sur Skyrock dans la spéciale de Difool, les meilleurs moments de la plus grande radio libre de France tous les dimanches soirs sur Skyrock avec le retour de Leïla. Leïla, elle a inventé une fausse agression pour prétexter, pour justifier un énième retard au travail. Vous la retrouvez maintenant avec Difool, Romano, la Marie, Momo, Samy, Karim et Cédric le Belge. Donc je sais pas, moi j'irai retirer ma plainte, mais tu vas passer pour une conne sur tirer ta plainte. C'est plusieurs messages que vous avez laissés tout à l'heure. Donc non, mais surtout ils vont te demander pourquoi. Donc bah, pour expliquer, ouais, t'arrives en retard au boulot. Si tu leur expliques, oh non, finalement je la retire, c'est du mytho. Ah ouais. Ah non, là tu vas avoir des problèmes. Il y en a plein qui disent de retirer ta plainte. Non mais en plus c'est marqué. Ok, elle sera classée sans suite, enfin, je pense. Bon, pour résumer, si il y en a qui sont arrivés en retard, tu sais pas comment te sortir d'un gros mytho que t'as balancé. T'arrives en retard au boulot et puis comme t'arrives souvent en retard, t'as eu peur de te faire virer. T'as dit à ton patron, je me suis fait agresser par un gars. Mais t'es allé tellement loin dans ton truc que t'es allé porter plainte. T'as raconté l'histoire auprès de ta famille, tes deux frères, ils recherchent le gars, mais le gars il n'existe pas. Puisque je rappelle qu'il est noir, rebeu et chinois. Ouais, en même temps. Ah bah c'est ça, ouais. Tu nous as fait une très belle description du gars. Un mélange. Non, mais faudrait que tu trouves moyen de te réveiller plus rapidement le matin. Dites-vous en vous couchant, et je vous assure que ça marche comme idée, il y a un truc que vous kiffez grave. Par exemple, moi, qu'est-ce que j'aime bien ? Prendre un jus d'orange le matin. Ouais. Et bien, quand je me réveille, j'entends mon réveil qui sonne, je me dis... C'est le truc qui le motive. Génial, je vais prendre un jus d'orange. La motivation, ah ouais, elle est quand même... Ça motive. La motivation au jus d'orange est quand même... Mais Romano, orange pressé. Ah ouais, non mais orange pressé, même tu peux m'amener un camion d'orange. Si tu me dis, ouais, il y a un camion d'orange demain matin en bas de chez toi, bah, je te dis c'est bien. Donc essayez de faire un truc qui vous fait plaisir le matin. Par exemple, il y en a plein qui disaient qu'ils écoutaient le morning le matin. Vous avez raison. Eh bien, oui. Voilà, c'est on va dire une motivation pour vous réveiller à l'heure. Pour bah tu vois, il y a Blue, lui, ça le saoule de les presser, les oranges. Ouais, mais c'est vrai, en fait. Bah, ouais, c'est chiant. C'est de la galère. Ça, non, ça prend deux secondes à faire, gros. Deux minutes. Ah, oh, c'est relou, quoi. Non, même pas deux minutes. Tiens, il faut les couper en deux, tu t'en mets sur les doigts et tout. Couteau, bam, bah, tu te laves après. Alors on va voir les solutions que vous nous proposez. Tiens, on va aller faire un tour sur le Facebook Skyrock FM, si vous voulez aller sur le Facebook de Skyrock, par exemple. Et on va voir ce que vous nous proposez là-dessus. Mais d'abord, il y a Mousse qui a une solution pour tous ceux qui ont du mal le matin au réveil, parce que toi, t'avais les mêmes problèmes, Mousse, hein, c'est ça? Ouais, exactement, exactement. Donc ça toi, t'as 22 ans et t'es à Évry, ça va bien, Mousse? Exactement, ça va très bien. Ça va bien. Évry, c'est la ville de Manuel Valls. C'est ça, ouais. Exactement. Ouais, il était maire. Chaque fois que tu le croises, tu lui fais wesh Manu. Wesh, ouais, c'est ça, ouais. Tu le check. Emmanuel Valls, qui, cet après-midi, à l'Assemblée nationale, je suis tombé là-dessus tout à l'heure, je sais pas, je regardais la télé, il a parlé de Black M. Tout un débat sur Black M à l'Assemblée nationale. Ah, j'ai pas vu ça. Si Black M s'imaginait qu'un jour, il fera un débat à l'Assemblée nationale. Je suis à l'Assemblée, ouais, c'est vrai. Je pense qu'il s'en serait passé. Ah, je pense aussi. Black M, on te big up d'ailleurs, on te salue, Black M. Donc, Mousse, des trucs pour se réveiller le matin, qu'est-ce que tu fais? Bah en fait moi honnêtement donc c'est Est-ce que comme dit Full t'as la motivation du jus d'orange ou de la danette, ou de la danette. Oh là là. Et je vais même vous dire, ce matin j'avais la motivation du crumble aux pommes. Ah ouais, bah c'est... Ouais, moi je comprends. Moi limite j'aurais même peut-être même pas dormi. Ah. Pour en profiter plus tôt. Qu'est-ce que t'as fait toi? T'avais du mal à te lever le matin, Mousse. C'était plutôt du genre Bah en fait moi à la base je suis un couche-tard, tu vois, je dormais dans mes arts tout le temps, j'avais du mal à me réveiller. Et petit à petit, tu vois que tu commences à être un foireux. Tu te réveilles pas. Et petit à petit, tes collègues, ils peuvent te regarder différemment. Enfin, t'es toujours en retard, t'es plus trop crédible. Ouais, t'arrives avec la tête dans le cul. Non, mais c'est surtout qu'au bout d'un moment, le patron peut te foutre dehors aussi, quoi. Ouais, ou le bahut. Ouais, ou le bahut d'ailleurs. Et, Et même s'ils te foutent pas dehors, tu vois, juste pour ton image, enfin, tous tes collègues, ils savent que t'es un foireux, quoi, et ça, c'est pas bon. Bah, c'est vrai que t'es un peu cramé, quoi. Exactement, exactement. Et en plus de ça, le matin, tu pars, bah, moi, je partais toujours en courant, tu commences mal, tu transpires. Du coup, moi, ce que je fais personnellement, est-ce que son réveil, il est à côté de son lit ou il est où exactement son réveil? Alors, le réveil, tu le mets où? C'est vrai, ça. Il y a plusieurs qui nous ont dit de le mettre loin du lit, c'est peut-être ça que tu as proposé. Tu le mets je où, toi? Sur ma table de nuit. Ah, juste à côté, donc tu peux l'attraper avec ta main, comme eh ça. Eh bah ouais, pas bon. C'est pas bon, ça. Non, faut pas bon, pas bon. Franchement, mais à l'autre bout de la pièce, tu mets une bonne, tu mets un truc, tu mets une sonnerie, parce que tu sais que voilà, j'imagine t'es avec ta famille, tu vas pas pouvoir la laisser longtemps, tu vas te lever en sursaut, tu seras obligé de te lever, tu vois. Et puis après, si, parce que moi, ça m'est arrivé de me lever en courant et de retourner dormir. Ce que tu fais, c'est que sur genre, tu cours à l'autre bout de l'appartement pour arrêter le réveil, et après tu recours dans ton lit, sous la couette. Bah franchement, ouais, tu sais, quand t'es tellement fatigué, c'est ça. Non, ça, c'est ceux qui ont le réveil très très très difficile. Alors tiens, il y a Ali Romano là qui a une méthode. Au hasard, il a choisi le message. Non mais bon, j'y peux rien, c'est son pseudo. Alors lui, sa technique, c'est de mettre, tu sais, les vieux réveils là, avec les deux espèces de grosses sonnettes là au-dessus. Ouais, là, qui font cling. Ouais, cling, dans une gamelle au métal avec des pièces jaunes dedans, parce qu'en fait ça vibre. Ah ouais. Et ça fait un tatamar et t'es sûr de te réveiller. Mais bon, c'est une technique. Une vieille technique. C'est bien, mais tu réveilles également tout l'immeuble ou le quartier, peut-être voilà. Même le village entier. Oui, oui, il y a des chances parce que ah ouais, le truc, putain le bordel. C'est la méthode de moi 3.0. Et il y a le colonel. Qui nous ramène à l'ancien temps. Amanoula, lui, ça réveille porte-missile. En fait, il y a une espèce de truc, un missile qui est expulsé du réveil. Et tant que le missile, tu le replaces pas dans le réveil, le truc continue de sonner. Donc t'es obligé de te lever parce que tellement ça te fait mal à la tête. Ah ouais, parce qu'il faut aller chercher le missile. Ouais, c'est ça, ouais, où il a volé dans la pièce. Ouais, voilà. C'est pas con ça. Tiens, Karim, le taximan, qui nous laisse un message. Il faut mettre son réveil loin, par exemple à côté de la télé, pour se forcer. Donc c'est ce que tu nous disais, Mousse, toi. Tu mets le réveil loin. Donc déjà, bah, tu vois, il y a trois choses. Tu le mets loin. Après, sur un intervalle, par exemple, de 10 minutes. Tu mets 10 réveils, tu vas être obligé de te lever. Ah, toutes les minutes, ensuite, ouais. Ouais, voilà, tu vas être obligé à un moment donné. Et puis la troisième chose, tout simplement, est-ce qu'elle dort, à quelle heure, par exemple? Elle dort à quelle heure? Elle se réveille à quelle heure? Tu nous as dit après minuit, hein, Leïla? Ouais. Et tu te réveilles à 7h? Je me réveille à 7h, ouais. 7h, juste pour les 1500 euros, c'est bien, Leïla. Quoi, t'es censé te réveiller à 7h, quoi, les trois quarts du temps. Moi, je suis censé me réveiller à 7h. Ouais. Et... tiens, pour ceux qui se réveillent à 7h, vous coupez le téléphone la nuit, et quand votre réveil sonne, votre téléphone sonne, ou votre réveil, ou votre radio-réveil se met en marche, enfin, ce que vous voulez, vous rallumez votre téléphone, parce que vous vous dites, si on m'appelle, je vais être sur messagerie, je gagnerai pas les 1500 euros. Ça, c'est motivant, Romano, ça. Sauf si tu mets Skyrock sur ton répondeur, ça marche aussi. Donc, t'es même pas obligé de te lever. Ah ouais, merde. Eh ouais. C'est vrai. Non, mais bon, de toute façon, il n'y a pas le choix, Leïla. Il va falloir que tu trouves une solution. Hein. C'est ça, il n'y a pas le choix. Parce que là, en plus, ouais, déjà, bon, t'as quand même été loin dans le truc, quoi. Faux témoignage, ton patron, bon, il n'en peut plus. Ouais, fais gaffe. Ça part en couille. J'adore le les pire, couilles. C'est qu'on m'a mis en arrêt maladie, le pire. À cause de cette histoire. Ah, mais genre, ouais, parce que genre, tu t'es fait agresser, ouais. Je rappelle que l'agression, c'est un mytho, hein. Je dis ça pour ceux qui sont arrivés en plein milieu de la conversation. T'as inventé une agression pour justifier ton retard. Ouais. Moi, j'espère juste que tu te feras pas griller. Ah, moi aussi, parce que là, ils vont et pas te rater. Les gens sont tellement gentils avec moi, ils m'appellent, tout ça, ça me fait trop culpabiliser. Ah, mais moi, je comprends. Non, mais là, en même temps, tu es dans la merde. Ouais. Non, mais là, tu peux pas avouer le truc dans ta boîte, sinon, mec, il va te foutre dehors direct. Mais moi, j'avoue à personne. Hein. Non, mais il faut rien même dire. Même aux parents, même à personne. J'en parlerai moi souvent, je ferai. Oui, non, mais j'essaie d'oublier. Arrêtez de m'en parler, j'essaie d'oublier ce problème. En espérant juste que les keufs n'arrêtent personne, qu'ils découvrent pas que c'était du crap. T'imagines, il sert un mec et tout. Oh là là. Ah ouais, imagine, non, il va au HEP, ça coûte. Alors, on a trouvé un rebeu Renoir chinois. on l'a. Ça y est, on le tient, madame. Ah, mais t'imagines, il me fout un mec en garde à vue. Mais qui va galérer toute une nuit tant que tu viennes pour voir si c'est lui. Ah ouais, putain, ouais. Non, mais il faut des preuves quand même pour aller au HEPS. Il faut qu'elle le reconnaisse. Je dirais que c'est pas lui, et puis voilà. Hein. Ouais, ouais. Mais le mec, tu vas le faire galérer une nuit en garde à vue, imagine le truc. Ouais, fais la mec, il y en a marre d'entendre. La meuf. Ouais, c'est ça, ouais. La meuf qui en a marre d'entendre parler de tout ça. Et tu vois, quand on t'en parle, là, ouais. Je vais en parler, s'il vous plaît, merci. Merci, oui, s'il vous plaît. Voilà, genre, bah ouais, tu continues dans le sens, quoi. Toi, t'es une bonne mytho, c'est bien. C'est bien, Leïla. Merci pour la méthode du réveil. Qu'est-ce que vous nous dites sur Facebook, là? Elle peut mettre son réveil, son portable sur son bureau, hors de portée. Parce que ce que tu nous disais, Moussa, c'est encore confirmé, là. Mettre le truc bien loin. Ce que vous avez dit, hein, vous êtes beaucoup à avoir dit ça, là. Je conseille soit de prendre un bain chaud avant de dormir, et faire de la natation pour fatiguer son corps, comme ça, mental dormira bien, elle aura moins de difficultés à bien se lever le matin. Message de Amina là. Bah, il y a Roméo, plus simple. Demande à ton père de te mettre une claque dans la tronche. Ça réveille. A priori, c'est sa méthode à Roméo. Bien, moi, j'ai Samos qui dit, moi, pas de problème de réveil. Ma mère hurle suffisamment fort pour me réveiller tous les matins. Bonjour à ta maman. Moi, ouais. C'est ma mère, ça m'était à bout de nerfs quand je me réveillais le matin pour venir à l'appart. Ça sentait mauvais. Bah, quand j'habitais encore chez elle, c'est à ce moment, je me réveillais. Ah, Cédric, tu pues. Alors, je mettais le réveil. Et en fait, les murs, ils étaient pas super épais, donc elle entendait un peu le réveil. Ah, Cédric, tu pues la merde. Ta gueule, toi. Et tu sais, quand tu appuies sur le bouton pour remettre 9 minutes. Donc, du coup, ma mère, ça l'a réveillée 3-4 fois, elle était à bout de nerfs. Mais t'as vraiment aucun respect, toi. Ah ouais, vraiment. Mais j'étais crevé. Traiter sa mère comme ça. Ouais, t'es vraiment un porc. Mais laisse tomber. Un porc. Merci, Mousse, en tout cas. Tu m'as entendu même ronfler. Oh là avec plaisir, y a pas pauvre de femme. Et puis tu reviens quand tu veux. Moi, sur ton val t-shirt Skyrock à la maison, c'est parti. C'est la spéciale du dimanche soir avec le meilleur de Difool sur Skyrock. Et une petite info, une grosse info même de dernière minute qui vient de tomber. Soyez là demain soir dans la radio libre de Difool. On dirait qu'il y a Laurent, le papa musique de Skyrock, qui vient d'envoyer un message pour dire qu'il y aura une surprise demain soir avec Soprano. Donc voilà, soyez à l'écoute. Je pense qu'il y aura un nouveau son de Soprano, un tout nouveau à découvrir demain soir en direct dans la radio libre de Difool entre 21h et minuit. En attendant, on se prépare. Avec les meilleurs moments de l'émission ce soir, vous allez retrouver à Londres justement le collègue de Soprano qui débarque dans la spéciale de Difool. Il y a le super clash de la drague également dans quelques secondes, totalement inédit. On a mélangé les meilleurs clashs de Cédric contre les meilleurs clashs de Romano. Ça nous fait un tout nouveau clash pour lequel vous pourrez voter juste après le son de G-Eazy qu'on écoute tout de suite avec Me, Myself and I. Il y aura également le retour de Fares, 24 ans, et sa chérie Monique, 65 ans, à pas louper dans moins de 30 minutes. Au moins une télé 4K Ultra HD à gagner tous les matins dans le morning de Difool. Morning show. Viens jouer à Info ou Mytho. Romano, c'est une info. Et Cariole, c'est Mytho. Eh ben, t'as gagné. Ouais. Ah, super. Et choque toi aussi ta nouvelle télé Samsung 4K pour mater tous les matchs de foot en ultra HD. Skyrock est premier sur le foot, bien sûr. Skyrock. Écoute le morning de Difool demain matin à 7h20. Et à toi la nouvelle télé Samsung en mode ultra HD. Ultra HD. 6h-9h. Le morning de Difool sur Skyrock. The morning show. Love au 6-20-70. Rencontrez par SMS des centaines de gens qui vous ressemble. L'amour de toute une vie, votre nouvelle sœur de cœur. De nouveaux amis, Love, L-O-V-E, au 6-20-70. Le service de chat 100% SMS et sans abonnement. Envoyez Love au 6-20-70. 50 centimes plus prix du SMS DGP. Dirty Papi, Jason et son grand-père n'ont rien en commun. L'un est un peu coincé. Chaque jour, ma carrière est en jeu. L'autre est de nouveau célibataire. Je veux pisser. Mais quand la ville est réunie, c'est déjà ça, c'est une break. Ils vont apprendre à mieux se connaître. T'es à point ? Ce soir, on va pécho ! Zac Efron, Robert De Niro dans Dirty Papi, en Blu-ray DVD VOD avec Skyrock. Bienvenue sur Smax. Tu as créé ton profil avec une belle photo de toi. Niveau 1, franchi. Tu as reçu un Smax. Smax à ton tour. Vite. Niveau 2, franchi. Tu viens d'obtenir un double Smax. Niveau 3, franchi. Délivre la princesse de son célibat. Envoie-lui un message. PS, sois original si tu veux avoir une réponse. Sur Smax, c'est toujours toi le winner. Télécharge Smax. S-M-A-X. Et si j'avais le pouvoir de faire revenir votre fils? Une porte sépare le monde des vivants de celui des morts. Oliver, c'est toi? Un avertissement sacré, ne jamais l'ouvrir. Il faut que je parte maintenant. Produit par Alexandre Aja, réalisateur de La Colline à des yeux et Piranha 3D. Non, ne les laissez jamais sortir. Non. The Door, actuellement au cinéma. Avec Skyrock. Avec Pepsi et Lipton, c'est la Quick Cup dans les restaurants Quick. Repars avec un ballon de foot pour seulement 5 euros à l'achat d'un menu XL. Vite ! Quick, un goût de légende. Cup égale coupe. Offre valable du 30 mai au 11 juillet 2016. Liste des restaurants participants sur quick.fr. Pour votre santé, bougez plus. Tous les soirs dès 21h. What the fuck ? Difool est sur Skyrock. Ooh, it's just me, myself, and I. Solo ride until I die. Cause I got me for life. Yeah. Ooh, I don't need a hand to hold. Even when the night is cold, I got that fire in my soul. And as far as I can see, I just need privacy. Plus a whole lot of tricks, all this modesty. I just need space to do me, get away what they're trying to see. A Stella Maxwell right beside of me. A Ferrari, I'm buying three. A closet of Saint Laurent, get what I want when I want. Cause this hunger is driving me, yeah. I just need to be alone. I just need to be at home. Understand what I'm speaking on. If time is money, I need a loan. But regardless, I'll always keep keeping on. fake friends. We don't take L's, we just make M's. While y'all follow, we just make trends. I'm right back to work when that break ends. Yeah. Ooh, it's just me, myself, and I. Solo ride until I die. Cause I got me for life. Got me for life. Ooh, yeah. My soul. And I don't like talking to strangers, so get the f*** off me, I'm anxious. I'm trying to be cool, but I may just go ape, say f*** out of all of y'all faces. It changes though now that I'm famous. Everyone knows how this lifestyle is dangerous, but I love it, the rush is amazing. Celebrate nightly and everyone rages. I found how to cope with my anger. I'm swimming in money, swimming in liquor. My liver is muddy, but it's all good. I'm still sipping this bubbly, this lovely. This ain't random, I didn't get lucky. Made it right here cause I'm sick with it, Cuddy. They all take the money for granted, but don't wanna work for it. Tell me now, isn't it funny? Nah. Ooh, it's just me, myself, and I. Solo ride until I die. Cause I got me for life. Got me for life. Ooh, yeah. I don't need a handhold. Even when the night is cold, I got that fire in my soul. Un petit peu plus de 22h, on termine le week-end ensemble comme tous les dimanches soirs avec la spéciale de Difool, les moments les plus oufs, les plus dingues de la plus grande radio libre de France avec de l'inédit tout de suite, le super clash de la drague. Je rappelle le principe, à tous les nouveaux, on a pris les meilleurs clashs de Cédric, on a pris les meilleurs clashs de Romano, on les a mélangés, ça nous donne un clash inédit pour lequel vous allez pouvoir voter le super clash, c'est maintenant sur Skyrock. Attention, attention, ils sont prêts à draguer tout ce qui bouge, et quand on dit tout, c'est absolument tout. C'est le clash de la drague avec les deux meilleurs séducteurs au monde. Bon. Eh bien c'est parti, je lance le coup d'envoi. C'est parti avec la ligne numéro 8 pour toi Cédric. Bonne chance. Et ouais, t'as trouvé une méthode. Bon, je vais faire Allô. Allô. Je suis chez qui? Je parle trop. Allô Dominique. Non, je voudrais savoir qui c'est exactement là. Parce que on vous prend au téléphone et vous nous raccrochez au nez quoi. Ah bah ça a dû couper, je sais pas, c'était pas moi en plus. Dominique, il est là, c'est Michel au téléphone. C'est Michel au téléphone. Voilà. Non. Non, ça lui dit rien du tout. On m'appelle Michel le Libertin, dis-lui. Comment? Michel le Libertin. Le Libertin. Oui, en fait, cherche à rencontrer des gens pour échanger un petit peu avec eux, quoi, tu vois. Échanger. Ouais, ça, j'ai envie de venir te voir, ma chérie, de te faire des choses ce soir. Non, je suis désolé. Ou à toi ou à Dominique, hein. Mais passe-moi Dominique, je veux voir avec lui. Pardon. Passe-moi Dominique parce qu'on m'a dit qu'il était aussi libertin comme moi. Il est libertin comme toi. Ouais, tiens, bah passe-le-moi, non, je veux voir avec lui. Bah, je vais vous le passer. Merci. C'est bien, allô, tu parles à Dominique. Allô. Ouais, Dominique. Oui. Bonsoir, comment vas-tu? Bah, bien, et toi? Bah, nickel, nickel. C'est Michel le Libertin au téléphone. Oui. Bon, dis-moi, je t'appelais ce soir là parce que je voulais te faire une proposition de malade ce soir. Vas-y. Bah, je voulais venir te voir, toi et ta femme. Ouais. Et puis, tenter de faire l'amour avec ta femme. Bah, à ce moment-là, on fait ça avec la tienne, espèce d'enculé. Ah bah, écoute, là, elle est pas là ce soir, mais je te la ramènerai une prochaine fois. Déjà, je vais m'occuper de la tienne. Après, si tu veux, tu t'occuperas un petit peu de moi, puis après, on voit ce qui se passe. Eh, mais écoute-moi bien, toi, t'es un PD, en fait. Non, pas du tout, je suis une bi. Ouais, mais toi, toi, t'as pas de couilles, mec. Vas-y, bah, viens, si tu sais où j'habite, viens. Ah, bah, écoute, je vais venir avec ma paire de couilles, tu vois, je vais frapper à ta porte. Voilà, bah, viens. Donc, dans voilà. Ce cas-là, dis à ta femme. Viens, et moi, je vais te recevoir et je vais bien te péter la gueule, espèce de. Non, le cul plus, le cul. Ouais, bah, le cul, si tu veux, avec, mais t'inquiète pas. Vas-y, ramène ta gueule et moi, je vais te foutre en l'air. Alors, ramène ta gueule. Vas-y, écoute, Dominique, dis à ta femme de s'habiller un petit peu sexy. T'inquiète pas, j'ai dit, garde ma femme là, vas-y, va t'habiller bien, il arrive, t'enculé. Vas-y, viens. Dis-lui de mettre un string, j'aime bien les strings blancs ou noirs. Ouais. D'accord. Ouais, ouais. Moi, ouais, je vais mettre je vais mettre un petit boxeur un peu sexy, puis je débarque, d'accord. Vas-y, mais toi, tu sais quoi? Je vais juste te dire quoi, les mecs comme toi, ça m'arrête quoi? Juste la corde au cou, parce que t'es qu'une chiotte, tu vas pas ramener ta gueule. Ramène ta gueule, et après je te fous en l'air. Dans deux minutes, j'arrive, je m'occupe de ta femme, d'accord? Bah vas-y, ramène ta gueule, vas-y, pas de soucis, ramène ta gueule. Je vais faire l'amour à ta femme doucement, et après, si tu veux, tu vas foutre ça dessus en l'air. Toi, t'as un beau parleur, t'aurais dû faire de la poésie, alors, connard. Vas-y, ramène ta gueule. Je sens que t'as envie de me foutre le cul en l'air. Ah, j'ai envie de te foutre le cul en l'air, mais y a pas que le cul en l'air, mon pote. Hein, bon, j'arrive, je vais venir avec le cul en l'air, et puis j'espère que tu t'occuperas de ça, d'accord? Ouais, viens. À tout de suite, mon chéri, je te fais des bisous, prépare tes petites fesses aussi. À tout de suite, à tout de suite. Prépare tes fesses, hein. Enculé de ta mère, vas-y, ramène ta mère, enculé. Bon, peut-être pas ma mère, non, mais. Mon petit cœur, enculé de ta mère, ramène ta mère. Mais quelle belle histoire d'amour qui vient de naître sur Sky. Le cul en l'air et tout. Eh oui, Cédric, le cul en l'air, ça va être beau à voir, ça, tiens. Non, mais pourquoi t'as pas dragué elle, tout simplement? Bah, parce que je la sentais moyenne. Elle, tu vois. Bah t'aurais dû parce que je sentais plus avec son mec. Oui, bon. T'aurais dû là du coup, oui. Voilà pour les appels de Cédric de ce soir. Romano, est-ce que tu prends quand même un appel? Ah bah pour l'égalité des des appels. C'est ça, voilà qu'on dit. C'est ce qu'on dit. Pour la parfaite équité. Romano, tu es un vrai performeur du clash de la drague, nous dit Max sur SMS du 83. Allô? Allô, c'est la femme à Bernard? Oui, c'est la femme à Bernard. Comment elle va ce soir? Pas très bien. Ah bah dis donc, bonne nouvelle. Il est là Bernard? C'est qui? C'est de la part de Jean-Louis. Jean-Louis? Jean-Louis, jardinier paysagiste. Jardinier paysagiste, ah bon? Eh oui. C'est pour te faire une petite surprise. Ah bon, eh bah oui. Je vous passe. Merci bien, je vais te tailler le buisson ma chérie. Elle est contente de la surprise en tout cas. Allô? Allô, Bernard? Ouais. Ouais, comment tu vas? Ça va, c'est Jean-Louis à l'appareil, là, jardinier paysagiste. Dis donc, je voulais venir tailler un peu le buisson de ta femme ce soir. Ça te dérange pas si je passe vite fait, là? Allô? Ouais? Ouais, je peux passer te voir? C'est qui? C'est Jean-Louis à l'appareil, jardinier paysagiste. T'es malade ou quoi? Et je voulais m'occuper du buisson de ta femme. Parce qu'en plus, ouais, parce que moi, en plus, j'ai une bonne carotte entre les pattes, là. Ouais. Et je voulais bien qu'elle la goûte aussi. Ouais. Donc, je voulais venir dans 5 minutes, là. Ah bah tu peux venir. Ah bah je vais venir et puis je crois que toi aussi tu vas goûter à la carotte. Ouais. Mais toi ça sera dans les fesses toi. Ah bah tu peux venir, j'ai souvent pas dans la gueule. Ah bah écoute c'est parfait ça. J'aime bien. À tout de suite. Ah bah je te dis à tout de suite. Bisous bisous. À tout de suite, viens. Bisous, bah j'arrive mon chéri. Alors un autre. Allô. Oui. Bonsoir, comment vas-tu? Ouais, c'est qui là? Bah je m'appelle Michel et toi? Ça va? Ouais Michel, tu commences à me faire chier. Bah je t'appelle justement parce que je voulais venir te voir toi et ta femme. Ouais, va te reculer. Bah écoute, justement, c'est ce que je voulais que tu me fasses. Ce soir, je vais te ramener un petit peu de chocolat aphrodisiaque. Je voulais faire l'amour à ta femme. Chercher le mot au téléphone, d'accord? Bah passe-moi ta femme. J'ai demain qui va à l'école, puis demain ça va être bonheur. Bah arrête de gueuler, tu vas le réveiller. Ouais, ça va, et bon, bonheur. Je peux venir ou pas alors, tant que le gosse il dort? Ouais, va te faire foutre. Bah écoute, tu vas me la foutre ou pas? Ouais, dégage. Parce que là, tu parles au téléphone, là, mais allô? Ah, parce que moi, j'ai ton numéro, il s'est affiché, puis je vais au commissariat de police maintenant. Bah, je vais venir tout de suite à la maison, alors si tu veux, on ira ensemble, tiens. Ouais, dégage, j'ai connerre. Je te ferai des petits câlins, je sens que t'as envie de me faire des câlins, toi, ce soir. T'as envie de me faire des bisous? Ouais, va te faire foutre par les autres, les connards. Bah, non, je veux que tu me la foutes, toi. Ah, les autres, ils veulent pas, moi, je veux. Allô? Ça y est, Tibet, ton numéro est enregistré, t'inquiète pas. Bah, c'est bon, pas de soucis. Bon, j'arrive dans 5 minutes ou pas alors? Ouais, va te faire foutre. Bon, bah, j'arrive, alors je vais venir te faire l'amour à toi et ta femme. Allô? C'est fini, Cédric. Ah, putain, un rappel. Voilà. Putain, j'hésite à prendre un rappel. Tu prends un rappel? Moi, j'ai hésité sur l'autre d'avant, là, mais il était un peu trop énervé, je crois. Rappel, par rappel. Non. Par rappel. Bon, bah, deuxième coup de fil à Romano, t'avais rien à perdre, hein? Ah, oui, j'allais flinguer un rappel. Oui, mais bon, de toute façon, après, c'est fini, hein. Ah ouais? C'est qui, là? Vous avez fait votre tour de chauffe, maintenant je prends un rappel. Daniel. C'est Romano, Daniel. Allez Daniel. Romano et la grippe, pas la grippe, le truc du poulet là. Du cheval. Oui, du cheval. Daniel. Oui, allô. Ah, bonsoir, ça c'est la femme à Daniel. Oui. Oui, bonsoir, il est dans le coin ou pas le Dany? Le Dany. Bah Daniel quoi. Oui, pourquoi? Ah bah c'était pour lui parler. Lui parler de quoi? Ah bah lui parler plein de choses. Il parle de toi. Allô. Quoi, pas avec moi, ça veut dire quoi? Non, mais pas avec toi, si, je veux bien parler avec toi, mais je préférais parler... Oui, ta gueule, toi. Attends, excuse-moi, j'étais en train de régler ça avec un ami, là. Est-ce que je pourrais parler à Daniel? Oui, à lui, j'ai des choses... C'est une surprise pour toi, ma chérie. Oui, c'est pour moi, ma chérie. Oui, d'accord, alors vas-y, je t'écoute, mais voilà. Daniel est en train de japper derrière, c'est normal? Allô? Oui. Oui, donc parce qu'en fait voilà, j'ai un petit souci. J'ai mangé des lasagnes et depuis j'ai une bite de cheval. Très bien. Donc je voulais venir me soulager avec vous, quoi. Oui, il n'y a pas de souci. Ah, donc je peux passer à la baraque ? Bien sûr. Mais Daniel, il va continuer à japper ou à un moment donné, il reprend forme humaine ? Daniel, t'inquiète pas, il est au taquet, Daniel, la soirée. Non. Sérieux, moi. Écoute, tu lui dis que dans 5 minutes, je suis là, hein. Ouais, bah, alors, ouais, vas-y, il n'y a pas de souci. Bah, j'arrive vite. Je vais venir voir. Ah, bah, je vais venir te voir. Je vais venir te voir, mon de Dieu. Bon, Daniel, arrête de japper, j'arrive dans 5 minutes, je m'occupe de ta femme. Enculé. Ah, non, moi, c'est Jean-Louis, moi. C'est qui, toi? C'est qui, fils de pute? Moi, je suis Jean-Louis. De toute façon, j'arrive dans 5 minutes, c'est réglé. Ouais, et bah, tu peux venir. Ah, bah, j'espère bien. Bah, écoute, j'espère bien que tu vas m'occuper. Ta gueule. Qu'est-ce que tu vas faire, là? Ah, bah, je vais m'occuper de ta femme, hein. C'est vraiment que tu te merdes. Ah, bah, écoute, on va voir ça ensemble. Ouais, et bah, tu viens quand tu veux, ok? Ah, je suis là dans 5 minutes. Ouais, et bah, tu viens quand tu veux. Ah, bah, à tout de suite et je m'occuperai de toi aussi. Viens me voir. Ah, bah, j'arrive et je crois que je vais m'occuper de ton cas, mon gaillard. Ouais, salut, alors bon, bah, je tout de suite, vraiment hein. Présenté, excuse-moi, il s'est énervé pour rien. Non, mais c'est pas grave, j'arrive dans 5 minutes, on va prendre le verre de l'amitié. D'accord. Tu continues derrière. C'est une merde. J'arrive. Oui. Non, moi c'est Jean-Louis, je te dis. A tout de suite. Allez, vous excusez, madame. Pas de couille. J'arrive. Mais j'arrive, mon amour. Voilà. Ah, ouais, j'ai vu le mec qui était à bloc, toi. Ah, lui, il était bon. La spéciale de Tifoul. 21h minuit sur Skyrock. 22h14 et on est à bloc pour le top vote. Les meilleurs clashs de Cédric contre les meilleurs clashs de Romano. C'est tous les dimanches soirs. On exclut dans la spéciale de Tifoul. Il y a déjà le poteau du 95 qui dit magnifique la team Romano. Alors, qui va gagner? Qui va l'emporter? C'est à vous de nous le dire. Qui vous a fait le plus marrer où que vous soyez partout en France? On compte sur vos votes depuis votre smartphone. Vous pouvez envoyer ça par SMS Cédric ou Romano depuis l'appli Skyrock. Vous avez une petite enveloppe qui est tout en haut à droite de l'appli. Vous pouvez voter aussi sur les réseaux sociaux Yax ou Twitter. Mettez bien le hashtag la spéciale de Tifoul en plus pour les votants. Faites le test, vous allez voir, ça fonctionne réellement. Pour tous ceux qui mettent le hashtag la spéciale de Tifoul, on vous offre vos places de ciné pour Bienvenue à Marly Gaumont. C'est le film sur la vie de Camini. La spéciale de Tifoul, le hashtag à faire tourner. Faites tourner, hein, faites péter les votes. Vous avez 5 minutes, Cédric ou Romano, qui va gagner, qui va l'emporter. On va vous le dire dans quelques minutes. Dans quelques minutes également, le retour de Fares, 24 ans, et son improbable rencontre avec Monique, 65 ans. Fares va-t-il taper dans la granit? On va le savoir dans quelques minutes. Et tout de suite, c'est Gwendo que vous retrouvez pour la suite de la spéciale avec Tifoul, Romano, la Marie, Momo, Samy, Karim et Cédric. Hein. Yo, yo. Bonjour ma chérie. Salut Gwendo. Salut. Salut toute l'équipe. Salut Gwendo. Tu prends sa voix de lover. Tu appelles. Oh, pervers, d'ailleurs. Tu appelles de Rouen. Oui, c'est ça. Tu es la bienvenue sur Skyrock. T'es un peu pressée, alors dis-nous, Gwen. Ok, super, merci. Comme ça, ça me permet de réagir. Voilà, on habite à côté d'une folle. Salut les filles. Salut les filles. Donc donc t'habites à côté d'une folle. Très bien. Voilà, donc c'est-à-dire qu'elle nous a jeté de l'urine, elle a été chercher de la merde de chien pour nous la foutre dans la cour, ah, elle a passé à tabac. Mais elle c'est la voisine d'en haut, en dessous, en bas, à côté. Non, non, en fait, on est dans une maison, c'est des maisons collées. D'accord, ok. Et mais c'est, elle a quel âge cette folle dingue? 46 ans. Ah, elle va. Et t'es collée à elle, ou alors c'est une maison collée mais à une autre maison? Non, non, c'est une maison collée par une maison collée par une maison collée. Et donc, ouais, en fait, c'est un lotissement, tout est collé, ouais. Toutes les maisons sont mitoyennes. Voilà, mais elle est vraiment juste à côté de chez toi? Oui, mais vraiment juste à côté, ouais. Ça, c'est pas de chance. Mais elle vit seule, cette dame? La folle? Oui. Ah ouais? Ouais. Bah, c'est peut-être normal. Mais pourquoi? Non, mais s'il y a une raison, parce qu'après, ça peut partir de quelque part. Ouais, une embrouille. Bah, en fait, c'était pour une cabane. En fait, c'est-à-dire que mon père range ses outils dans un bâtiment, mais on appelle ça une cabane, et elle voulait la faire démolir, se disant que c'était trop dangereux. C'est comme la cabane de Jules. Dit... C'est ça, pareil. Une cabane de jardin, père... quoi. Oui. Et mon père lui a dit, si c'est trop dangereux, bah, moi, je fais venir mon expert d'assurance, et puis, voilà, on règle ça. Et sauf que ça lui a pas plu, du coup, elle a commencé à dériver dans sa tête, et elle est allée jusqu'à me tabasser, du coup, j'ai dû partir à Paris. Après, je suis revenue chez mes parents. Mais t'es partie à cause de cette folle? Oui, parce qu'elle m'a tabassée. Mais t'avais d'autres solutions pour tes plaintes, oui. Ben, c'est ce qu'on a fait, sauf que ça marche pas. Du coup, je voudrais savoir s'il y a eu des auditeurs qui ont vécu la même situation que moi. sachant que la justice ne bouge pas, quelle solution ils ont trouvé en fait. C'est vrai. Parce que là, genre, à 13h, mon père, il rentre, elle l'attendait pour essayer de l'agresser dans la voiture, quoi. Enfin, oui, je vais vous chier dessus. Regardez, mon anus est prêt, je vous attends depuis une heure. Oui, mais alors là, je vais chier ma race. Avec le parti qu'elle t'a tabassé, elle t'a fait quoi? Elle t'a foutu les coups de poing? Ah non, mais en fait, elle m'a frappé par les cheveux, en fait, du bout de l'allée jusqu'à chez moi, elle m'a mis des coups. Ah, t'as traîné, en fait. Et, ouais, et t'avais des traces par les cheveux. C'est une folle. Enfin, ouais, bah, l'épaule, en fait, elle m'a dégringué l'épaule. Ah ouais, donc c'est bizarre qu'il fasse rien, quand même, la police. Là. Non, ça veut rien dire, des fois, c'est classé sans suite. Hein. Ah ouais, ouais. Oui, non, malheureusement, mais c'est ça, en fait. C'est triste, mais bon, c'est comme ça. Hein. Ouais. Comment on peut faire autant de mal à une fille qui a une aussi belle voix, on dit. Excuse-moi, je disais un message magnifique. Comment on peut faire autant de mal à une fille qui a une aussi belle voix? Dimitri qui nous envoie un message. Bah, de toute façon, il y a un message sur ta voix. La meuf, elle est propriétaire ou locataire? Parce que si elle est propriétaire. Je suis propriétaire. Non, mais parce que. Non, mais. Elle a une remontée de la fouine. Excusez-moi. Non, parce que si la meuf, il est propriétaire, il n'y a aucun moyen de la faire expulser. C'est-à-dire que. Et si elle est locataire, il y a une chance. Non, mais je crois qu'elle est propriétaire. Bah, t'es dans la merde. Propriétaire. Propriétaire. La folle, les propriétaires. Ouais, t'imagines, elle danse comme ça devant chez elle. Je suis propriétaire. Et elle chie en même temps. Ouais, propriétaire. Non, mais elle s'est tapée toute seule chez elle contre des murs. Ah, bah, peut-être un jour elle va s'achever. En disant que c'était mon père qui l'avait agressée. Ah, elle a eu 8 jours d'ITT. Ah, ouais, donc taré, c'est. Vrai taré, en fait. C'est dangereux, ouais. Ah, t'as ça à côté de chez toi, ça te pourrit la vie. C'est vrai qu'on n'imagine pas, mais un petit truc peut te dérégler un peu ton équilibre. Non, mais c'est un gros truc, hein, parce que chez toi, t'y es quand même pas mal de temps. Ah ouais, au final, c'est infernal. Surtout si tu es propriétaire. Ah bah, propriétaire. Non, mais ouais, c'est-à-dire que la meuf, en fait, déjà, tu rentres chez toi, c'est censé être un moment cool, tu te dis, ouais, je vais me poser. Ouais. Et là, tu te demandes ce qui va arriver, ou si elle va pas te chier à la gueule, ou. Limite, t'y penses avant d'arriver. Sauter sur toi dans la rue. Même avant de rentrer, tu te demandes cette. Non, mais ouais, en fait, c'est angoissant, quoi. T'es jamais trompé. Non, mais la semaine dernière, elle a été jusqu'à la fac de Rouen, quoi. C'est-à-dire où je passais mes examens, en fait. Parce qu'il y en a plein qui nous disent ouais, ça. C'est vrai qu'elle est pas con, l'idée. Mais t'as des preuves. Mais c'est vrai, tu la filmes quand elle vient à la fac, tu la filmes, tu vois, tu dis la meuf, elle me harcèle. Bah ouais, ouais. Elle est à la fac, elle est devant chez moi, tu la filmes en train de chier sur un truc, ça sera pas mal. Non, mais c'est du caca de chien. Non, mais le problème, c'est qu'elle le fait, elle se barre, tu vois, on peut pas. En fait, elle le fait discrètement, ou alors elle voit quand t'as pas et elle fait ses conneries, quoi. Elle met une caméra devant la baraque, discrète. Ouais, wow, une caméra de CV. T'as pas le droit, non? Ouais, t'as pas le droit, Marie. Non, t'as pas le droit. T'as pas le droit de filmer. Bah, le juge, il te laisse pas prendre cette preuve. Hein. Je suis en droit, donc voilà. C'est une preuve qui a été acquise illégalement, donc. Voilà, c'est ça. En fait, t'as pas le droit de filmer à l'extérieur de chez toi sans autorisation. Par exemple, si tu veux filmer ton jardin, ouais, mais dans ta cour, il faut que t'aies une autorisation. Ah, ouais. Par exemple, si tu filmes et tu vois l'autre en train de poser un braison. La ah non, mais au niveau de la justice, ils la prendront pas puisque ton jardin, t'as pas le droit, c'est chez toi ton jardin. Je crois qu'il faut une autorisation. Je me demande s'il faut pas une autorisation. Non, ça m'étonne, moi. Ouais, je crois que c'est que la porte, non? Interdit de filmer quelqu'un sans son autorisation, ça ne sera jamais recevable, nous dit Fanny J, 18 ans. Non, mais c'est C'est privé chez toi ton jardin. Ouais, mais je crois. Ouais, mais elle nous prend en photo, en fait. C'est ça, le problème, c'est que, genre, elle nous prend en photo chez nous, en fait. Faudra arriver à la pousser à la faute, en fait. Non, mais, vous avez été porté plainte plusieurs fois. Bah oui, les flics, même pas. Ils l'ont même pas convoqué une fois. Ah, bah, je crois qu'ils l'ont convoqué, mais après, voilà, quoi, c'est sa parole contre la nôtre. Ouais. Alors, ouais, d'accord, mais bon, si vous allez porter plainte, je sais pas si toutes les semaines vous allez dire au keuf, il y a encore eu un problème, au bout d'un moment, ils vont peut-être prendre le truc au sérieux. Ouais, puis ils vont pas se dire que toute la famille est dingue, peut-être une femme. Ben, non, mais c'est vrai que bon. Par en avoir marre de nous, c'est tout et ce qu'ils par exemple, ont, enfin... ah, j'ai une question. Non, mais après, c'est vrai qu'il faut des preuves tangibles. C'est-à-dire que, il faut des trucs. Ouais, vous avez rien concrètement. C'est-à-dire que tu peux pas la filmer parce que c'est. Il y a rien dans votre dossier, madame. Ouais, le dossier est vide. Question de Marie. Comme toutes les maisons là sont collées, les autres voisins ils ont pas eu de problème avec elle. Est-ce que vous pouvez pas les décoller? Alors, non, en fait, les autres voisins n'ont pas de problème avec elle. C'est-à-dire qu'elle leur dit bonjour, elle fait la gentille, etc. Ah merde. Ah, c'est une perverse. Et quand elle m'a passé à tabac, il y avait des voisins parce qu'il y en a aucun qui a voulu être témoin. Du coup, c'était sa parole contre la mienne. Ok. Ah, ouais, moi, je lui arrache la tête là, la débile. Nous dit. Sur SMS, tu la mets sur Periscope, nous dit Mojito. Il n'y a pas moyen de l'envoyer à l'hôpital psychiatrique, nous demande Jennifer, c'est vrai. Un petit coup de taser si pour Danix. Saint-Étienne-le-Rouvray, s'ils ont de la place, appelez-nous. Jennifer Thompson nous dit, il n'y a pas moyen de l'envoyer à l'hôpital psychiatrique. Petit coup de taser pour Danix, oui. Prends une. On ne va pas le faire. Ah oui, il y en a que ça énerve vraiment. Je vois les messages là depuis tout à l'heure. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Non, mais surtout, il ne faut pas que vous vous en preniez à elle, parce que sinon, elle va se retourner contre vous, vous l'aurez en plus dans le cul. Pas d'erreur. Ouais.

Je pourrais pas tout dire, c'est sûr que tu te feras des films. Tu m'imagineras nu dans un lit, dans les cuisses d'une entrefait. Moi je serai partout, tant tu m'attendras du rimmel sous les cils. Nos photoportraits dans des cadres, la solitude te fera des signes. Je reviendrai, tu seras distante, mais je sais toujours te faire rire. Je saurais toujours te faire crier, je saurais toujours te faire pire. Non, non, j'aurais pas tout fait pour te perdre, mais je t'ai perdu. Heureusement que j'ai pas tout fait pour te plaire. C'est hyper dur, mais au fond, je sais que tu vas partir. Me laisser seul dans un 5 étoiles. Encore une fois, je me dirai que je n'ai que ma mère. Allô, maman. Ça va, ça va pas fort, j'ai perdu du temps. Allô, maman. T'es au travail? J'aime pas tes rides et tes cheveux blancs. Allô, maman. Bobo. Bobo. Allons-nous-en. Allô, maman. Ça va pas fort, j'ai perdu du temps. Allô, maman. J'aime pas tes rides et tes cheveux blancs. Allô, maman. J'crois que t'as besoin. De repos. Allons-nous-en. J'aurais ni trop lâche, ni mort pour ma franchise. Ville avant l'âge, je reçois que des éloges, mais je dois t'affranchir. Je parle à la faucheuse, la nuit, je me réveille en nage. Sûrement noyé par mes torts, noyé par mes remords ou l'argent que j'ai à blanchir. Là, je suis partout, tant tu m'inspires, mais t'es plus là. Bébé, toutes les tests de France me disent que je suis un artiste. Peut-être qu'il fallait que je te retienne, fallait que je te prenne, fallait qu'on se tire. Mais maman devait vivre mieux, maman mérite un empire. J'aurais pas tout fait pour m'y perdre, je m'y suis perdu. Heureusement que j'ai pas tout fait pour m'y plaire. C'est hyper dur, mais au fond, je vais partir. Te laisser seul compter les étoiles. Encore une fois, je m'en vais faire de l'oseille. Allô maman, ça va pas fort, j'ai perdu du temps. Allô maman, j'aime pas tes rides et tes cheveux blancs. Allô maman, je crois que t'as besoin de repos. Allons-nous-en. J'aurais pas tout fait pour te perdre, mais je t'ai perdu, heureusement que j'ai pas tout fait pour te plaire. C'est hyper dur, mais au fond, tu vas partir. Me laisser seul dans un 5 étoiles. Encore une fois, je me dirais que je n'ai que ma mère. Allô maman, ça va pas fort, j'ai perdu du temps. Allô maman, j'aime pas tes rides et tes cheveux blancs. Allô maman, bobo, bobo, allons-nous-en. Allô maman, ça va pas fort, j'ai perdu du temps. Allô maman, j'aime pas tes rides et tes cheveux blancs. Allô maman, j'crois que t'as besoin, de repos. Allons-nous-en. Ouais, man, ça va. Je te rappelle après. J'ai plein de travail. Pardon. Spécial du dimanche soir, le meilleur de Difool. What the fuck? Jusqu'à minuit sur Skyrock. Et on va prendre des nouvelles de Fares. On a eu droit à une exclue hors antenne. Fares qui discute avec sa copine. Avec la madame Granny. Sa là, copine. Je les écoute, c'est en train de discuter encore. Granny, ils sont en train de discuter? Ouais, je te les mets. Écoute. Vas-y. Oui. Et je pense te mettre ta dose. Oh, mes doses. Tu vas en mettre deux aujourd'hui. Ok, Monique, sans problème. Donc vous entendez Fares et Monique. À tout à l'heure, mon cœur. À tout à l'heure, ma salope. Normal. Magnifique. Il s'est trompé de prénom, c'est Monique. C'est Monique. Ouais. Eh, Fares. T'as entendu ou pas? Ouais, nickel, on a entendu. On a entendu la fin alors. Putain, là, ouais, elle a une voix de vieille. Oh là là, cette salope. Oh, bah. Un peu de respect, ça pourrait être, tu nous l'as dit hier, ça pourrait être plus vieille que ta mère. Ouais. Ah, que. Ah non, c'est. Je te dis, c'est limite homme préhistorique, hein. C'est. Ah ouais, tu vas me mettre deux douches ce soir. Deux douches. Ah ouais, t'as dit, ah tu vas me mettre deux doses. T'as vu la pute de chienne que c'est. Sois ricane, reste correct, Fares, c'est très très chaud. On va te rappeler parce que là, on te passe directement sur le oui, standard. Sur on va le haut-parleur du standard. On est sur le haut-parleur, on va te mettre dans le standard le vrai, là, dans un instant. Ah, putain, à tout de suite, Fares. Et donc, Fares, en rendez-vous avec Monique ce soir. Ça s'est passé punaise. Hier soir sur Skyrock. Fares nous a appelé 20 minutes après, il est Uber. Ouais, c'est ça. Ouais. Chauffeur Uber. Chauffeur Uber. 20 minutes après la course avec Monique. Et elle veut qu'il s'habille en survêt, il m'a dit. Ah ouais, hein ouais, elle veut se faire ken par Fares habillé en survêt. Bon, alors passe-moi appelle-moi Fares et passe-moi Fares. On va voir qu'est-ce qu'on met en place comme petit scénario pour ce soir. Fares va démonter ce soir. Oh, il est chaud le Fares. Oui, l'équipe. Ah, Fares, tu es de retour. On a bien écouté la conversation que tu as eue avec Monique. Ça, du calme. Tu es excité, Fares. Ah, elle a chaud là. Non mais tu veux dire que tu es en train de bander en nous parlant là ce soir, Fares. En te parlant du feu. Tu es là-bas aussi. Et là, tu bandes quand tu parles à Difool ou pas? Non. Oh merde. Farès. C'est redescendu. Bon alors, Farès, le problème de la soirée, tu l'as rencontré hier dans ton taxi, elle est revenue en nuisette. Et alors, le problème de la soirée, c'est quoi? Ce soir, elle veut se faire ken, mais à une condition, genre, je peux pas y aller tout de suite, faut que j'aille me changer et me mettre en survêt. Oh la relou. Ah, alors on va l'appeler, tu vas lui demander, alors faut pas qu'on sache où elle habite, tout ça. Attention, faut respecter son animal. Ah, ouais, bien sûr. Et donc, on la rappelle et tu lui demandes exactement comment il faut que tu viennes et ce qu'elle a. Quelle tenue elle préfère? Oui, la tenue qu'elle préfère et comment elle voit la soirée un peu. Tu vois, ouais, ça varie, t'es forte, la couleur du survêt. Ah ouais, c'est survêt. Super, ça, elle comme un. Tu demanderas, ouais, ça c'est important. Ouais. Et la taille également du survêt, hein, parce que pour moi, c'est très important. D'accord. Oui, elle aime bien la taille. Élastique ou pas, hein. Oui, elle aussi, ouais. Ah ouais, et la matière également. Et demande-lui pourquoi elle veut que tu viennes en survêt comme ça, d'ailleurs. Ah ouais. Je vais te dire pourquoi elle veut que je vienne en survêt. Parce que, en mode, elle veut pas me faire rentrer chez elle. Ça veut dire, je vais la ken dans la voiture, tu vois. D'accord. Et donc, en plus, et là c'est corps. Hein, et pourquoi il y a son mari chez elle? Franchement, j'en ai aucune idée. Là, il y a ses petits enfants. Non, non. Ouais, peut-être. Hein. Elle les garde peu le soir, de temps en temps. Vous rigolez, mais vous imaginez? Bah, elle doit être mamie, hein, cette bonne femme. Votre mamie. Ah bah, horrible. Je te dis, elle est vieille. C'est un truc de ouf. Hein. C'est ce que je me disais. Je me disais, genre, le pauvre, son petit-fils qui doit écouter Skyrock et qui la reconnaît. Oui, alors non, j'espère que son petit-fils n'écoute pas Skyrock. Pour une fois, que j'espère que quelqu'un ne nous écoute pas. En tout cas, ta grand-mère, c'est une sale. Oh ouais, putain, Farès, mais. Farès. Bon, demande-lui juste pour l'histoire du jogging, parce que ça nous intrigue un petit peu, l'histoire du jogging. Alors, je te repasse, tu files le numéro de Monique, là. Eh ben voilà une belle histoire d'amour qui démarre, pourquoi pas. Hein, ouais, ça a l'air bien parti pour être de l'amour en plus. T'es prêt, Farès? Eh les gars, faut pas de bruit tout derrière. Hein. Ouais, Farès, soft, hein. Ouais, respect, hein. N'oublie pas que ça pourrait être ta maman, hein. Ouais, ça comprend. Et pas de détails d'adresse ou quoi que ce soit. Non, mais faut pas qu'elle me pousse trop, hein, parce que je te dis, elle est chaude, la vieille. Je sais, toi aussi, il faut pas te pousser beaucoup en même temps ce soir. Ouais, il m'en faut peu. Ah, là, une cocotte minute, le Farès. Merci pour tous les messages que vous laissez pour Farès, hein. Bon, nous. Big up à vous. Big up à vous, vous êtes big up de Farès. On vous appelle. Je mettrai un coup pour vous. On vous écoute, on ne dit rien, nous. On l'appelle, Farès. Vas-y. Donc, en gros, pourquoi le jogging? Comment elle voit la soirée, tout ça? Oui, ma vicieuse, je t'embête encore. Qu'est-ce qu'il y a, mon amour? Non, simplement pour te demander, t'as une préférence pour la couleur du survêt ou... Parce que c'est juste à la maison. Une préférence pour la couleur? Oui, la couleur, ou je sais pas, enfin, si t'as une préférence particulière en plus. Ah, bah si, je sais pas quelle couleur tu as. Oh, bah j'ai un peu de tout, hein, j'ai un peu toutes les équipes de foot, hein, de... Toute la Champions League. Ah... Ou alors tu mets un short carrément. Ah ouais, bah je te mets un short. Mais pourquoi spécialement cette tenue? Ça t'excite ou tu peux me dire? Non, oui, je suis très fétichiste des sportifs, moi. D'accord. Ok, je vais t'en foutre, hein, du fétichisme ce soir alors. Hein? Tu m'entends? Oui, je t'entends. Bah je t'embête pas trop longtemps, d'ici une bonne demi-heure comme ça je suis pas loin de chez toi et je te rappelle. Qu'est-ce que je veux dire? Ou alors mets un jogging clair que je vois bien la bite dedans. D'accord. Dans tous les cas, tu l'avais un, hein, qu'il soit clair ou noir. Du blanc, du gris, t'as du gris. Mais de toute façon, tu l'as déjà palpé, tu sais à peu près à quoi elle ressemble. Oh, elle est belle. Elle est grasse. Tant mieux alors. Elle est grasse. Bah écoute, je vais pas trop te chauffer, garde-toi un peu. Je te fais des gros bisous et bah, je te rappelle tout si ça va remonter tout à l'heure, enfin avant que tu descendes. D'accord, mon bébé. On fait comme ça. Allez, bisous, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Oh, par contre, t'as une bite dégueulasse, ouais. Ah, ta bite, elle est grasse. Mais non, mais c'est les termes de avant pour dire que t'as une grosse bite, t'as une bite grasse. Ta bite, elle est grasse. Ah, qu'elle est grasse. Donc, Farès, t'as une bite grasse. C'est une vraie grande. Eh, mais t'es sûr que c'est pas un cum? Parce que par moment, on dirait un mec. Ouais, parle comme un mandalire. Non mais c'est qu'il y a plusieurs messages qui nous disent la même chose. Elle a la voix d'une copine de Pamela. Ouais, t'as la bite grasse. C'est le message de MHDCH. Bonjour MHDCH. Farès, il va se faire casser le cul. Non. T'es excité dans ton survêt, Fares? Elle aime bien les sportifs en fait. Tu dois les foutre. Vas-y, en crampon et tout. Ah oui, fais-nous des petits selfies. Oui, je vous ferai, vous en faites pas. De toute façon, tu vas la voir dans une demi-heure. Ouais, dans une bonne demi-heure. Ouais. Bon, vous faites ça dans la voiture, ça va durer quoi? 10 minutes, un quart d'heure? Ouais, tout casser, hein. C'est... En tout cas, et t'es en plein dedans. Ah ouais, magnifique. Et là, t'as découvert qu'elle avait une tub. La photo. La photo, oui, je la prends en photo, t'en fais pas. Et juste un petit truc. Selfie, quoi. On t'a offert le t-shirt Skyrock hier, mais aujourd'hui, comme elle aime les sportifs, je t'offre en plus le maillot de ton choix de l'équipe que tu veux, parce que tu mérites ça, Fares. Pour la baiser avec. Tu pourras le mettre. Elle aime les sportifs. Tu veux quelle équipe? Ah putain. Ah, je suis fétichiste. Mets-moi le nouveau Paris, hein, ça me va. Le nouveau Paris. Allez. J'espère qu'elle aura une bite. Le nouveau pari pour Monique. C'est qui l'enfoiré comme ça, alors une bite? Je crois que c'est un Marseillais. C'est un Marseillais. Bon, Fares, on te rappelle tout à l'heure. Il a trop de la chance, Fares, nous dit Zacharia sur SMS. Vas-y bien avec ta bite grasse. Ah ouais. Mais si je vous dis, hein, tu vois, c'est une vieille, ça veut dire, elle m'a vu une fois. S'il y en a un, tu veux mettre sa cartouche? Tu es gentil, Fares. Tu fais une passe, toi. Fares, il partage. Il fait des passes, c'est bien. Sympa comme tout, Fares. Mais on va te laisser lâcher. La spéciale de Tifoul. 21h minuit sur Skyrock. Leslie, 22 ans à Lyon. Bonjour, Leslie. Bonjour. Salut, Leslie. Alors, Leslie nous appelle de dehors. Alors, si tu nous appelles de dehors, c'est parce que tu as peur de quelque chose qui est à l'intérieur de chez toi, c'est ça? Oui, voilà, c'est ça. Voilà. Elle n'ose plus rentrer chez elle. Alors, dites-nous pourquoi elle n'ose plus rentrer chez elle. C'est moi. Qu'est-ce qu'il y a? Bonjour, Cédric. Excuse-moi. Oui, je t'ai pas salué. Voilà, je suis chez l'auditrice. C'est Leslie. Voilà, c'est moi. Elle a peur de moi. T'as peur de Cédric, Leslie? Non, je l'aime trop, Cédric. Arrêtez de l'embêter. Bon, Leslie, tu as peur de rentrer chez toi. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Il y a Charles, il y a une bête. Il y a Nico aussi qui nous dit il y a une araignée. Thiro qui nous dit qu'il y a une araignée chez elle. Il y a une bête pour Romano. Les araignées, ça cartonne. Hein. Sofiane qui nous dit qu'il y a une araignée. Également Anto qui vient nous envoyer un message. Il y a des souris chez elle pour Toshi. Ah, ça j'adore. Allez l'OM. J'adore Samy, c'est son pseudo. Il y a des esprits à la maison. Ouais. Il y a une grosse araignée au plafond de Leslie, nous dit Raph du 71. Il y a sa mère. Ah oui, c'est vrai qu'on a pensé aux animaux, mais c'est bien, vous avez pensé aux esprits. Tiens, on parle d'un fantôme, c'est qui? Blackpeur. Bonjour Blackpeur, 12 ans, qui nous fait, il y a un fantôme dans la maison. Ah bah c'est sûr. Vous l'avez dit, la bonne réponse. La bonne réponse, elle a été donnée. Parce que moi, je la connais, la bonne réponse. C'est quoi, c'est la réponse? On nous dit, il y a son ex chez elle qui veut absolument ressortir avec elle. Non, c'est pas son ex chez elle. Bah là, il sera un peu taré. Non, ça arrive. Il est rentré chez elle pendant qu'elle est pas là. Il y en a, tu sais. Moi, je pense que j'appelle les flics, tu vois. Mais on a tout eu dans l'émission. Hein. Oui, c'est vrai. On a déjà eu ça, des mecs qui harcèlent leur meuf jusqu'au bout. Ouais, en effet, Leslie, la bonne réponse, elle a été donnée. Eh ben, tu peux la donner également. Bah, il y a une souris. Il y en a une ou il y a plusieurs souris? Ah non, il y a toute la famille. Oh, c'est mignon, c'est Ratatouille. C'est il y a Ratatouille qui est venu avec ses amis à la maison. Mais ils sont rentrés comment? Bah, voilà, t'as pas besoin d'une grosse tapette. Toi, t'es à Lyon. Oh, Marie posait une question très très intelligente. Comment elles sont rentrées? Bah, elles ont sonné à la sonnette. Ah, évidemment. Bah, attends, elles sont montées. Non, mais y a un trou. Ding dong, elles ont fait. Vous, c'est une petite souris. Je suis le cousin de Ratatouille. Et je voudrais rentrer, c'est. Non, mais il y a un trou qu'on voit pas quelque part. Parce qu'une fois, on l'a vu dans le studio. On en a vu une dans le studio comme ça. Et c'était un trou qu'on voyait pas. Qui était passé d'ailleurs sous mes jambes. J'avais hurlé. Bah, les souris, c'est tout petit. Il suffit d'un tout petit truc pour qu'elles puissent rentrer à l'intérieur. Un stylo, ouais. Ah, ouais, c'est clair. Un trou grand comme un. Qu'est-ce que tu dis, Leslie? Je lui dis, tant que la tête elle passe, tout passe. Ouais, c'est vrai, on dit que dès que la tête elle est passée chez la souris, le reste du corps il passe. Elles arrivent à se contorsionner. Bon, en fait. Mais ton appart, c'est un boui-boui? Non, mais Romano. Non, c'est une bonne question. Non, mais ça pourrait, tu sais. Bon, Ah, non, en plus, j'avais vu dans un quartier assez huppé du. Ah, bah, tiens, écoute, elles sont pas connes, les souris, elles vont chez les blindés, là. Ouais. Non, mais voilà, c'est horrible quand même. Non, mais faut mettre. Non, mais je disais tout à l'heure, mais faut mettre des tapettes, j'en viens à ça. Bah oui, faut mettre des tapettes. Non, mais ça ne sert à rien. En fait, il y en a plein qui meurent, j'ai l'impression qu'en fait, il y a des bébés et tout, donc je sais pas. Non, mais moi, il y a un truc qui me dégoûte, l'histoire des tapettes, c'est par exemple, t'as une tapette qui se referme sur une souris, la souris, elle est morte, elle est dans la tapette, quoi. Ah bah ouais. Ah non, mais moi je veux l'enlever de la tapette, quoi. Bah oui, c'est vrai. Ou alors après tu la vois pas, elle pourrit, quoi. Ou alors il y a ouais mais bon, en général tu sais où t'as mis ta tapette. C'est vrai. Et tu peux avoir un trou de les bras. T'imagines, c'est complètement débile. T'as mis une tapette en dessous de ton lit. Tu te lèves le matin, t'as le machin, clac sur l'orteil. Ah, mais ça, ça fait trop mal. Tu t'es déjà coincé dans une tapette? Non, non, je suis jamais coincé, mais j'ai déjà vu des gens, genre mon père. Mais mon père, lui, a des paluches, il sent rien, tu sais. Il a des grosses mains. Ah ouais, des grosses mains, quoi. Des grosses mains de bûcheron, le papa de Romain. Ah ouais, c'est clair. C'est des gros doigts, là, des bordels. Ouais, trapu, quoi. Laisse tomber, quoi. Lui, ça lui avait rien fait, mais peut-être, ça te brise la main, quoi. Tu sais, il y a un truc. Non, mais il y a un truc qui s'enfonce dans ta main, tu sais, il y a un espèce de pic. C'est pour tuer la bestiole, oui. Ah bah oui, trouve la bestiole, après elle crie. Tu sais, en fait, où t'accroches le bout de fromage, c'est un pic. Et en fait, le pic, quand il bouffe le bout de fromage, ça l'éclate. Et ça éclate la tête de la souris, en fait. Non, bah, je plus sur le corps et ça le coince avec le ressort, c'est tout un bordel, quoi. Alors, tu les as vues depuis quand, tes souris, toi, Leslie? Tes tapettes. Là, je sais pas. Franchement, j'ai aucune idée. Enfin, ça fait tellement, en fait, ça fait longtemps et. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a que moi que ça dérange parce que ma famille, j'ai l'impression, ils sont amis avec. Bah, ils aiment les animaux. Ah non, mais moi, j'en peux plus, moi. Je peux plus. Et il faut respecter les animaux qui font partie de. Oui. Ouais, elles mangent tout, elles font caca partout. T'as Moi, je suis comme toi. Ta famille, ça ne les dérange pas. Ils sont contents. Non, ils vivent avec. Bah, je sais pas que ça les dérange pas, mais j'ai l'impression que. Bah, en fait, je sais pas quoi faire, donc je sais pas s'il faut qu'on arrête de payer le loyer ou. Je sais pas. Moi, mais ça, le proprio, il est pas responsable. C'est-à-dire que le mec, il peut pas te garantir qu'il y aura pas de souris chez toi. Quoi. Ouais, non, mais par contre, il doit envoyer quelqu'un pour. Il peut quand même ramener. Il devrait dératiser. Non, mais je crois que c'est à toi de le faire. Non, c'est à toi de le faire. Moi, c'est l'immeuble qui dératise. Ouais, moi aussi, ouais, mais dans les dératise et qui désinsectise. Oui, ouais, mais en fait, toi, c'est ton Diffoul, c'est ton proprio qui paye. T'as c'est gentil. Merci, monsieur le propriétaire. Il y a quelqu'un qui paye à un moment donné. Ah ouais, c'est le propriétaire qui paye. Ouais, peut-être. Bah, en tout cas, moi, c'est vrai qu'ils le font. Donc toi, ils le font pas dans non, mais bon, de toute façon, ça coûte pas une fortune. Soit t'achètes des tapettes, soit t'achètes de la morora. Vous avez mis quoi déjà? T'as déjà essayé? Est-ce que t'as essayé des tapettes? T'as dit oui. Non mais les tapettes non ça sert à rien parce que ce sera un champ de mine chez moi tellement il y en a. Pas envie, ok. Donc, la morora, ça c'est horrible parce que le rat il meurt, tu sais pas où et après il pourrit. Ah ouais, ouais, c'est ça en fait. Du poison, j'ai tout essayé. T'as tout essayé, ouais. Non mais il y a pas 50 possibilités en fait, de toute façon. Il y a la glu aussi, c'est pas mal. Moi j'ai mis la glu. La glu, c'est la souris. T'as des souris chez toi, Samy? Non, c'était des rats. Oh, Marseille, les gars. Oh, ah si, Marseille. C'est vrai, j'ai oublié que tu étais Marseillais. Qu'à Marseille, vous avez les rats les plus gros en du fait, monde. En fait, c'est des plaques. En fait, c'est la taille d'une feuille A4 à peu près. Et c'est rose. En fait, c'est de la glu, mais vraiment de la glu. C'est-à-dire, tu mets ton doigt, c'est abusé. Quoi. Ouais, et tu en fait, colles. Ça sent la bouffe, et donc les rats, ils arrivent, ils passent sur la feuille. Et en fait, ils restent collés. Ils restent collés. Ouais, et ils agonisent. Ah, ils galèrent. Ils mettent au moins 3 jours. Mais après, t'as le truc qui crève chez toi. Ouais, non, et tu l'entends bouger. Et non. Surtout la taille des rats de Marseille là. Bah en fait après faut prendre la plaque. Bah tu sais, tu alors jettes. J'ai découvert un truc avec ma gardienne devant l'immeuble. Écoute bien, c'est qu'à Paris, les rats sont si gros que qu'à Marseille parce que en fait et à Lyon chez Leslie, tu sais pas, Manuel, t'as pas dit sa gardienne. Non parce que ma gardienne s'est retrouvée une année en fait. Année. Ouais parce que en fait moi j'habite près de la Seine et c'est là où il y en a le plus sur les quais, il y en a beaucoup. Mais toi c'est que des petites souris, mais c'est pas des gros rats toi, Leslie. Non c'est pas des rats, c'est des. Parce que les petites souris c'est mignon, c'est ratatouille. Les gros rats, parce que moi, tu sais que ma gardienne, elle était dans la chaufferie, il y a une plaque d'égout, quoi, pas les grosses qu'il y a dans la rue, hein, une un peu plus petite. Et le rat, il voulait sortir, il a sorti ses gros muscles, il a levé la plaque d'égout. Non, mais le rat, tu sais que le rat a réussi à déplacer la plaque d'égout, elle a hurlé. Ah, machin, elle m'a dit, mais il était comme un chat, quoi. Le truc, elle a entendu, tu sais, elle était en train de nettoyer, elle a entendu un truc de fer, ouais. Genre, elle a regardé, elle a vu le rat, elle s'est barrée au fond, elle a flippé. Mais laisse tomber, quoi. Mais tu sais que les rats, ils sont tellement puissants qu'ils arrivent à faire des trous dans le béton quand même. Ah, ils sont forts. Ouais. Avec leurs dents et leurs griffes, ils grattent et ils gagnent. Alors, si vous voulez que je vous rassure, sachez qu'il y a plus de rats dans les grandes villes que d'humains. C'est vrai. Ouais, bah oui, c'est donc, vrai. Si vous habitez à Paris, à Lyon par exemple, toi tu en accueilles chez toi, mais tu n'es pas la seule a priori. Putain, je me gratte. J'en ai déjà vu des rats, mais ils ont duré des chats, des bébés chats. Ah, ouais, des bébés chats, ouais. Donc, tu vois, avec des souris, faut pas te. Tiens, il y a Yellowman, dites-nous si vous avez eu déjà des souris chez vous là. Non, mais le problème, c'est que si tu fais rien, elles vont se reproduire, vous allez être envahis. Oui, je pense qu'on est déjà envahis, en fait. Parce que Yellowman nous dit, les souris, c'est une horreur. Dès qu'il y a un couple, c'est la misère. Parce qu'après, ça baisse dans tous les sens. Ça baisse. Ouais. Et puis ça non, mais puis après. Combien de portées? Et puis après, dites-nous. Ce qui va se passer, c'est que, tu sais, les animaux, les enfants, ils vont baiser entre eux, quoi. C'est exponentiel, en fait. Ouais, c'est-à-dire que t'en as deux au départ, et puis un an après, tu te retrouves avec un million de souris à la fin. Ouais, mais c'est ça. Parce que j'exagère un peu. Non. En fait, il y a des calculs comme ça. C'est quasiment un million. C'est quasiment un million, ouais. Ouais. C'est un truc de fou le calcul. Moi j'ai mon pote, il est dératiseur et c'est ce qu'il m'a dit. Ouais. Ah, tu as un pote dératiseur. Ouais, j'ai un pote qui travaille là-dedans. Ouais. J'ai Raf qui est prêt à dératiser contre une petite pipe. Enfin, je crois que tu vas pas accepter. Franchement, Raf a laissé un message. C'est intéressant quand même comme promotion. Et c'est pour ça que je t'ai dit un trou de la taille d'un stylo, parce que c'est mon pote qui travaille là-dedans. Il est dératiseur et il m'a dit qu'une souris passe dans le dans un trou, tu sais, mais balèze comme un stylo. C'est-à-dire, tu vois le stylo là que j'ai, un bic. Putain, mais c'est rien. Dans un trou là-dedans. Comment elle fait? En plus, moi, j'ai pas de travail. Donc, si quelqu'un me trouve, si vous me trouvez du travail, je veux bien payer un dératiseur. Bah, monte une boîte de dératisation. Et commence par chez toi. Non, mais c'est vrai. Bah ouais. Je salue d'ailleurs tous ceux qui sont phobiques des souris, qui détestent ça. Mais moi, par exemple, dormir dans ma chambre, sachant qu'il y a des souris qui sont juste à côté, je peux pas. Ah ouais, moi c'est pareil. Et pourtant, je suis. En plus, elle monte dans ton lit la nuit. Ouais, ah non, mais c'est dégueulasse. Ouais, ouais. Moi, je suis courageux, mais. Non, mais moi, je comprends pas pourquoi vous mettez pas des tapettes. Hein, j'en reviens à ça. Ah, Cédric, non, tu viens d'arriver. Qu'est-ce que tu penses de l'idée de. Ah, Cédric, mon amour. Ah. Ça va, j'ai entendu ouais, que tu me soutenais. Merci, ça me fait. Qu'est-ce que tu penses de l'idée de Romano de mettre des tapettes? Bah, il fait ce qu'il veut, hein, s'il veut acheter des tapettes. C'est pas pour Romano, Cédric. C'est pour Leslie qui a des. Romano n'a pas de rat chez lui encore. Non, mais s'il veut lui acheter des tapettes. Non, mais je sinon, tu feras des bons barbecues, Romano. Tu les récupères, tu fais un petit barbecue clair. Pas cher. Nourriture non, à la maison. De toute façon, voilà, tu vas appeler un dératiseur, le mec, où il va foutre du produit. Mais il n'y a pas 10 000 possibilités pour non, se débarrasser non, de souris. Ça, c'est hein. sûr. Ah, ça, c'est clair, ouais. Alors, t'as combien de dératiseurs? Non, mais sinon, alors, quoi ça coûte un dératiseur? Je te dis, mais fais-le toi-même. Tu sais combien il coûte, ton pote? Je sais pas, je vais l'appeler, là. Je pense que c'est cher, moi. Et attends, petite précision, c'est pas 1 million, c'est 2 000, en fait, au bout d'un an. Ah, c'est déjà beaucoup. Ce qui est déjà pas mal. Bah, t'as un couple, t'as 2 000 souris après. Un couple de souris donne 2 000 naissances. Merci pour les renseignements, merci pour vos messages. Oui, vous êtes plein à dire 2000. T'allais voir sur le net aussi, Samy. Ouais, ouais, je suis allé voir sur le net. Mais Samy, le couple qui en donne 2000 en un an et reste ensemble, et les autres qui vont en faire 2000. Ah oui, non, les autres qui vont en faire 2000. Non, mais au bout de 2 ans, par contre, ça fait 1 million. Ouais. Voilà, tu vois. Mais en un an, c'est 2000. Eh ben, écoutez, c'est déjà pas mal. Et une idée à laquelle on n'a pas pensé, nous, mais vous y avez pensé, il y a Audi RS4 qui nous laisse un message. Il y a Covanino qui nous laisse un message aussi. Il y a Babtou. Il y a Anto. Il y a Soso. Il y a Pollux. Et pourquoi tu n'achètes pas un chat? Parce que ma mère Ah oui, non, mais c'est bon. Pas con. Au bout d'un moment, il faut choisir. Non, mais elle est allergique, donc je veux pas que ma mère elle meure. Ah ben, bah, restez avec vos souris alors. Ah merde. Non, mais je crois que je vais prendre des tapettes. Mais parce qu'en fait, je me disais qu'il y en a tellement et je pensais que ça allait pas. Non, mais peut-être que les tapettes, oui, c'est peut-être pas super efficace si t'es envahi ouais, par les rats. Il y en a plusieurs. Donc, non, mais de toute façon, le dératiseur, faut pas se faire d'illusions. Hein, le mec, il a pas une recette miracle, c'est-à-dire qu'il va faire la même chose. Je crois qu'il y a des ondes aussi qui marchent pour les repousser. C'est vrai. Très bien ça, ouais, ouais. C'est vrai, il y a des ondes qui marchent. C'est pas des ultrasons, je sais pas quoi. Si, c'est des ultrasons. Ouais, les ultrasons, je crois qu'ils posent ça ou un truc comme ça. Sinon, tu l'achètes toi-même et tu branches à une prise, ça, il fera la même chose, le dératiseur. En plus, ça coûtera moins cher. Ah, oui, c'est pas si ta mère veut pas de chat, on peut peut-être t'en prêter un. Enfin, tu te retrouves pour prêter qu'on te prête un chat, tu vois. Parce que, oui, en fait, un chat, il va mettre son odeur. En une semaine, t'auras plus de souris. Hein. Ou alors, tu fais déménager ta mère, tu mets un chat à l'intérieur, on a trouvé la solution. et qu'il faut aussi trouver les trous pour les reboucher pour qu'elles reviennent. Ouais, mais s'il y a l'odeur du chat, après. Bon, alors, vous êtes plâtrier. Vous êtes plâtrier, vous êtes murator. Comment on dit murator en français? Murier. Murier ouais. Maçon, voilà, maçon. Murier. Vous êtes, je sais le dire en italien, je ne sais plus le dire en français. Ah, bah, tout va bien, toi. Vous êtes plâtrier, vous êtes. Murator. N'hésitez pas à nous appeler. Vous êtes dératiseur, vous nous faites un petit coucou. Et sinon, ouais, c'est vrai, ça marche, les ultrasons. Là, j'ai les tarifs. Mais faut pas que t'aies certains animaux à la maison qui peuvent les entendre eux aussi, entre parenthèses, des chats. D'accord. Alors, par exemple, sur Amazon. Oui. 23,99€. De quoi? C'est un truc, le truc à ultrasons, là. Ah, 23,99€, le truc à ultrasons. Ouais. Ok. Et j'ai. Ah, mais j'ai. En fait, c'est un truc, s'il se branche sur le courant et ça diffuse l'ultrason, quoi. Très bien. Et j'ai Rachid qui nous appelle Rachid Dératiseur. C'est ça. Salut, Rachid. Salut, ça va? Et toi, Rachid, comment ça va, Rachid? Ouais, ça va, ça roule. Bon, écoute, bienvenue à toi, tu viens nous sauver parce que Leslie est envahie par des souris à la maison. Rachid Dératiseur. Rachid Dératiseur, ouais. T'as le prénom pour le métier. Quoi. C'est vrai. Bon, alors Rachid, combien ça coûte une dératiseur? Par exemple, elle, t'as entendu, elle a des rats partout à la maison. Pas des souris. Des rats ou des souris? Des souris. Des souris. Ah. Oui. Ah ben, je te le présente, Leslie, Rachid, fais-lui un bisou. Enchanté. Bonjour. Oh, ils sont mignons. Bonjour, messieurs, dames. Fais gaffe, Rachid, elle a des crottes de souris sur elle. Oui, fais attention, Rachid, attention. T'es con. Alors, dis-moi. Alors, elle a des souris à la maison. Ouais. Plein. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ça arrive. Ben oui. Ah ben, qu'est-ce qu'il faut faire? Déjà, il faut savoir d'où vient le problème. Oui. Ça veut dire, les souris vont nidifier, ils vont faire des petits dans un coin. Oui. Faut que tu trouves où c'est. Soit dans tes faux plafonds. Soit dans ton parquet, sous ton parquet, ça dépend la configuration de chez toi, comment c'est. D'accord. C'est en béton, c'est en bois, c'est. Franchement, c'est pas quoi. C'est les murs, c'est du plâtre, je crois, et puis par terre, c'est genre du plastique. plastique, enfin, tu vois comment c'est, du lino, du je sais lino. Pas, stylé. Du lino, ouais. Linonéum. J'ai pas eu dans le dos. J'ai eu une montée sur le lino. Du linoléum, non, d'accord. Okay. C'est comme ça le nom. Mais Rachid, en gros, faut trouver l'endroit où les souris baisent. Ouais, si tu veux, ouais. Pour résumer, c'est ça, ouais. Pour résumer, ouais, ou surtout si tu, où ils font leur couvée, quoi. Les petits, la. Ouais, ils font leurs enfants, quoi. Leurs enfants, exactement. Voilà, et il y a des traces, en fait, parce que ça sointe comme Romano. Ah, c'est comme quand Romano fait l'amour, il y a des traces après. Romano, ah, bah je sointe, lui, du gland, mais tu me connais bien, Rachid. Ouais, non, mais je vois, tu laisses des traces aussi. Voilà, c'est ça. Les et souris bah, font comme toi, Romano. Les traces de soin, en fait, et les petites crottes aussi, par le plus souvent, ils sont pas très loin. D'accord, donc il faut repérer les crottes. Ils ont pas, si tu veux, ils ont pas un grand air de là où tu vas trouver les crottes, ils sont pas très loin. D'accord. Ils font caca à côté de leur maison. Comme moi, comme loin, Cédric. Pas très loin, bien sûr. Pas dedans, mais pas très loin. Après, ce que tu peux faire, c'est colmater, isoler, étanchéifier. Ouais. Et après, bah, il faut appeler un professionnel comme moi qui va venir et qui Rachid va payer. Comment il faut, et combien ça coûte, Rachid, pour dératiser un appart? Ça, tout dépend, tu vois. Maintenant, si c'est grand chez elle, s'il y a beaucoup de trucs. Ça va, ça, c'est ça, c'est en fonction du prix. C'est combien, c'est grand comment chez toi, Leslie? C'est pas, il y a trois pièces, un salon, une pièce. Ça, c'est assez grand quand même. Bon, c'est combien de mètres carrés? Ah bah ça va coûter cher. Je sais pas du tout. T'as une chambre ou deux chambres? Bah calcule. Trois, elle a dit. Non, il y en a trois. Il faut mesurer les slits, là. Pour les mètres carrés, tout de suite. Bah, je suis passé moi, donc. Ah, il y a un chat, bah, y a un chat. Ah, t'as un chat? Bah, faut récupérer non, le chat. Non, il y a un chat dans la rue. Non, je vais pas la ramener chez moi. Mais si. Ça, c'est le top. Hein. Ah, voilà, le chat, c'est le top. Mais on n'a pas de chance, il y a sa mère qui est allergique au chat, Rachid. Bon, ah, merde. Et donc, une je sais pas, F3, dératisée, c'est à peu près combien d'une fourchette de prix? Parce que il faut faire au moins trois passages, bah allez, ça va compter 250-300 €. Ah, quand même, ça va. Hein. Moi, je pensais que c'était plus que ça. Deux, trois passages, j'attendais un truc 500 €, quoi. Ah, 300 balles. Bah, 300 balles si ça te débarrasse de tout. Oh, bah, du fou, ils trouvent pas ça cher. Bah, c'est ça qu'on a de l'argent. Ah, non, on a plus savoir qu'en foutre. On n'a plus aucune notion des. Non, mais 300 €. Non, mais bon, après, c'est normal que tu fasses payer, Rachid, ça, mais c'est quand même pas donné. Bah, pour Romano, de toute façon, tu lui aurais dit 2 € et t'aurais dit c'est cher. Regarde, dis fou, pour lui, c'est pas cher. Ouais, non, bah, écoute. Non, mais Diffoul, il est blindé, lui. Non, mais trois passages, 250 €, je pensais que c'était plus cher que ça. Si un jour t'as affaire à Diffoul, fais-lui un 500 sans problème. Franchement. Et sinon, un lâcher de serpent, on nous dit que c'est radical. Les serpents aussi, si elle est allergique. Ah bah c'est bien, c'est si elle est allergique au chat, tu mets des serpents dans la maison. Les serpents, ça ouais, mais serpents, tu l'achètes combien? Ah ouais, c'est vrai, ça coûte peut-être plus cher que la dératisation. Non mais Rachid. Après, c'est qui te le ramène? Il faut t'en débarrasser du serpent après. Bah non, ça devient ton animal de compagnie. Ah d'accord, ouais, si tu veux, mais prends un chat. Tu l'appelles Spiderman, non, Spiderman, c'est pour les araignées. Tu l'appelles, je ne sais pas moi. DJ Snake, voilà. Tu lui trouves un nom sympa, t'as un petit animal de compagnie. Elle est pas allergique aux serpents, ta maman, Leslie? Serpents, je sais pas, je n'ai jamais posé la question. Eh bien écoute, mais... tu mets des serpents partout dans la maison et hop là, plus de rats. Non, c'est non, réglé. Mais le truc du dératiseur, c'est bien. Parce qu'en fait, là, je cherche du travail, donc si quelqu'un veut me prendre, écoute... je vais travailler pour payer le dératiseur. Bon, bah, très bien, ouais. Sinon tu vas payer à la famille parce que t'es pas la seule à habiter à la maison. Hein. On nous dit, si elle divise par les membres de la famille, ça lui fait encore moins cher. C'est pas con comme idée, c'est Karim qui nous laisse le message sur le 41-75-77. Bah, c'est à ses parents. Hein. Karim du 77. Et c'est vrai, Romano lui encore pire que ça, il te dit que c'est à tes parents de payer. C'est, bah, vrai. C'est vrai, t'habites chez eux. Hein. Et sinon, moi je te mets en contact. Ta maison, hein. Je te mets en contact avec Rachid, hein, sans problème. Mais il y a aussi le syndic de copropriétaire. Ah ouais, si t'es pas proprio, c'est au propre pays. Hein. Bon, bah écoute, renseigne-toi, Leslie. Merci. Salut tous ceux qui ont des animaux à la maison. Yo, c'est la spéciale du dimanche soir. Avec le meilleur de Diffoul sur Skyrock. On vous fait un gros big up, hein, à vous toutes et vous tous qui êtes en train d'écouter le son de Skyrock. On termine le week-end ensemble avec les moments les plus dingues, les plus oufs de la radio libre. On va mettre des familles en contact les unes avec les autres. Je vous annonce le retour du double appel. Mais quoi? Mais qui êtes-vous? Mais je suis, c'est vous qui m'appelez, c'est pas à moi de vous dire qui je suis. Vous qui êtes-vous? Non, on vous appelle pas. C'est nous qui se moquons un petit peu, c'est gentil. Voilà, on les met en contact. C'est dans moins d'une demi-heure l'arrivée d'Alonso aussi. Alonso, c'est lui. Plus de 15 ans de carrière avec les psychiatres de la rime. Le collègue de Soprano. Alonso.

Rihanna, elle débarque bientôt en France d'ailleurs avec Skyrock, ça sera au mois de juillet, elle va passer par Nice à Lyon au grand stade de Lille. Et du côté du Stade de France à Paris-Saint-Denis, notez qu'on aura des invités à vous offrir dès le week-end prochain, car nous sommes premiers sur Rihanna, premiers sur la déconne le matin, le soir, la spéciale de Difool qui continue tout de suite, le répondeur de Pamela. Je vous rappelle le principe, on a pris Romano, on l'a déguisé en Pamela, on l'a envoyé sur des sites chelous, hein, très très trash, bien bien gore. On a laissé une annonce, des pervers ont répondu à cette annonce et les pervers derrière, on les appelle en direct tout de suite. C'est Jean-Claude JC Nunus dans la spéciale de Difool. Elle est blonde ou brune. Son sein gauche fait 85A et le droit 95E. Elle n'a que 3 doigts. Il travaille dans la mode. Enfin, elle est modéliste, quoi. Pamela. Le moment le plus sensuel de l'émission. Allô ? Oui. Oui, bonsoir, c'est Pamela l'appareil. Allô ? Comment ? Oui. Oui, je t'appelais pour le petit message que j'ai entendu sur le réseau. Lequel ? Bah, le réseau. Là, tu recherchais une femme. Mais oui, mais t'es où? Tu viens quand? Eh ben, quand tu veux, mon chéri, t'es où, toi? Mais je suis là, je suis chez moi, là, je t'attends. Ah, t'as la queue à l'air? Ah, toujours, toujours, elle est bien raide. Ah. C'est quoi ton prénom? Jean-Claude. Jean-Claude. Belle tige, bien dur. Avec deux belles clochettes. Et, mais tu peux te décrire un peu physiquement, que je vois un peu l'état des... À chaque fois, Pamela, tu me demandes, Pamela. Ah, mais tu m'appelles toujours en privé, t'as pas envie que je te prenne ton bonbon, trou du cul. Ah, mais je me souviens de toi, on s'est déjà parlé. Mais oui, on s'est déjà parlé au moins 10 fois, Pamela. Ah ben ouais, j'aimerais bien que tu me bouffes l'oignon, moi, à un moment. Hein. Bah oui. Bah viens. Mais t'es où, toi, déjà? Je me souviens pas. Ben là, je suis au téléphone, je suis là. Oui, bah vas-y, branle-toi, alors. Ah bah écoute. J'écoute. Oh, c'est bon. Oh. Ah oui, j'ai envie que tu me bouffes ta grosse queue. Ah oui, vas-y Jean-Claude. Bah oui, une belle tige avec de belles boules. Et puis toute la crème que tu vas avoir dans ta bouche. Que c'est bon. Ah, tu me fais rêver. Ah bah oui, ma chérie. Viens. Viens, je viens. Ah bah oui, on va boire un petit coup de champagne et puis je vais te mettre du champagne partout et je vais bien te bouffer ton petit trou du cul. Ah bah ça j'adore. Ah bah oui, je sais, et puis sur tes petits lolos, hein. Oui, oh bah j'ai une belle poitrine. Tu veux que je te fasse écouter mon anus? Oh bah vas-y ma chérie. Oh, tu pètes comme une salope. Ah bah attends, j'ai pas encore pété. Bon, je te fais un petit pet là. C'est mignon. Eh ben voilà. Oh là là là là là là. Ouh, mais c'est une grosse cochonne. Ah ça, il a pris cher, hein, déjà, mon trou du cul. Ah bah il est fait pour. Ah bah c'est exprès pour ça. Ah bah oui. Allez, un petit dernier pour la route. Tu pètes toi aussi? Bah oui, tu m'as pas entendu. Ah, c'était toi? Mais oui, c'était moi, ma chérie. Vas-y, refaisons un autre. Ah bah là, j'ai plus envie. Ah bah pousse, hein. Oh, je bande comme un cochon, ça, tu l'as dit. Tu bandes, là? Oh bah oui. Ouh, là là là là là là. T'as le nunus en feu, toi. Ah, lèche-moi le nunus. Bah oui, pour ton nunus, tu connais pas? Ah ouais, j'ai... Le roi d'Amérique, pour ton nunus. Ah, tu sais parler aux femmes. Mais oui, je sais. Ah ouais, tu me fais mouiller. Bah, comment t'as-tu fait, moi, c'est ma grosse queue, ma chérie? Bah écoute, ce que je fais, c'est que je te rappelle en début de semaine, et on cale un rendez-vous dans la semaine. Oh bah, si tu veux, on met ça mercredi. Mercredi, tu peux venir, toi? Ah bah oui. T'es d'où, sérieux? Mais je suis de Paris, ma chérie. Ah bah voilà, bah nickel, moi aussi. Mercredi mais soir, où, tu peux... à Paris? Dans le deuxième. Dans le neuvième? Deuxième, deux. C'est où ça, le deuxième? Châtelet-Léal. Oh, bon, on n'est pas loin. Bah écoute, tu pourrais venir me voir mercredi soir. Mais moi, je vais au mur. Ah bah voilà. Et bah à côté des prix de l'Unic. Ah bah oui, je le vois tout à fait. Et bah je suis à 50 mètres du prix de l'Unic, ma chérie. Ah bah écoute, on pourra se voir rapidement. Ah bah voilà. Ah bah nickel, Jean-Claude, je t'embrasse. Bah moi aussi. Et embrasse mon nunus. J'embrasse ton gros nunus. Ouh, elle pète la salope. Et je te rappelle lundi ou mardi, on se voit mercredi. Putain, le mec, il a terminé en beauté avec elle. Juste à côté. Le mec, c'est ta voisin, oui. Ah, c'est Vivus. Il est à côté de chez nous. Ah, mais ouais, totalement. Eh, Samy, t'habites dans le quartier. Ouais, il a donné mon adresse en fait. C'est ton voisin, Samy. Ah, c'est Nunus. C'est pas Nunus. C'est la spéciale du dimanche soir. Avec le meilleur de Difool sur Skyrock. What the fuck? Fares. Oui, l'équipe, je suis là. Tu es dans ton VTC. Exactement. Tel un syndic dans Paris. À la recherche, non, à la recherche de sa chérie. Absolument. Tel un Roméo comme dans Roméo et Juliette. Ah, oui, toi, tu vas rejoindre pas Juliette, mais Monique. Monique qui aime la nique. Oui. Ah, bah, a priori, elle a l'air d'aimer ça, ouais. Mais elle veut quoi? Elle veut que tu la baises? Elle veut te sucer? Elle veut quoi? Non, la baiser, quoi. Honnêtement, j'ai pas les couilles de la baiser, mais elle va venir pour le délire. Vous allez l'entendre bien comme il faut, faire sa chienne. Elle va mouiller sur le siège. Fares, il en peut plus. Ah ouais, Fares. Fares, il se fait son film de cul dans la voiture. Fares, depuis tout à l'heure, mais depuis hier, mec, tu t'es transformé, quoi. Ah, t'es ouais. Chaud bouillant, le mec. Ah, t'es sur la béquille depuis hier soir. Ah ouais, c'est clair. À deux barres. Et tant que t'as pas mis ton jogging. Et voilà, non, bravo. Elle méritait pas le jogging, quand même. Attends, j'allais pas. Pas de jogging. Donc t'es quoi? T'es en jean? Ouais, en jeans. En blue jeans. Ah, c'est vrai qu'il faut parler comme elle, hein. Ouais, en blue. Ouais. Moi, je m'adapte à mort. Je suis le caméléon. C'est bien, Fares. Et t'arrives dans combien de temps chez Monique? Bah, ça y est, j'y suis. Je vais l'attendre. Hein. Je suis à 2 minutes. Donc, dès qu'elle arrive, tu nous fais signe. Garde le téléphone, n'éteins pas, gros. Tu la vois ou pas là? Ouais, ouais. Non, je la vois pas encore. Tu la vois pas encore? Guette. C'est pas l'arrivée en nuisette comme hier. Je me dis merde. Non, ce soir, elle sort le déambulateur. Mais de toute façon, interdit, elle monte pas devant, elle monte derrière. Ah, tu la mets derrière. C'est sympa pour les clients d'après. Ouais. Ouais, c'est bien. Ah, oui. Ta plaque d'immatriculation qu'on ne te prenne pas. Ça sent la bite dans votre voiture, monsieur. Ça sent la vieille. Oh. Si ce serait drôle, c'est que Monique ait une tub, quoi. Ah ouais. Et qu'on découvre ça en direct. Ça serait magnifique. Ça serait l'apothéose. Ouais. C'est le moment de l'année. C'est le moment. Parce que franchement, c'est la tub, elle me l'a mise. Elle me l'a mise bien comme il faut. Non, mais il y en a qui sont super bien faits. Hein. Ah non, mais ouais, il y en a qui jouent bien, cachent bien leur jeu. Hein. Mmh. Bon, ouais, mais je me. Enfin, ça commence à stresser là. Ah, il en panique. Ouais, je te jure. Non, mais à l'époque, ils n'avaient pas les mêmes chirurgiens que maintenant, tu vois. Ah, maintenant, ils sont meilleurs, les chirurgiens. Ah oui, mais de toute façon, si elle a une tub, elle n'a pas besoin de chirurgien. Quoique, regarde les Bogdanov, ils sont meilleurs. Ah, il y a quand même des. Non, mais elle a des reins, c'est tout. Non, mais elle a des reins, c'est certifié après la tub, j'ai pas été vérifié. Mais. Ah, bah, Léa, c'est la prise des hormones. On va voir. Ouais, c'est quoi, on va voir. J'ai hâte. Bon, moi aussi, j'ai hâte. Vivement qu'elle arrive. Elle arrive, là, elle t'a dit à quelle heure? Non, c'est donné là, tout de suite, là, je viens de l'avoir au téléphone, j'étais avec... Ah, elle descend de chez elle, elle vient te chercher. Oui, je descends. Je suis dans la voiture. Et après, au film, c'est dans la voiture. Bon. Elle arrive avec son déambulateur, tranquillement. Tu repasses, Samy, tu es prioritaire, tu reviens dans un instant, Fares, bouge pas. Entendu. Bon, Fares. Là, on est posé, il est avec elle. Ah, ils sont en train. Je vais enlever le slip, je vais tout enlever. Si, attends, je l'enlève, t'inquiète pas. Donc on a Fares et notre granny Monique. Ah, je suis un grand tricheur, tu sais, Monique. Monique. Putain, c'est... Il y a ta petite chanson. Dis-moi que tu as triché. Non, je ne sais pas tricher. Elle a triché parce qu'il n'est pas venu avec son jogging. Ouais. Elle n'est pas contente. C'est ça. Bébé. Elle va faire chier, quoi. Elle voulait un jogging. Ah ouais, non, mais bon, à un moment donné, elle se fait sniquer. Elle voulait niquer avec un jogging. Ah ouais, mais elle est si drôle. Elle est fétichiste. Je ne sais pas la direction de la chaîne. Oh merde! Ah ouais, mais qu'est-ce que c'est que ça? On l'a entendu dans la chatte! Non, c'est pas la direction du Père Lachaise. Ah, j'ai compris, c'est parce pas la direction de la chatte. Merde! Ah non, parce que là on peut pas la voir! Bah si, tu peux la voir. Ah, mais moi si, j'avais compris, mais non, mais pas direct dans la chatte. Ouais, moi aussi j'ai compris ça. Moi aussi. Pas direct dans la chatte. Non, mais peut-être, Fares, ce petit chaud bouillon. Ah, mais vous avez peut-être raison alors. Moi j'avais compris, pas direction du Père Lachaise. Non, parce qu'ils sont pas vers là-bas en plus. Je sais où ils sont, c'est pas vers là-bas. Ah ouais, puis c'est un peu plus. Samy va y aller après l'émission. Ah, donc c'est pas direct. Samy, en fait, c'est regardé, c'est le troisième, il y va après. T'inquiète, là, il passe me prendre en fait. J'ai payé la course sur la radio là. C'est bon pour Fares? Oui, il en a rien à foutre. Donc là, ils sont partis en train de chercher un endroit pour baiser. C'est ça, oui. D'accord. Mais vous savez que moi, plus on entend Monique, plus j'ai l'impression que Monique a une bite. Ouais, salut, c'est Monique. Je vous le dis, hein. Je suis pas un spécialiste. Monique a une grosse bite. Cédric. Ah oui. Une langue de bœuf. Toi qui es un petit spécialiste. Non, tu m'appuies, ça me dit tiens. Ah, ça parle de bite. Une langue de bœuf. Monique, pour toi, c'est un homme ou une femme? Ah, je sais pas, je pense que c'est un mec. Quoi. Ah, tu t'y connais? Ah, je pense que c'est confiance à Cédric. Ouais. Ou alors Cédric a tellement mené que c'est, alors, c'est une femme. Ah, t'aimes ça, hein? Qu'est-ce qu'il lui fait? Ouais, il se caresse en conduisant en fait. Ah, fais attention sur la route quand même. Hein. Merci, sécurité routière. Ouais. Merci, ça. C'est Diffoul Futé qui vous laissait un petit message ce soir. J'ai chaud. Ah, j'ai chaud. J'ai chaud, bébé. Ah, fais chaud, bébé. Ouais, c'est chaud. Voilà, j'ai chaud. Là, je suis chaud. Voilà, j'ai chaud, bébé. Ah, j'ai chaud. Oh là là! Dans deux minutes, Monique, oh, elle... Monique, elle va sortir sa bite là. Ou alors, c'est une fumeuse? Oui, mais elle fume beaucoup. Ouais, mais elle a fumé plein de chitane dans sa jeunesse. Là, elle va fumer la pipe. Mais tu sais, Marie, quand elle se réveille, elle aura cette voix là. Elle l'a déjà. Ça y s'arrête, je crois. Ouais, là, je crois que ça aurait été. Ouais, je crois qu'ils ont redémarré. Ta chatte, voir ta chatte. Voir ta chatte, il m'a dit que voir ta chatte. Eh, mais Farès, il est chaud de ouf. Ah, mais... Attention, qu'on ne voit pas. On voit à travers l'écart. Ah oui, on voit à travers l'écart. Ah, je crois que t'as vu des vitres. Non, c'est rien, enfin. Les vitres, attends. C'est pas là, c'est tardé, mais un tout petit peu. Mais on peut apercevoir, tu vois. Pour ça qu'il est... Ah ouais, c'est correct, c'était les vitres teintées. Ouais. Ah, les vitres qui ont pas teinté. Ça, c'est drôle. Oui, c'est vrai. Ah, les vitres, elles qui ont pas teinté. Ah, là, il a dit sus. Et t'as pas mis de jogging. Sus. Ah, il a dit sus. Ouais. Ah, mais tiens, je suis comme j'arrête au lit. Ah oui, hein, sont chopés. Ah putain. Ah, allô non. Ah non, putain. Non. Moi, quand Macron, je dis allô, il va pas répondre. Mais non, il va pas répondre. Ah non, ça risque pas. Farès, ah non. Je dois t'avoir pris le taxi depuis. La cartouche. Pardon. Le taxi. Vous l'avez pas pris? Non. Non. Je sais. Ah putain. Ah. Et ils font quoi là? Putain, c'est qui s'était arrêté. Mais non, mais je pense qu'il roule et par moments ça passe mal. Mais elle suce en ouais, roulant. Sans doute, ouais. Bah, ouais, je pense, hein. Bah, a priori. Hein. Ouais, il est tellement chaud, de toute façon que. Oh, lui, il est prêt à tout, ouais, je pense que. Il est sans limite. On n'entend plus. Bah, ouais, j'y suis pour rien. Ah, c'est beau cette histoire d'amour qui se noue en direct. Ah, c'est magnifique. Cédric, t'es jaloux. Je sens que t'es jaloux sur ton visage. Ah, non, du tout. Oh, t'es malade. Non, c'est bon, ça va. Ah, ouais, ça non, je te jure, ça va aller tranquille. Oh, j'ai la gaule. Fais tourner, Farès. Et moi, je mettrais presque un billet sur le fait que Monique, c'est un travesti. C'est vrai qu'elle a une voix quand même. Putain, elle a une voix dégueu quoi. Je mettrai un petit billet ou alors comme disait Karim, c'est une grosse fumeuse. Ah, 100 centimes du tunnel. Très bien. Je sais pas où on est. Moi comme un con, j'allais encore dire allô mais il ne répondra pas. Ah bah non. Allez, je vais. Ah, il se gare. C'est quoi ça? C'est les radars de recul ça. De recul. Ah ouais. Radar de recul, radar de devant. Ou inverse. J'ai jamais entendu. Ah ouais. Dans ma Twingo de 99, il y a oui, pas. Oui, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Ah bah quand ça vieille. Fait tut, on continue, c'est que t'as rentré dans le mur. Ça a ah ouais, là, non. Et là, putain, j'espère que c'est pas arrêté à un endroit où on l'entend pas. Parce que là, on l'entend plus. T'as Farès. J'imagine qu'il a choisi l'endroit le plus romantique de la capitale. Oh, bah, certainement. Oui, sous un tunnel, sous un pont. Tu penses bien, espèce de hangar dégueulasse. Ouais. Oh merde, Farès. C'est de l'enfer, peut-être. Vas-y. C'est de le rappeler, j'espère qu'on va le retrouver là, parce que là il s'est garé, donc il bouge plus, si on l'entend pas là. Ouais, ça arrive. Ah, ça y est. Je suis un gros salaud. Un gros salaud, il a dit. Oh, tu touches les seins, Monique. Oh, les tétons. Oh, tu te tires les tétons. T'aimes ça, hein? C'est mignon. Mignon, hein? Ouais. T'aimes ça? Ouais, attends, j'imagine ces tétons. Bah, ils sont chers. Oh, t'as entendu, j'ai mis. Monique, elle est contente. Oui. Bien grave. Allez bien. Mais t'es une salope, hein, Monique. Ah non, t'es salope. Hein. Une bonne salope. Ça fait du bien. Éteins tes lumières. Ah, j'ai compris, ça fait du bien. Elle le suce ou quoi? C'est quoi ce bruit? Oui, tu fais ça en suçant un mec, Marie. Ding. Ah, je l'ai sucé. Ça y est, tiens, Marie, elle est chaude comme un micro-ondes. C'est bon, ce que j'allais dire. C'est bon, la viande est cuite. Ding. Bon, il lui a, à mon avis, il lui a déjà carré un doigt. Il aurait vu s'il y avait une bite, quand même. J'espère pour lui. Ça, on attend la photo hein, pour demain. Ah bah. Bon, écoutez, tout ça. Bonne petite chatte. Ah, a priori. Là, il a dit en pensant à nous, je vous le dis. Ça y est, il est parti, Fares. Allez, défouraille, mon pote. Non, mais il a dit qu'il voulait pas la niquer. Non, il niquera pas. Quoi, attends, c'est ce qu'il nous a dit. Hein. Ouais, parce que là. Il a dû en voir des bites. Hein. Petite chatte, mec. Ta petite chatte. Ah, c'est un pornographe, hein, ta petite chatte. Oui, c'est ça, ouais, ouais. Ah, ta chatte. Ta petite chatte. Ta chatte. Ah oui. Ah, oui. C'est la spéciale du dimanche soir. Avec le meilleur de Difool sur Skyrock. Avec d'ici à minuit le débrief entre Fares, donc Fares 24 ans, et Monique 65 ans. Que s'est-il passé exactement? Le débrief de Fares à pas louper, ça sera d'ici à minuit. L'arrivée d'Alonso également à Londres, des psychiatres de la rime. Le collègue de Soprano qui est venu chanter avec Romano, on va se mettre ça dans quelques secondes. J'ai les résultats du super clash de la drague aussi à vous donner le dimanche soir. C'est de l'inédit, on mélange les meilleurs clashs de Cédric contre les meilleurs clashs de Romano. Je crois que ce soir on peut le dire, c'est un record, victoire de Romano avec 87% des votes. La team Romano qui était au taquet ce soir, la team Le Belge, je sais pas, peut-être déjà en vacances, enfin en tout cas parti ailleurs. 87% pour Romano, 13% seulement pour Cédric qui a pris une branlée. Il y aura la revanche hein, demain soir en direct à partir de 21h dans la radio libre. Le récap du top bug de Romano, on y va. Le top bug, le classement officiel des bugs de Romano sur Skyrock. C'est la tradition le dimanche soir dans la spéciale de Difool, on se fait le récap des bugs de Romano. Le top bug, c'est terminé hein, pour le bug. Place au numéro 4, c'est la sortie de la semaine. Et directement 5ème du top bug de Romano. Moins 1 pour le bug. Il y a Cyril, lui, il a fait la fête. Il y a Cyril, elle, lui, a fait, il fait la fête. L'entrée de la semaine, directement 4ème le bug. Pour que t'ailles baver, pour que t'y ailles avant qu'elle ait bavé. Que elle, avant elle, bavé. 3ème, moins 1 pour le bug, je dois bien t'avouer. Je dois bien t'avouer. Il perd la première place du top bug de Romano, le bug Hello qui est deuxième. Hello, hello, allulu, ili. Et à la première place du top bug, plus de place pour le bug, je trouve ça anti-sexy au possible, qui est numéro 1. Le classement, c'est vous qui le faites. Hein. Vous allez voter sur l'appli des bugs de Romano ou sur le difool.skyrock.com ou sur les deux. Des nouveaux bugs à découvrir en direct mardi soir. Et le nouveau classement, ça sera mercredi à partir de 21h. La spéciale qui continue, on va se mettre un double appel. Juste après, une grosse tuerie. Le tout nouveau son de Kaina. Kaina Samet, le son est fantastique. Ça s'appelle Ça va aller. On se le met maintenant sur Skyrock dans la spéciale. Crédit Agricole, partenaire national de l'UEFA Euro 2016, t'offre 200 places pour l'Euro 2016. Skyrock! L'Euro 2016! Ah oui, allez les bleus! Et écoute Skyrock à tout moment et gagne tes places pour les matchs de l'Euro 2016. Merci. À Lille et Lens, Saint-Etienne et Lyon, Nice et Marseille, bien joué. Marseille, c'est bon, ça. Bordeaux et Toulouse. Et au Parc des Princes et au Stade de France. Crédit Agricole, partenaire national de l'Euro 2016. Ouais, vous êtes les meilleurs! J'adore. Et si j'avais le pouvoir de faire revenir votre fils? Une porte sépare le monde des vivants de celui des morts. Oliva, c'est toi? Un avertissement sacré, ne jamais l'ouvrir. Il faut que je parte maintenant. Produit par Alexandre Aja, réalisateur de La Colline à des yeux et Piranha 3D. Maman, ne les laissez jamais sortir. Non. The Door, actuellement au cinéma. Avec Skyrock. Bienvenue sur Smax. Tu as créé ton profil avec une belle photo de toi. Niveau 1, franchi. Tu as reçu un Smax. Smax à ton tour. Vite. Niveau 2, franchi. Tu viens d'obtenir un double Smax. Niveau 3, franchi. Délivre la princesse de son célibat. Envoie-lui un message. PS, sois original si tu veux avoir une réponse. Sur Smax, c'est toujours toi le winner. Télécharge Smax. S-M-A-X. Avec les offres Trilogie, vous avez 3 bonnes raisons de rouler enfin en BMW. Un taux de financement exceptionnel, 3 ans d'entretien offert et la garantie étendue à 3 ans pour 1 euro de plus. Uniquement sur des occasions sélectionnées par votre concessionnaire BMW. Offre Trilogie jusqu'au 18 juin chez votre concessionnaire BMW Premium Sélection. Offre limitée à 300 dossiers. Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager. Financement de 12 à 48 mois sous réserve d'acceptation par BMW Finance. Voir conditions sur bmw.fr. Ton rail suprême, c'est le DJ star des dimanches soirs de Skyrock. Oh DJ Case frérot, tu tombes à pic frère. Oh les déglingos, ça va ou quoi? Il enchaîne les cartons avec Gradure, Kaina Samet, L'Artiste, Ritza, Mister You. Ok. ok, c'est DJ Case dans Planète Rap. DJ Case prend les platines de l'émission rap de référence avec la version 2016 de sa compile pour l'été. C'est Planète Rap DJ Case tous les soirs de 20h à 21h en direct avec Fred sur Skyrock et en vidéo live sur Skyrock.fm et l'appli radio Skyrock. Yo, la spéciale de Tifoul, 21h minuit sur Skyrock. Faut me laisser, j'ai des rêves et des projets et je dois avancer. Énormissime le nouveau son de Kaina, Kaina Samet, c'est seulement sur Skyrock. Ça va aller, la spéciale qui continue, spéciale de Difool, les moments les plus dingues de la radio libre à se faire le dimanche soir, l'arrivée d'Alonso, Alonso des psychiatres de la rime et le double appel avec Difool et Romano, c'est maintenant. Allô. Aucun des deux n'a appelé l'autre. Ah ben, c'est vous qui avez appelé. Le double appel de Difool sur Skyrock. Hein? Alors là, c'est Sélection le Belge qui a noté vos numéros sur le message. Ah. Et en premier, on a sélectionné ça Jean-Paul. Ça marchera jamais. Si, je pense. C'est Jean-Paul. Les familles sont chaudes. Cédric, t'as le droit de parler. Tu peux faire salut les filles. Salut les filles. Allô. Jean-Paul et qui? Et Jean-Luc. Allô. Allô. Oui. Allô. Allô, oui. Oui, bonjour. C'est qui à l'appareil? C'est Jean-Paul Morel. Ah, salut. C'est Jean-Loup. Jean-Loup Lapré. Jean-Loup Morel. Jean-Loup, comment? Morel. Ah, bah non. Vous êtes pas Jean-Paul Morel, vous, hein? Ah, si. Mais vous êtes d'où? Moi, je suis de Saint-Maurice. Ah, non. Parce que là, vous vous trompez. Moi, je m'appelle Jean-Loup Morel. Ouais. Frère jumeau qui s'appelle Jean-Paul. Oui, on est beaucoup de Morel. Hein. Bah, t'es bon. Ouais. Mais non, je vous connais pas. Oui, voilà. Bah oui. Il y en a partout, les Morel. Moi, je suis Joseph Morel. Non, mais je vous connais pas non plus. Mais vous, alors attendez, vous êtes Jean-Paul, moi je suis Joseph, et le troisième c'est qui? C'est Christian. Christian? Ah bah écoutez, c'est bizarre. Ah bah attendez, bougez pas. Allô? Moi je suis Gertrude Morel, mais qu'est-ce que c'est que ce Bins? Il y a Gertrude Morel qui parle comme dans Les Visiteurs. Comment? Il y a Gertrude Morel qui parle comme oui, je suis là, je comprends pas. Qu'est-ce que c'est que ce beat? Non, il y a Jérôme aussi, hein. Jérôme est là aussi. Ouais. Ah ben oui, bonjour, comment vas-tu? Mais oh, c'est des conneries, ça. Mais non, c'est pas des conneries, on s'est dit, tiens, on va l'appeler le pépère, on va lui demander ce qu'il met, comment ça va bien. Bah oui. Alors, quelles sont les nouvelles? Quoi? Quoi de neuf, docteur? Ah, je suis pas docteur. Hein. Ah bon? Non, mais quoi de neuf? Ah, il est bon, lui. Il y a Patrick également. Il y a Jérémy Morel de Lyon. Ah ben Jérémy, non. Je connais pas non plus. Ah, tu connais pas non plus, ouais. Et Patrick? Tu connais Patrick Morel? Ah non. Bah il est là. Salut Patrick. Comment ça va, Patrick? Patrick. Ah, c'est lui, ouais. Il baisse beaucoup? Ouais, absolument. Ouais, bah tant mieux. Il faut que tu t'encules, là. Ah non, non. Vous avez envie de vous bon, m'assurer ouais. Un petit peu, non? C'est pas bon, ça. Tranquillement, ouais, avec la queue à l'air, là. Ah non, non, mais c'est pas bon, hein. Ah bah il a la queue à l'air, Patrick. Oui, mais peut-être, oui. Je suis en train de bander, là. Ah ben, ça, c'est bien. C'est bien. Et toi, tu bandes aussi ou pas? Oui, ben, j'ai eu bandé. D'accord. Bien sûr, ouais. Ah, Patrick, lui, il est toujours en pleine forme. Hein. J'ai des godes. Ouais. Ah, d'accord. Bon, bah, écoute, t'es gentil comme tout. Oui, bah toujours, moi. Bah écoute, ça fait plaisir de t'avoir eu au téléphone. Ah bah si les nouvelles sont bonnes, ouais. C'est le principal. Merci Jean-Paul. Reprenez-le quand même. Parce qu'on ouais. Salut Jean-Paul, ne quitte pas. Hein. Je vais te passer, salut, je vais te passer Gertrude Jean-Paul. Morel, elle veut te parler. Bonne soirée. Salut à toi. Salut. Énorme salut. Morel. Ah ouais, ouais. Très belle famille. Ah magnifique. Très belle famille. La famille. Quoi là, c'était des Morel, mais partout. Ouais, c'est ça. Ah, ouais, je sais même pas dans quelle région on était là en plus. Là, ouais. Voilà, quoi de neuf docteur. Je suis pas docteur, mort de rire. En effet, oui, ça c'est vrai que c'était. Allez, je suis pas docteur, non. Voilà, merci à Patrick pour sa participation. Il était magnifique. Marie, magnifique. Gertrude. Gertrude. Et qu'est-ce que c'est que ce Beans? Qu'est-ce que c'est que ça? Je sais pas quoi dire à l'ancienne, tu sais. Alors, ça t'a plu, Romano? Mais oui, j'entends toujours. Énormément. Cédric, ça t'a plu? Il est content, Cédric. C'est bien, Cédric. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Mais oui. Mais oui. Voilà, quel rire intelligent tu as. Ah, mais c'est impressionnant. Bon, allez, on continue. Le double appel est bien lancé. Je pense qu'on peut. On peut remettre le couvert. Allez, c'est qui là? Alors, mais tu m'as pas dit où est-ce qu'ils étaient? Ah ouais, tu sais pas où est-ce qu'ils sont? Ouais, en fait, des fois on a même pas le prénom, des fois on sait juste la ville, là on sait rien. Alors, c'est bien. Eh bien écoutez, là on c'est va bien, allons dans le rien. Mais j'ai les numéros quand même. Ah bah écoute, ça tombe bien. C'est le principal. Là on va chez je sais pas qui. Voilà, c'est eux. Allez, c'est parti. Et laissez-nous les numéros, hein. Allez-y pour les doubles appels de ce soir. Là, on est bien lancé à fond dedans. Ouais, peut-être falloir en faire deux autres là parce que ceci. Vas-y, vas-y, prépare. Allô? Allô? Le caca c'est bon. Allô? Oui, allô? Oui? Oui? Qui est à l'appareil? Allô? Oui, qui est à l'appareil? Salut les filles! Je comprends pas, qu'on essaye de m'appeler, je prends et. Oui. Je n'entendais rien. Là, je. Ben oui, et moi je fais pareil, mais ce sont des appels masqués. Ah. Donc, voilà. Donc ça doit être pour un piège ou. Ouais, ouais. Alors ils vont mieux ne pas répondre. D'accord. Allô, mais je vous entends pas. Ben vous m'entendez pas, mais je sais pas moi qui vous êtes toi. Oh. Moi je vous entends. Et qui est à l'appareil? Patrick. Patrick. Patrick. Mais on a une interférence parce qu'on est trois sur la ligne. On est trois sur la ligne. Oui, ils sont trois. Qu'est-ce que c'est cette histoire, hein? Mais, ouais. Mais non, là, il y a un problème, hein, quelque part. Hein. Mais qu'est-ce que vous voulez? Qui êtes-vous? Non, mais non, mais on ne vous a pas appelé. C'est vous qui appelez. Et la dame qui est à côté de moi non plus ne vous appelle pas. Ça tourne chez nous à peine masqué. Alors, je vous en prie, soyez correct. Mais. Mais quoi? Mais qui êtes-vous? Mais je suis, c'est vous qui m'appelez, c'est pas à moi de vous dire qui je suis. Vous, qui êtes-vous? Non, mais non, on vous appelle vous pas. Vous moquez de nous. Je vous entends pas du tout. Mais moi, je vous entends très bien. Pourquoi vous m'entendez pas? Je comprends pas. Ah ben oui, alors, on appelle masqué, monsieur, hein. Soyez correct. Attention. Attention. Cédric, eh ben voilà. Ah, oula. Allô? Oui? T'es en train de te faire baiser ou pas? Moi? Ouais. Qu'est-ce que. Qui veut. J'ai vidé mes couilles là. C'est qui? Un Patrick. Patrick qui? Un Patrick. Bah quoi, Patrick? Ah, c'est un gag, vous êtes une équipe de rigolos. Oh. Salut, enculeux. Moi? Bello? Bello? Allô? Bello? Allô? Allô? Mais c'est vous qui arrêtez pas de m'appeler 3 fois ou 4 fois, là. Le caca, c'est bon. De quoi? Bon, salut les filles. Ah bah là tu lâches avec le caca, c'est bon. Bravo Cédric. Ils étaient 3 en ligne. Oh, pas... Faut changer les jingles. Ah ouais, là c'était un triple appel. C'est la spéciale du dimanche soir. Avec le meilleur de Difool sur Skyrock. Le double, le triple, le quadruple appel de retour demain soir sur Skyrock. En direct à partir de 21h dans la radio libre. La spéciale de Difool qui continue. Continuez à faire tourner le hashtag la spéciale de Difool sur les réseaux sociaux. Vous tweetez, vous y accès, on vous file vos places pour bienvenue à Marley Gaumont, le film sur l'histoire de Camini. Hashtag la spéciale de Difool. Vous tweetez tout ça, vous allez voir. Hein, ça fonctionne réellement. La spéciale qui continue avec l'arrivée d'Alonso. Maintenant, Alonso des psychiatres de la rime avec Difool Romano, la Marie Momo. Samy Karim et Cédric le Belge. Yo, yo, yo. Qu'est-ce que c'est? Je me chauffe un peu la voix. J'ai des vocalises. Je te dis la vérité, mais moi j'ai la voix, elle est brisée. Non mais tu te rends pas compte de ce que t'es en train de faire là. Tu t'en rendras compte une fois que ça sera fini. Oui, c'est vrai, ouais. Je la chauffe un peu moi aussi. Ouais, on est dans The Voice ce soir là. Bon, c'est mais tu fais des échauffements vocaux genre avant un concert ou à la balle les couilles? Ouais, à la balle les couilles. À la Marseillaise. Il va tranquille. Voilà. Ouais, mais c'est bien, ouais, franchement, ouais. Ouais, t'as pas un rituel avant un concert ou un showcase ou je sais pas? Non, rien. Même pas, hein. Franchement, j'y vais en avant et voilà quoi. Un rituel. Marie, t'as un rituel avant l'émission? Mais ah ouais, non, mais j'ai bon, une bière. Le psychiatre, un petit rituel quand même. Ah, tu vois, dans les bras, tu vois, on faisait une petite prière, tu vois, et boum, c'est et parti. Après, c'est parti. Mais ça, c'est dans les concerts. Mais en showcase, foutez, faire la prière en showcase. C'est clair. Avec la bouteille. C'est paradoxal. Alors, sur la bouteille et le tapis. Ouais, voilà, tu vois, tranquille, tu vois. T'as des rappeurs, ils font des pompes avant de monter sur scène. Tu chauffes le muscle. Ouais, Cédric le sait, il pompe lui avant les concerts de rap. Putain de temps, je faisais ça, mais bon. Moi, je pense pas mal avant l'émission. J'ai arrêté tout ça. J'ai content, hein. Oui. Vous connaissez Regarde-moi? Ben oui. Je suis dans mon film, tout va bien. Je m'en bats les reins. Et Romano, faut le faire avec l'accent, hein. Je m'en bats les reins. Jusqu'à Marseille, on s'en bat les reins. J'ai essayé de danser, de chanter. Ce morceau, j'ai bossé avec Core, tu vois. Ouais. Et c'est un parisien. Et c'est vrai que moi, je disais reins. Et c'était pas très joli apparemment, tu vois, donc j'ai essayé de dire rein, mais rein. J'ai du mal, tu vois. Alors comment on dit rien alors, hein? Rien sans l'accent. Rien sans l'accent. Rien. J'ai rien, c'est ça? J'ai rien. Non, hein? J'ai rien. Pardon. Hein, c'est comme ça votre c'est accent ça. Oui, voilà. Voilà. On parle comme ça. Voilà. Enfin, moi, je suis pas parisien non plus. Hein, je sais pas. Bon, attention. Vous êtes prêts tous les deux? Ouais, Romano d'un côté. Allez, c'est parti. Ouais. Sur le morceau d'Alonso, on écoute Regarde-moi sur Skyrock et vos réactions en direct. Le live, c'est parti. Alors, Regarde-moi, version Alonso Romano, oui. En direct live de chez G-Fool, Skyrock, oh oh oh oh oh, hey, ok, what, dealer, souvent je me regarde, et je me dis comment j'ai fait, ça paye pour 10 000 balles, frérot c'est pour de vrai, ce qu'ils essaient de faire, j'essaie de l'oublier, et là je me sens volé, hey, hey, joue pas l'auto, non, je crois en mes rôles. Là je suis là-haut, tout là-haut, oh, je crois qu'en mes gros, oh, oh, on y va. Je suis dans mon film, tout va bien, je m'en bats les reins, tout va bien. Je t'étais où quand moi j'étais en chien, j'ai fait le vide, maintenant je suis plein, c'est le destin. Et si c'était à faire, je ne changerais rien. Merci. Regarde-moi, regarde-moi, regarde-moi. Regarde-moi, regarde-moi, regarde-moi. Merci. Regarde-moi, regarde-moi, regarde-moi. Regarde-moi, regarde-moi, regarde-moi, regarde-moi. On y va. Ma famille, mes amis, ma pute vie, mes ennemis, mes tourments. Merci ma go, elle me donne tant. Je suis love d'elle, mes défaites, mes victoires. Je me relève, serre-leur à boire. Y'a qu'un dans tes rêves que tu baiseras. J'ai des vrais frères, j'ai des vrais gars. J'ai un dressing, c'est une usine. Ouais, je suis rancunier, j'aime trop la sable. Là, je suis sur scène, là, je suis sur Mars. Je suis overbooké depuis des années. Faudrait plus qu'un son, faudrait plus qu'une vie pour t'expliquer par où on est passé. Hamdou, on est là avec tous mes airs. Arrête de jeter. L'œil, tu vas t'aveugler. Dans mon film, tout va bien. Je m'en bats les reins, tout va bien. Cousin, t'étais où quand moi j'étais en chien. Tu te souviens, j'ai fait le vide. Bah ouais, maintenant je fais le plein, c'est le destin. Et si c'était à refaire, je ne changerais rien. Regarde-moi, regarde-moi, regarde-moi. Regarde-moi, regarde-moi, regarde-moi. Regarde-moi, regarde-moi, regarde-moi, regarde-moi. Regarde-moi, regarde-moi, regarde-moi, regarde-moi. Ah, parce qu'il y a dans mon compte, j'ai pas vraiment changé. Non, non. Quelques zéros en plus, quand même. Eh, ouais. Charbonné, charbonné, charbonné, charbonné. J'ai toujours charbonné. Eh oui, mon ami. Eh, Dubaï, Miami, est choisi. Faut que je me repose. Mon fils grandit. Je suis dans mon film, dans mon film. Sur une île, je suis dans mon film. Regarde-moi, mes cicatrices me rendent charmant. J'oublie rien, je vous remercie. Public, ça fait longtemps. Appelle-moi. Alonso Button, je rajeunis à chaque album. Je suis dans mon film, je m'en bats les reins. Tout va bien. Cousin, t'étais où quand moi j'étais en chien? Tu te souviens? Je fais le vide. Bah ouais. Maintenant je fais le plein. C'est le destin. Et si c'était à faire, je ne changerais rien. Regarde-moi, regarde-moi, regarde-moi. Regarde-moi, regarde-moi, regarde-moi, regarde-moi. Regarde-moi, regarde-moi, regarde-moi, regarde-moi. Regarde-moi. Je te regarde, mais t'es chauve, Romano. Alonso, Romano, c'est du fou. Oh, Alonso, il est beau. Il est beau, il est beau, Alonso. La spéciale du dimanche soir, le meilleur de Difool. What the fuck? Jusqu'à minuit sur Skyrock. Alors, qu'est-ce que vous nous dites pour les voisins? Tiens, parce qu'on va revenir à Gwendo et il y aura votre témoignage dans un instant là. Pour les voisins complètement tarés, elle est tombée quand même sur une folle mais dangereuse. Là, qu'il y a des voisins, ils font du bruit, ils sont relous, ils font la teuf, tout ça. Bon, ok. Mais alors, des voisins qui te harcèlent comme Gwendo a été harcelée par sa voisine. Bah, elle est dingue. C'est sa voisine. Ah, mais moi, je te dis, hein, moi, tu fais la teuf dans mon immeuble, j'appelle les keufs. Non, mais là, c'est pire que la teuf. Non mais moi j'appelle les keufs. Mais c'est pire que la teuf. Elle met de la merde dans les dans l'immeuble. Elle harcèle dans leur cour. Ouais, dans leur maison, elles sont en maison. Dans c'est des maisons mitoyennes. Ah ouais, pardon, l'immeuble collé aux autres. Oui. Et elle qu'est-ce qu'elle a fait d'autre? Elle lui a tiré les cheveux. Ah ouais, elle l'a agressé quoi. Voilà, l'a agressé. Elle t'a tabassé, oui. Et donc, on voulait savoir qu'est-ce qu'on peut faire. Alors, il y avait Mec en or qui nous dit: moi je suis en procédure et mon avocat m'a déjà dit que les enregistrements vocaux, les photos etc. sont recevables que si c'est précisé avant. Ça veut dire quoi ça? Non mais c'est-à-dire qu'il faut que les t'as pas le droit, ouais, voilà. C'est-à-dire qu'il faut que les gens soient au courant qu'ils sont filmés. Par exemple, si tu filmes, en fait, faut que tu mettes un écriteau et écrit attention, telle partie est filmée. D'accord. Ouais, mais je crois d'ailleurs qu'il faut déclarer en ouais. Je crois qu'il faut le déclarer quelque part, hein, ce truc. C'est pas genre c'est juste la petite pancarte et d'ailleurs t'as le droit de filmer. J'ai eu un auditeur qui a appelé qui m'a dit il a eu une galère à peu près pareil. T'as le droit de filmer dans ton jardin, t'as pas le droit de filmer la voie publique par contre. Faut trouver un témoin quand elle t'agresse un jour, filmer quand elle ouais, ça il y en a plein qui disaient qu'il fallait filmer. Alors mais filmer au moins pour avoir des preuve qu'elle te suit partout, elle t'agresse partout. Et on aura Lucille qui veut réagir pour aller en voiture, elle veut passer tout de suite. Lucille, donc t'as 25 ans, tu t'étais en voiture? En camion en fait. Ah, tu es dans ton camion. Ah ouais. C'est dingue, oui, ce qu'on disait l'autre jour, parce qu'on a eu un routier, elle a 18 ans l'autre jour. Et donc on se disait, les routiers sont de plus en plus jeunes et de plus en plus femmes. Ouais, parce qu'en plus, c'est une aussi, petite ouais. voix et tout. C'est... Ouais. Et tu te fais niquer dans la couchette? Parce que c'est vrai qu'on pose la question aux garçons, on la pose aussi aux filles. Est-ce que tu te fais niquer dans ta couchette? Non. Non. C'est marrant. Ça arrive plus souvent aux garçons. Est-ce que des fois tu t'arrêtes sur l'aire de repos et tu te mets des doigts? Ah non. Non plus. Ça arrive plus souvent aux garçons, ça aussi. Oui, évidemment. Est-ce que des fois tu t'arrêtes et tu prends des prostituées? Ah, ça. Et je prends quoi? Des prostituées, des putes. Non. Eh ben, okay. Ça arrive aussi aux garçons. Non, mais ça t'est jamais arrivé, genre, tu sais, t'es garé le soir, tu vas pour te coucher, et un routier, il a vu que t'étais une meuf, il vient taper à ta porte, bonsoir. Un coup de klaxon. Bonsoir. Non, j'ai encore jamais eu le cas, et je pars pas à la semaine, donc en général, je suis pas emmerdée. Ah ouais, donc ça va, ouais. Bon, alors, Lucille, ouais, tu voulais nous parler de ton voisin, toi aussi, t'avais un voisin complètement taré. Hein. C'est ça. Mais taré comme celui de Gwendo ou on a réussi à être menacé par un fusil de chasse dès le matin. Ah oui, quand même, ouais. Oui, je viens vous réveiller. Voilà. C'est ça. Excusez-moi, je suis en crise. Je vais vous mettre une balle. T'imagines? Ça ne vous dérange pas? L'autre, il arrive. Taré. Il est devant chez toi. Oui, excusez-moi, je suis en crise actuellement. Pardon, il y a des gens partout là. Non, puis un dingue avec une arme. Lucille, mais oui. Elle est dans le fossé. Ah, non, elle perdu, putain. Non, pas dans le fossé, pas encore. Donc il s'est pointé avec un fusil. Mais pourquoi il s'est pointé avec un fusil, le monsieur pas bien? En fait, mon propriétaire était homosexuel et voulait absolument mettre mon copain dans son lit. et ne supportait pas les bonnes femmes. Donc, du coup, le fait que je sois arrivée, bah, ça ne l'a pas fait du tout. Mais le mec, c'était le propriétaire. Ouais. Ouais, ouais, c'était et notre voisin et notre propriétaire par la même occasion. Attendez, il est propriétaire. Oh, la galère. Bah, t'es gâté, tiens, t'as un proprio comme ça. Ah, ouais. Et alors, comment ça s'est fini, l'histoire? Bah, ça s'est fini, qu'on a fini par déménager, du coup. Ah ouais, mais on s'est fait bah du coup des coups de pute chacun notre tour quoi. Alors quelles idées de coups de pute t'as eu? Bah du coup lui nous a bloqué le passage avec son tracteur. Oui, je vais mettre mon tracteur en fait, devant devant leur porte. C'est ça, donc impossible de se garer à la maison, génial. Bon, c'est pas mal pour faire chier les gens, mais faut avoir un tracteur. Donc voilà, donc les clés ont fini dans la mare. D'accord. Donc, il galérait un peu plus à le démarrer. Putain, mais c'est digne de Julien Courbet à l'époque. Mais grave. C'est ça. Ah ouais, c'est vrai. C'est la guerre des voisins. Donc, les clés dans la mare, plus le tracteur. Qu'est-ce qu'il y a eu comme petit coup de pute que vous avez fait? La musique à fond, lui, nous laissait sa musique à sa nuit. Donc, Ah ouais, c'est vraiment le roi des cons. C'était très agréable aussi. Enfin, ouais, on a eu. Et tout ça parce qu'il voulait sauter ton mec. C'est ça. Et qu'il ne supportait pas, du coup. Donc, c'est vrai que c'est allé quand même vachement loin pour une connerie, quoi. Non, parce que lui, dans sa tête, t'étais une adversaire, en fait. C'est hein? ça. Ah oui? Bah, vis-à-vis du mec. Ouais, t'as vu que ton mec, il voulait se le taper, pour lui, il fallait t'éliminer. T'étais la concurrence. Non, mais, bon, non, mais il était dingue. Non, hein, non, ça. Il était. Enfin, le propriétaire était quand même assez vieux. Absolument. Donc, oui. Du coup. Ouais, mais pour lui. Je suis vieux, mais j'ai une bonne bite. Le proprio, lui, ce qu'il voulait, c'était. Toi, tu gênais pour lui. Lui, il voulait se taper ton mec. Donc, forcément. Et ouais, t'étais ta concurrente. Ouais, c'est ça, ouais. Mais t'aurais pas été là, il serait pas tapé le proprio pour autant. Non plus. Mais bon, le mec était dingue, hein. Voilà, faut pas l'oublier quand même. C'est ça. C'est quand même la base du truc. Et du coup, moi, j'ai fini par aller voir les flics parce que comme j'étais à la maison tout le temps et qu'ils me faisaient des crasses tout le temps. Et moi, les flics, ils m'ont dit, ah bah non, tant que. Enfin, limite, tant que je me fais pas taper sur la gueule et qu'ils rentrent pas chez moi me massacrer, il y a rien, quoi. Donc faut attendre de se faire taper sur la gueule. Non mais c'est vrai quand il y a pas, par exemple quand il y a quelqu'un qui te menace ou quoi que ce soit, et c'est malheureux à dire, mais tant que le mec en fait il n'est pas passé à l'acte, tu sais ils ne peuvent rien faire. Quoi. Ouais, voilà, et limite faudrait qu'il soit mort pour pouvoir porter plainte, quoi. Oui. Ouais, mais là c'est plus compliqué. Ouais, c'est vrai. Voilà, non mais dans la logique c'est ça quoi, c'est si tu ripostes c'est pour ta gueule. Parce que nous disait Gwendo. Ouais, et ça a duré sur combien de temps ton enfer là? Ça a duré 6 mois. Oh. Ouais quand même. Mais après vous avez fait quoi? Ouais c'est ça, bah des fois c'est malheureux d'en arriver là mais bon. Bah du coup on a déménagé et ça va mieux, t'es pas retombé sur des voisins. Bah il est décédé depuis donc oui, ça va mieux. Bon bah écoute. Ouais. Voilà. Vous auriez pu rester encore un peu, du coup. Oui, c'est vrai. Vous pouvez retourner. Ouais, maintenant. Non, c'est bon. Bon, bah, écoute, merci, Lucille. Si vous avez d'autres voisins complètement amochés, voilà. N'hésitez pas. Ouais, bah, merci à vous. Et puis, bah, ça fait plaisir, du coup, de vous écouter tous les soirs et tous les matins. C'est gentil, comme tout, Lucille. Ouais, c'est cool. Bon. C'est sympa. On te fait un gros bisou, nous, Lucille. Et on t'envoie un petit short Skyrock. Comme ça, tu seras plus belle encore que tu n'es au volant de ton gros camion. Gros bisous, Lucille, raccroche pas. Salut à toi. Yo, la spéciale de Tifoul. 21h minuit sur Skyrock. Pour terminer l'émission, le réveil de star d'Olivier Tom, la suite et la fin de la story de Fares 24 ans avec Monique Lagrani. C'est juste après Alicia Keys sur Skyrock. Said I'd be gone by 5, but it's sunrise and I'm still in your bed. Good night usually means goodbye. Me replaying memories in my head. Look at you, look at you, look what you made me do. How do you fake my every move? Who are you, you look so familiar. I know you, baby, I know the truth. We got way too much in common. If I'm being honest with you, we got way too much in common. Since I'm being love somebody like me, you wanna love somebody like me. If you could love somebody like me, you must be Mr. Home too. Who wants to love somebody like me? You wanna love somebody like me. If you could love somebody like me, you must be Mr. Home too. We used to talk till midnight, all those days that you stayed at my house. We were just passing the time when we were young. No vows. Nah, nah, nah. Maybe later on I'll text you and maybe you'll reply. We both know we had no patience together day and night. Getting high on our supply, yeah, we ain't satisfied. I could love you all occasions. We got way too much in common. somebody like me. You wanna love somebody like me. If you could love somebody like me, you must be Mr. Love too. Who wants to love somebody like me? You wanna love somebody like me. If you could love somebody like me, you must be Mr. Love too. We got way too much in common. Du dimanche soir avec le meilleur de Difool sur Skyrock. Et vous voulez la suite des aventures de notre chauffeur Hubert? Eh bien, oui, c'est maintenant. Le voici, le voilà. Il est là, le beau gosse. Il nous a fait rêver depuis lundi avec sa nouvelle petite copine Monique, 70 ans. Miss Granny. Miss Granny, oui, il a serré Miss Granny. Il a trop de la chance. Sexy, Monique. Et c'est Fares. Salut Fares. Salut l'équipe, comment ça va? Salut Fares. Ouais. Fares, c'est que maintenant quand je te parle, tu sais à quoi je pense? Tu penses à quoi, dis-moi? À la vieille. Ouais, c'est vrai. Je salue le prénom. Monique. Je pense à votre belle histoire d'amour avec Monique. Donc hier soir, on vous a retrouvés tous les deux et on a eu une révélation hier soir par Monique elle-même au téléphone quand tu discutais avec elle. Elle est grave. Et là, elle parle de ta bite. Exactement. Ouais, vous entendez Fares? Fares, c'est une grosse bite. Une bite grasse. Expression de la Révolution française, mais. Elle est belle. Mais elle est grasse. Elle est grasse. Putain, la dégueulasse. Rien que d'y repenser là, ça me. Et hier, t'étais sur la béquille quand même hier soir. Hier, franchement, c'est. Mon moi-même, il est revenu en place, ça y est. J'ai mis coup d'un, je me suis barré, ça y est. Ah, il y a eu le coup de rein donc. Non, le coup de 1, j'ai passé la première vitesse. On y a cru le coup de rein. Alors quand on vous a laissé hier, parce qu'on vous a eu jusqu'à la fin de l'émission, et puis à un moment ça a coupé. Vous étiez à l'arrêt, on avait entendu, tu t'étais garé. Hein. Exactement, ouais. Donc on a fait un petit tour. Elle connaissait la salope, elle connaissait un endroit donc discret, que je ne connaissais pas. On a fini dans une impasse, tout ça. D'accord. Et un endroit romantique, ouais, et pas du tout gosse. Glauque. Et elle a commencé à se déshabiller, elle m'a montré ses seins. J'ai confirmé, elle a une schneck de dinosaure. Donc c'est une vraie femme. Dinosaure. C'est une femme, mais. C'est quoi une schneck? C'est une schneck qu'as dû voir dans les. Elle avait de la bite. Ah ouais, mais ça c'est certain. Mais je lui disais, t'as dû en voir de la bite, hein, c'est un truc de ouf. Mais c'est quoi, genre, elle a une grosse chatte? C'est quoi, c'est dégueulasse, je te dis, comme tu détournes le regard, tu vois. Tu la vois, mais tu peux pas la regarder. Oui, je vois ce que tu veux dire. Ouais, a priori, tu la vois bien, franchement, ouais, bordel. Ouais. Franchement, faut avoir la dalle. C'est comme certaines meufs que tu vois dans des films de cul qui ont une chatte, t'as l'impression que c'est un gouffre, le machin. La vérité, dit Foul, je te jure, t'as jamais vu ça dans un film de cul, c'était dégueulasse. Mais est-ce que j'ai vu? Genre, limite, un reportage Arte sur les huîtres ou un truc comme ça, tu vois. Mais non, elle a des bouts de viande qui pendent. On va nous faire dans la boucherie. Je n'ai pas été jusqu'à reconnaître qu'elle a des bouts de viande. J'ai détourné le regard. Mais ça donne envie en tout cas. Ouais. Je sais pas si vous avez entendu, mais je lui tirais les tétons comme ça. Je dis salope. Oui, on a entendu. Et on va vous faire écouter un petit moment de votre grande romance. Et c'est dans un instant, on va vous faire écouter ce qui s'est passé donc hier hors antenne. Tu vas pouvoir t'écouter dans ta. Dans toutes tes performances. Ouais, dans tes prouesses. Exactement. Ouais. On nous demande, mais elle suce bien, la mamie? Non, elle m'a pas sucé, j'ai pas sorti ma bite. Enfin, mais alors, je vais être déçu alors. Ah non, c'est, je t'ai dit, je me suis dit, qu'est-ce que je fais avec elle? Qu'est-ce que je fais avec elle? Ah, mais c'est genre, quand t'as commencé à la tripoter, t'as eu un déclic et tu t'es dit, ouais, je peux pas. Ouais, en fait, c'est ça, ouais, non, je me suis dit, non, tu peux pas, c'est physique, je sais pas, c'est... C'est quand t'as découvert qu'elle avait un clitoris de 20 cm. Tu peux pas, ouais, c'est... non, jamais. Non, mais ça, ça aurait fini en chassé dans la voiture, je l'aurais... Tu m'aurais entendu dans le journal aujourd'hui, Fares. Et Monique aurait témoigné, et elle aurait dit... Ah, oui. Oh, là, ah, elle est belle. Elle est grasse. Ah, elle est grasse. Oh, qu'elle est grasse. Putain, mais, ah là. T'as 5 minutes, Fares? Ouais, j'ai 5 minutes. On va rechoper l'extrait de ce qu'on n'a pas entendu, ce qui s'est passé hier soir dans la voiture. Toi et Monique. Ouais. Parce qu'on t'a enregistré. Les coulisses. Les coulisses de la grande histoire d'amour. C'est ça. De Monique, la dégueulasse. Ouais, et... Parce que c'est du real, hein. C'est avant qu'ils se sont ratés, tu vois, en direct de la voiture. On a entendu. N'empêche que Fares, il s'est servi de nous parce qu'il arrêtait pas de dire, putain, j'ai le travail qui m'appelle, là, faut que je te laisse. Ouais, écoutez, on va écouter. Il a esquivé grâce à nous, hein. T'as giclé dans ton boxer, on nous demande, le Tunisiano qui nous pose la question. Non. Tu t'es branlé quand t'es rentré chez toi après? Non, je t'ai dit, j'ai envie de me couper la bite. En fait, là, elle t'a dégoûté, quoi. Et depuis hier, t'as pas branlé. Ouais. Ah ouais, non, mais heureusement, je l'ai pas touché. Mais je t'ai dit, là, je suis à la recherche d'une fille de maximum 19 ans. Ah oui, voilà, j'ai une copine, elle a 7 ans. C'est un peu jeune, je pense. Ah, c'est trop pour... je peux peut-être pas sortir. C'est vrai qu'elle a peu tard, voilà, tu les supportes, je sais pas comment tu fais. Oui, je sais pas non plus comment il fait pour nous supporter, le pauvre. Franchement. On le supporte aussi. Hein. Ouais, je sais pas comment on fait pour le supporter également. Ouais, c'est un truc de ouf. Hein. Parce qu'il y a beaucoup d'amour là-dedans. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais. Je suis sûr. Allez. Écoutez bien, donc ça c'était dans la voiture après l'émission. Donc il est là, ma salope. Donc là c'est Fares et Monique. Allez, il se commence un peu à se tripoter. Il se tripote. Il y en a plein qui nous ont dit d'ailleurs, Fares, il n'ose pas le dire, mais il a dû la ken. Non, mais ils sont un peu touchés quand même, je crois. Ah oui. Ça, écoutez-la. Plus fort. Oui. Plus fort. Oui. Monique. Oui. Oui, Monique. Elle te répond. Putain. Ah. Il faisait quoi, là? Tiens, Marie, tu peux remercier Zigou, il envoie une photo de son sexe, et c'est vrai que toi. Je mets l'ensemble de. Quoi? Attendez, si vous voulez. Vous voulez quoi, Monique, exactement? Ah, il la revoit, toi. Je dis, il y a mon collègue qui fait que de m'appeler, vu qu'il y a un blème, là, je peux pas rester plus fort. C'était toi, Samy, qui a appelé. Dis-moi exactement ce que tu voulais, Monique. Promis, la prochaine fois, ensemble du PSG. Parce qu'elle était très déçue, il était pas en survie. Bah là, tu peux lui dire de vive voix. Mais rabis-toi. Elle adore les mecs. Rabis-toi. Ouais, donc il y a Zigou qui t'a envoyé son sexe, il est assez énorme. Il nous fait, si tu veux, une bite de black, Marie. Non, mais c'est bon, ça merci. Ça fait du bien quand même que je te pose des seins et que je te dois un peu la chatte. Ah, il a doté quoi. Ah, quand même. Hein? Service minimum. Promis, la prochaine fois on baise, promis. Hubert, ils sont pros quand même. Et tu me boufferas le cul et tu me feras tout ce que t'as envie. Oui, t'es content, oui. Elle est excitée, la Monique. Elle faisait la gueule, non? Je te dis, c'est mon collègue qui fait que de m'appeler là et. Oui. Ah là, quel attends, tu m'as l'air déçu, Monique. Oui. Très déçu. En fait, elle devait faire la gueule, tu sais, derrière. Ouais. Il s'est ravisé au dernier moment. Surtout que là, il est en train de la ramener, tu vois. Donc, c'est ce que vous avez dit, hein. Ouais, je fais la gueule. Je m'en veux pas. Je m'en veux pas, j'ai dû aller m'a stresser, c'est pas. Pardon? Je te dis, il y a mon collègue qui fait que. Regarde, il m'appelle encore. Ah, Samy. Il m'a stressé. Genre, tu l'as sauvé, en fait. Ouais. Je réponds. Là, il faisait genre, il me répondait. Allô? Ouais, tu m'entends? Je lui parle. Ah, Samy? Oui, je suis encore avec ma cliente, il y en a, j'en ai pour 2 minutes. 10 ans. Ah, j'ai déjà fait 1 heure que je suis avec ma cliente. une cliente assez naïve, n'aurait pas compris. Genre, une cliente de d'habitude, il ne serait rien dit. C'est ça, Monique, avec ton esprit pervers. Monique. Ton esprit pervers, Monique. Et après, tu lui as parlé à Fares? Ouais, en fait, là, il est en train de la ramener. Là, dans quelques secondes, tu vas entendre la porte et tout. D'accord. Il a éjecté, quoi. Comment? Ouais. Bon, en gros, il lui a mis la main dans la culotte. Habillé en Zlatan. Je reviens habillé en Zlatan. Il a dit... C'est du PSG. Elle était contente. Ah oui. D'accord. Elle est toute contente. Donc, la prochaine fois, Zlatan. Est-ce qu'il va y retourner? Je crois pas. Tu crois pas? Je suis pas sûr. Je trouve la porte quand même. Ils sont bien les Hubert. Ah c'est ça, mais je te dis, bon, ils sont pros. Ah ouais. Bravo à Brando. Jusqu'au bout. Tac, ferme la porte. Donc voilà, donc il y a eu tout chotage. Voilà. Alors il y en a qui nous disent qu'il a dû balancer la purée, obligé, il a balancé la purée, c'est après qu'il s'est ravisé. C'est le message de Loraya sur SMS. Non, bonjour, mais c'est vrai que souvent c'est après avoir juté que tu redeviens conscient. Ouais. Et le match est fini, donc Séville a gagné. 3-1 contre Liverpool. Et écoutez, après, Samy, tu l'as rappelé. Ouais, tu l'as donc là, il a claqué la porte, Monique, elle est rentrée chez elle, et tout de suite après, je l'ai rappelé pour le débrief, quoi. Écoutez bien le débrief de Samy et de la rencontre de Monique et Fares. C'était hier soir. Allô ? Où est-ce qu'il y a Rock ? Ouais, mon gros. Ah ouais, laisse tomber, gros. Laisse tomber. Pourquoi ? Laisse tomber, c'est une galère. T'as pas entendu comment elle était chaude, elle voulait se faire ken ? Pourquoi tu l'as pas ken ? Mais t'es malade, gros, j'ai pas pu. Elle est venue, elle m'a sorti ses reins, j'ai vu sa chenille, j'ai pas pu, gros. C'est une vieille. Mais c'est une vieille d'où, gros? C'est une tradie. Je t'ai dit, elle a une chenille, je lui ai dit, ouais, mais elle en a vu passer de la bite, ta chatte, hein. Elle est tombée, gros, laisse tomber. Genre, pourquoi? Alors, c'est une chatte toute flétrie ou quoi? Elle, c'est une chatte de vieille, gros. C'est elle a 70 ans. Ta chatte, elle a vécu, gros. Elle a eu des gosses, elle a vécu, il a dit. Elle a tout fait. Elle a tout fait. Ah mais t'as sucé un peu, ouais, t'as les bras ou? Non, elle a pas touché ma bite, gros. T'es sûr que c'est pas un bonhomme, elle avait pas une bite entre les jambes? Non, elle avait une chatte certifiée. Une chatte, une paire de reins, certifiée. Eh, t'es un bon, toi. Ah oui. Eh, gros, y'a que ça qui m'inquiétait, la vérité. Ouais, genre, en plus, elle a commencé à me faire petit quoi, parce qu'elle a parlé de queumé et tout. J'ai dit, waouh, dès qu'elle est montée, je peux voir ta chatte. Eh, il est bon, Fares. Franchement, voilà, c'était le grand. Ah, mais bravo, c'est de belles aventures. Ah, ouais, c'est un sympa, bon Fares. Tu reviens quand tu veux, Fares. La suite des aventures. Ah, ouais. Et puis, si vous arrivez des trucs comme ça, et on les vit en direct avec vous tous les soirs, en direct dans la radio libre, profitez-en. C'est Skyrock, c'est du real. C'est la spéciale du dimanche soir. Avec le meilleur de Difool sur Skyrock. Du real. Et ça continue, hein, la spéciale qui se poursuit. Dans quelques minutes, vous retrouvez Fred et DJ Case, comme tous les dimanches soirs, pour Rail Suprême. Hein, 2 heures de rail pour terminer le week-end. Demain matin dans le morning de Difool, je vous annonce qu'il y aura des écrans plats à gagner. Déjà, on a toujours des invites, des places à vous offrir pour l'Euro 2016. Ça se gagne sur Skyrock. On a tous les matchs à vous offrir. Hein, le Crédit Agricole qui vous offre vos invites sur Skyrock. C'est dans la roulette. Ça va retourner. Bah, ça peut tourner à n'importe quel moment. Peut-être que ça tournera dans Rail Suprême. On sait jamais. Donc voilà, la roulette qui tourne toute la journée sur Skyrock. Et en plus des invites pour l'Euro demain matin, Difool vous offre votre écran plat. Demain matin dans le morning de Difool également, vous retrouverez le réveil de Star. Ça sera à 6h15, 8h-10 et 9h-10. Là, on a pris la voix d'Olive et Tom, premier sur le foot. On a pris la voix du dessin animé pour partir réveiller une famille. C'est maintenant sur Skyrock. Yo. Salut tout le monde. Salut. Nous vous souhaitons une très bonne journée. C'est très gentil. Ouais, merci salut. À toi. Ah, si vous aimez les mangas, c'est un des premiers mangas. Enfin, c'est parti des premiers mangas, des mangas historiques. Ouais. Ils sont là. Vous avez pas reconnu? Allez, debout les sportifs. C'est moi, Olivier. Salut Olivier. Salut Olivier. De Olive et Tom. Eh ouais. Mais ouais, c'est Olive et Tom qui vont réveiller les familles ce matin. Olive et Tom, ils sont toujours en forme. Tom, Olivier, sont super entraînés. Je vois qu'on connaît ces classiques. Ah ouais. Ils sont venus pour gagner. Ah ouais. Olive et Tom, magnifique, ils sont là. Et je m'appelle Olivier Hatton. Oui, je suis Olivier Hatton, mais bien sûr. Ouais. Olive et Tom, c'est le petit dessin animé, le petit manga. C'est ça, ils jouent au foot. Oui, ils jouent au foot. Ouais, c'est ça, avec des figures de ouf. Oui, ils mettent 20 minutes pour mettre un but. Ah ouais, le terrain, il fait 10 km. Ouais, le terrain, le mec, il se met à courir. Au début de l'épisode, t'as le temps d'aller chier, d'aller bouffer un truc et de revenir. Il est toujours au même endroit. Il est toujours en train de courir, direction le but. Et puis, il court chelou avec les bras. Ouais. Bah ouais. C'est Olive et Tom. Parce qu'on va bien rigoler avec eux. Hein. Bon, on a mis les familles en contact avec Olive et Tom. On va voir ce que ça donne. Voici maintenant Roberto. Roberto et la famille qui se font réveiller par Olive et Tom. C'est le réveil de Star. Le réveil de Star. Une star. Un appel. On écoute. Attention, comment ça va se passer, Roberto et Olive et Tom? Olive, oui, allô? Et salut Tom. Oui. Allez, debout les sportifs. C'est moi, Olivier. Et hop. Un, deux. Le petit déjeuner est servi. Oui. C'est qui, là? Je m'appelle Olivier Hatton. Eh oui, mais alors? Je viens juste d'arriver ici. Oui, qui c'est que vous cherchez? Roberto? Oui, c'est moi, Roberto. Vous aussi, vous allez à l'école de San Francis? Non, je vais pas à l'école de San Francis. Je t'ai reconnu, tu es l'avant-centre de l'équipe nationale du Brésil. C'est ça. Non, je suis pas l'attaquant du Brésil, au cas où vous êtes l'attaquant de l'Italie. Italia. Wow, j'arrive pas encore à croire que je vais vivre à côté d'un des plus grands joueurs du football du monde. Ah ben, c'est moi, je rêve ou quoi? Écoutez, si vous cherchez, vous savez où me trouver, d'accord? Tu ferais mieux de garder ton esprit combatif pour le match qu'on va jouer. Oh, t'as cassé les couilles, d'accord? Si tu veux venir, tu viens chez moi, je te fais une tête carrée et après tu repars. D'accord? T'as cassé les couilles. Ah non, là, il y a faute demain. Ah oui. Ciao. Ah bah oui. C'est ah bah super oui. de jouer avec vous. Ah oui, parce qu'il voulait faire une tête carrée, il a touché le ballon avec la main. Il est pas con, Olivier. Ah ouais, bah ouais, qu'est-ce que c'est que ça? Il est pas con. Eh oui, c'était pas Roberto du Brésil, c'était Roberto de l'Italie. Ah ouais, c'est oui. ça. Nous avons eu sur Skyrock, vous pouvez le dire, hashtag star. Nous avons eu sur Skyrock l'attaquant de l'équipe d'Italie. Eh ouais. Roberto. J'avais pas vu qu'il y avait un Roberto dans l'équipe d'Italie. Mais on aura au moins appris ça ce matin. Merci à Olivier Tom ce matin d'être venu réveiller les familles de France. Vous avez vu que même avec un manga, les familles discutent. Ouais. Eh ouais, discutent bien, Roberto. Famille de France, on remercie Roberto, qui veut faire une tête carrée. La spéciale du dimanche soir, le meilleur de Difool. What the fuck? Jusqu'à minuit sur Skyrock. Le réveil de star, minuit 2, hein, l'émission est quasi terminée. Le réveil de star, ça sera demain matin, le retour, hein, avec de nouveaux réveils de star totalement inédits à 6h15, à 8h-10 et à 9h-10. J'ai plein de choses à vous annoncer pour terminer l'émission. Déjà, vous retrouvez le morning de Difool en direct demain matin entre 6h et 9h. Il y aura le replay du morning avec Mehdi à partir de 5h entre 6h et 9h. Donc, ça sera reparti pour une nouvelle journée, une nouvelle matinée de déconne. Donc, avec des écrans plats à gagner pour fêter l'Euro demain matin entre 6h et 9h. Demain soir à partir de 21h, grosse surprise avec Soprano. Logiquement, voilà, il y aura une surprise. Je pense qu'il y aura un tout nouveau son de Soprano à découvrir demain soir sur Skyrock à partir de 21h. Pour terminer l'émission, j'ai des invites, les toutes dernières invites à vous offrir pour Bienvenue à Marly Gaumont. C'est le film qui retrace la vie de Camini, comédie qui sort mercredi avec Skyrock dans toute la France. On va prendre les derniers gagnants par message. Donc vous y allez, les minuit 3, vous êtes à l'écoute de Skyrock. Les places, vous les méritez. Donc voilà, vous laissez prénom et numéro de téléphone. Vous chopez votre smartphone, soit depuis l'appli Skyrock, c'est gratos. Vous passez par la petite enveloppe qui est tout en haut à droite de l'appli, ou alors par SMS le 41 759. Dimanche prochain, je pense qu'on se mettra la descente de SCH avec Romano et Cédric Lebel sur les Champs-Élysées. Et voilà, bah encore merci à tous. On a passé une belle soirée avec les moments les plus dingues de la radio libre de Difool. Là, je laisse l'antenne à Fred et DJ K. Ils sont en train de s'installer. Voilà, c'est parti pour 2 heures de rail. Ça débute dans une minute sur Skyrock. 6h-9h, tu te réveilles en direct avec le morning de Difool. Morning show. Et chope toi aussi ta nouvelle télé Samsung 4K pour mater tous les matchs de foot en ultra HD. De 9h à 20h, tu découvres les plus grosses nouveautés. Toute la journée, gagne 200 places pour l'Euro 2016. Skyrock à 20h. Planet Rap reçoit DJ Case. Et à partir de 21h, la plus grande radio libre de France t'attend pour 3 heures de total direct. What the fuck? Où tout peut arriver. Love au 6-20-70, rencontrez par SMS des centaines de gens qui vous ressemblent. L'amour de toute une vie, votre nouvelle sœur de cœur. De nouveaux amis, Love, L-O-V-E, au 6-20-70. Le service de chat 100% SMS et sans abonnement. Envoyez Love au 6-20-70. 50 centimes plus prix du SMS DGP. Sodome. Et si j'avais le pouvoir de faire revenir votre fils? Une porte sépare le monde des vivants de celui des morts. Oliver, c'est toi? Un avertissement sacré, ne jamais l'ouvrir. Il faut que je parte maintenant. Produit par Alexandre Aja, réalisateur de La Colline à des yeux et Piranha 3D. Non, ne les laissez jamais sortir. The Door, actuellement au cinéma. Avec Skyrock. Allez, allez, let's go! Rail suprême. 2 heures. DJ Case d'ambiance avec tous les sons du moment. Sur Skyrock. Are you ready? Oh! C'est Skyrock et dimanche soir, c'est DJ Case pour Oreille Suprême. Comment va? Très très bien. Bon, ça y est. Excellente forme, l'album est sorti. Ça y est. Bon retour. Il s'appelle DJ Case, cet album. Ouais, c'est ça. Il est sorti là vendredi. En chair et en os, ouais. Et dès lundi, t'es dans Planète Rap ou tout à l'heure? C'est ça, tout à l'heure, ouais. On va présenter cet album tout à l'heure. Et puis même ce soir d'ailleurs. Tous les soirs de la semaine, 20h-21h. Et là, c'est parti. Il y aura aussi un invité, je pense. Eh oui, MRC, voilà, qu'on a pu le découvrir sur un clip que j'ai balancé il y a une semaine ou deux. Il a déjà 1 million de vues. Il s'appelle MRC, un jeune rappeur de la région de Strasbourg. Voilà, une nouvelle révélation et qui va tout rafaler très prochainement. Et tu nous le présentes dans un instant. Yes. Juste après cette première session, c'est parti. DJ Case au contrôle, Rai Suprême. DJ Case. Rai Suprême. Minuit 2h. Avec Fred et DJ Case sur Skyrock. DJ Case. C'est la guerre pour les dollars. Thomas c'est Chico, elle fait la Madonna. T'es sur le teco, tu fais le héros. Mes potos, je t'ai dit, tu n'es qu'un titolard. Tu fais le riche, mais de la monnaie, t'en as pas. Tu veux faire confiance, mais tu vois que des bâtards. Tu fais le polygame, mais zéro madame, madame, madame. Des bluffers, t'en as marre, mais est-ce que t'as ça? Mais t'es maté ça. Toute la soirée, laissez-moi dans mon délire. Minuit, 2h. Rai Suprême. C'est Rai Suprême sur Skyrock. T'as déconné, je te viserai comme Tony. Aïe aïe aïe. Ton mec a pas de baille. Aïe aïe aïe, tu veux te tailler. Ça assume pas les verres, c'est danger. Ce soir j'ai mon jaille, toute l'équipe est chaude. Ça va faire scandale quand je débarque, c'est chaud. Pourquoi tu me regardes, moi j'ai les pesos. Tu veux faire la dure, mais j't'ai déjà pécho. Décale-toi, j't'ai déjà pécho. Va là-bas, j't'ai déjà pécho. Ciao, ciao, ce soir j'vais manger. Aïe, bye, bye, j't'ai déjà pécho. Ciao, ciao, ce soir j'vais manger. Aïe, bye, bye. Tu voulais méga les mettez un. T'es pas mon ami, mais t'es qu'une un. T'as la tête qui tourne, mettez un. Tu voulais une équipe, mettez un. Tu voulais méga les mettez un. T'es pas mon ami, mais t'es qu'une un. T'as la tête qui tourne, mais t'es un. Juste pour tous les jaloux, levez les mains. Levez les mains. Levez les mains. On va te voler comme un Alada. Ah ouais, tu m'aimes, arrête tes baratins. Tu dis que ta meuf, c'est pas une cata. Attends, je l'approche, on verra si elle t'aime. Et de un, ce soir c'est la cata. Et de deux, belle et cassée bata. Et de trois, je me tape de tout décale. Je vais faire que né des négas. Allez, vas-y, montre-toi. Vers la gauche et vers la droite. Mais dis-moi, c'est quoi, c'est pas. Tu danses, si tu galères, on ne sait pas. Allez, visez-moi, pao. Allez, visez-moi, pao. Allez, visez-moi, pao, pao, pao, pao. Tu m'as cherché, mais j'étais toujours là. Espèce de misto, tu penses qu'au dollar. Personne veut de moi comme si j'ai Ebola. Regarde-moi, dis-moi, est-ce que t'as ça, ça, ça, ça, ça, ça. Que des batatas. C'est la baraka, on pète que des câbles, ramène tous tes gars, on va faire des gars. La guerre comme tes gaines, tu n'es que des gains. Cousine, j'ai la meilleure des dégaines. Mon cœur fait que tirer comme des guns. Tu dis que t'as une feu, mais t'en as pas. T'as même pas de poteau dans la porte. Personne ne sait danser, j'en ai marre. T'es mal flot devant toi, est-ce que t'as ça, ça, ça, ça, ça, ça. Que des batatas. J't'ai déjà pécho, ciao, ciao. Ce soir j'vais manger, aïe, bye, bye. J't'ai déjà pécho, ciao, ciao. Ce soir j'vais manger, aïe, bye, bye. Tu voulais méga les mettez un. T'es pas mon ami, mais t'es qu'une un. T'as la tête qui tourne, mettez un. Tu voulais une équipe, mettez un. Tu voulais méga les mettez un. T'es pas mon ami, mais t'es qu'une un. T'as la tête qui tourne, mettez un. Juste pour tous les jaloux, levez les mains. Levez les mains. Levez les mains. DJ K sur Skyrock. Fais-lui ton regard de diamant pour briser son cœur de pierre. Fais-lui ton... vois pas ces putes avant que mon globe te galoche. Gucci, Prada, Louis Vuitton, ton cuir de vachette comme mes baloches. Tu veux boire du champagne, mon head, mais tu touches les allocs. De toute façon, moi j'ai dit pute. Ouvre ton hut que je marque un but. On ramasse les dollars, les cochons, on touche à tout ce qui bouge, même le goût de Madame Olson. Et je me barre en finesse. La concurrence est calée au chaud dans le siège auto. Jamais en chien, corrompu comme un policier mexicain.